J'ai senti un truc, je me suis demandé ce que c'était. Je viens de vivre un truc absolument dingue. Oyez, tas de bâtards! Je vais chier sur la moquette. Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère! Si vous aviez l'un, vous aviez l'autre, le vagin et le pénis. Flaubert, Adrien Méniel. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle. Hein, oui! Bonjour, bonsoir. Et bienvenue dans ce nouveau numéro de Floodcast. Est-ce que je peux deviner le numéro? Ah bah vas-y, alors j'ai le numéro en tête, moi je le connais bien. Est-ce que je dirais le 14e. C'est le 14e, c'était ça, c'est fou, c'est 15, le 14e bravo. Épisode de Floodcast. Un épisode un peu particulier, Adrien Méniel ne sera pas là, malheureusement. On lui passera peut-être un petit coup de fil pendant l'émission. Il n'a pas pu venir parce que voilà, pour des raisons un peu personnelles. Non, tout va bien, mais c'est juste qu'il avait besoin de rester un peu chez lui. Mais il reviendra très bientôt, peut-être pas dans le prochain, parce qu'on va faire un spécial Burning Man. Oh. Avec des gens qui ont fait le Burning Man, qui vont des drogués, potentiellement des gens qui ont pris de la drogue et énormément d'alcool. Mais tout cas, voilà, on va très vite. Il reviendra très vite. Puis après, je crois qu'il part un petit peu en vacances. Mais donc voilà, il y aura peut-être 2-3 numéros sans lui. Mais après, évidemment, il revient. Et puis de toute façon, il y a fin octobre. On a l'info ? Non, je vais rebiper les trucs. Ah, d'accord. Pour bien frustrer les gens. Okay. Mais comme à l'accoutumée, alors du coup, pas vraiment comme à l'accoutumée, mais je suis avec 3 invités autour de la table. Tout d'abord, Roxane Brett. Oui ! Bonjour. Bien dit. Oui, tout à fait. Parfait. Brett comme une trompette. Oh, oh. Les amoureux de la rime se régalent. Eh oui. Roxane, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas ? Alors, je m'appelle Roxane Brett et je suis comédienne et je suis pas mal à la télé, au théâtre et sur YouTube et voilà. Sur quelle sur quelle chaîne on a pu te voir par exemple ? Alors, on me voit pas mal sur TF1 dans Sam. Où j'ai un des rôles récurrents et donc plein d'autres trucs. Ouais. Et Les Parasites sur YouTube et Le Monde à l'envers, pas mal cette année. Voilà, nous sommes également avec Valentin Vincent. Oui, oui, oui. Oh là là, on l'adore. C'est vraiment sympa. Valentin, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas ? Bien sûr, je suis Valentin Vincent, j'ai une vie moins trépidante que Thomas Pesquet. T'es allé dans l'espace, moi je suis allé dans le Loiret, donc voilà. Oui, donc deux choses au final assez... assez vides dans les deux, mais voilà. Non, je suis donc Valentin Vincent, je suis auteur, réalisateur, j'ai écrit, réalisé, enfin co-écrit, co-réalisé notamment Les Emmerdeurs, et depuis je n'ai rien fait. Si, c'est fort. Si, on aura l'occasion d'en parler en plus très vite fait. Fait d'autres parce que je sais pas ce qu'on a le droit de dire ou ce qu'on n'a pas le droit de dire, mais comme d'hab, au pire, on bip. On bipera. Nous sommes également avec Lucien Men. Bonsoir. Ah, bonsoir. Lucien Men, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas ? Eh bien, bonsoir également, je m'appelle Lucien et je suis l'inventeur du mot bip. Quand c'est ça. Voilà. Donc tu me dois beaucoup d'argent. Ah ouais, parce que toutes les semaines. Ouais, tout, parce qu'Adrien, Adrien qui te doit beaucoup d'argent. Bah, c'est pas. Il fera un PayPal. C'est ça, exactement. Oh non ! Ça part direct. Quel connard ! Putain, c'est fou. Bon, les amis, merci. Comment ? Non, il n'est pas là, on va dire plein de trucs interdits, comme il y aura quand même du montage. Je vous en supplie parce qu'on est jeudi soir, l'épisode sort lundi et je suis dans le rush. On est de mariage, hein, Lucien, je te rappelle ce week-end. C'est vrai, donc, charrette. Je vous en supplie, voilà, pas de ni de ni d'antisémitisme. Et là, les gens vont se dire qu'ils sont très liés d'ailleurs. Un truc et tout pas l'autre truc, c'est fou. Comme à l'accoutumée, des petites questions sur l'actualité. Vous savez que c'est le nouveau truc d'ailleurs. Oh, le jeu du Ruquier, moi j'appelle ça. Le jeu du Ruquier. J'ai reçu des messages d'ailleurs à ce niveau-là, donc ça me permet de le dire maintenant. En fait, à une époque, Roxane, on faisait des émissions sur un thème en particulier. Oui. Et donc ça, maintenant, on ne le fait plus. Pourquoi ? Parce que ça fait 5 ans que l'émission existe. Donc du coup, on était un peu à court de thèmes. On a quand même fait plusieurs fois les premiers jobs, les premières fois, le collège, le lycée, tout ça. Les râteaux, évidemment. Et surtout, moi, j'ai eu qu'une adolescence, donc j'ai plus trop de choses à vous raconter. Enfin, tu vois, je pourrais vous mentir, mais putain, je suis pas comme ça, moi. Ok, je suis complètement transparent avec vous. Donc en fait, le truc de l'actu, on s'est dit que c'était pas mal pour, en plus, des fois relancer un peu des sujets. Mais j'imagine que les vieux de la vieille de Floodcast vont se dire, oh, c'est quand même plus comme avant et tout. Et je l'entends. Mais une de cette émission maintenant. C'est vrai en plus, c'est plus vrai, comme avant. C'est plus comme avant, mais en même temps, cette émission a 5 ans. Ben voilà. Et je vous invite à écouter les premiers épisodes. Ils étaient pas si fous, voilà. On cherchait nos marques. Oh, je me souviens encore. Bah, Lucien était dans le premier épisode. On était là dans les locaux de Golden. Oh, non, mais sans déconner, les gars. Mais attends. Vous êtes un vieil acteur à Avignon. Oui. Oui, il fait le off. C'est ça, genre, oh là là, mais. Lucien Men, grand acteur. On se tapait les cuisses tellement on se marrait. Non, mais sans déconner. Non, j'ai adoré, putain, moi. Quel Roxane, t'étais au collège encore. Bon, t'étais toute môme celle-là. Elle était minaude. Attends. Donc les questions de l'actualité. La première, qu'a-t-on trouvé sur une plage en Alaska? Indice, ce n'est pas du sable, c'est un truc un petit peu plus surprenant en tout cas. Un phoque? Non. Un blob? Non, pas un blob. C'est un objet. Ah oui, c'est un objet, c'est pas la corruption des hommes peut-être qui pollue le monde. Bah c'est quoi ça? Pray for Amazonie maintenant! Mais oui! D'ailors, la plupart des photos sont. Alors, c'est. Date de 2013, oui, je sais. De 2000, je sais pas combien. On a un gars de Infowars. Non, mais. J'ai vu ça, mais ça m'a surpris aujourd'hui. On a avec, fait, on a avec Alain Soral. Hein, qui et ça fait la taille de la France quand même, cet incendie. Et ça, c'est grave. Il y a quelqu'un qui a réagi. J'ai partagé une des photos en story Instagram et quelqu'un qui m'a dit attention à tes stories parce que cette photo date de 2013. Waouh! Et donc, ça brûle pas? Oui, c'est ça. Non, mais moi, le problème, c'est que je sais pas quelle photo. Et du coup, je n'ai pas compris quelle photo était dans le doute datée, moi je reposte Notre-Dame comme ça je, pas, je suis sûr de pas dire de conneries au moins je suis tranquille. C'est vrai. Donc qu'a-t-on trouvé sur une plage en Alaska? C'est un truc du passé. C'est un objet du Moyen-Âge, un truc en la Bible. Non, Jésus on a retrouvé Jésus. Un dracar. Non, peut-être ils sont tes plans dans le non OK. Donc c'est pas vieux, enfin c'est vieux mais pas si c'est vieux, c'est un peu plus c'est récent qu'un dracar années 80 c'est un enregistrement de Michael Jackson. Non, c'est plus récent qu'un dracar et Jésus mais c'est contemporain à Michael Jackson un peu. Un enfant. Les années 80, 90. Non, un peu avant. 70. Oui, bah bien joué. Je fais toutes les décennies, qu'est-ce que tu veux, mon pote. Un tout petit peu avant. On a retrouvé Elvis. Non, on n'a pas retrouvé Elvis. Imaginez plage, pensez plage. Ah, un saut de plage des années 70. C'est pas si fou cette anecdote. Flaubert, passons à la suivante. Ah non, une serviette de plage avec Elvis. Oh non. Avec Annie Cordy. Bon, je vous le dis. Non, bah si, mais je veux savoir. Un petit indice. C'est pas un animal, et c'est un objet, c'est un ça. Un petit indice. Un objet. Pensez mer, pensez plage, pensez choses. Une bouteille à la mer. Alors, pourquoi cet accent, j'en ai pas aucune idée. Mais c'est la bonne réponse. Oui. Mais qui date de coup des années 70. Ah mais oui, ça y est, ça me revient. D'un tout petit peu avant, puisque c'est une bouteille qui date de 1969. C'est année érotique. S'il en est. Qui a été posté. Bah oui, bien sûr. Qui a été mise dedans dans la bouteille le message par un capitaine russe, Tyler. Tyler Ivanov, c'est le mec qui a trouvé la bouteille, pardon. Tyler Ivanov, donc qui est le frère d'Alban Ivanov. Ouais. Et le message disait salutations sincères de la. Sauvez-moi. Ah merde. C'est la merde. On a détiqué le ration. On n'a plus que ça. Sauvez-nous. Autant dire que ça. Ouais. C'est une foirade. Non, salutations sincères de la part du navire mère VRXF Sulak. De la flotte de l'extrême-orient russe, je vous salue et vous demande de répondre à l'adresse suivante: Vladivostok, -43. Bon, après, c'est des trucs d'armée, moi j'ai fait un bac L. Nous vous souhaitons une bonne santé et de longues années de vie et une bonne navigation. 20 juin 1969. C'est sympa. Et alors, pourquoi il avait envoyé ça? Qu'est-ce que tu veux foutre sur un bateau? Tu sais, au bout de 40 jours, tu dis qu'est-ce qu'il nous reste? On balance une bouteille à la mer avec un message dedans, et voilà quoi. Ou alors on se suce tous. Ouais, et peut-être que. Alors, c'est le deuxième partie du message. J'ai dit on vient tous de se sucer. Venez. On sait plus quoi faire. On se suce tous, on est vraiment. Tout le monde est vide, venez. Le message n'a pas grand intérêt. Non, mais c'est plus le côté oui, à l'ancienne. Carte postale, ça, coup, ça se passe bien, il fait beau. C'est ça. Capsule temporelle. Ouais, c'est le petit côté capsule temporelle. Ça a mis presque autant de temps que la poste française, si vous voyez ce que je veux dire. Dans vos dents, la poste. Et j'ai entendu dire que Chronopost, ils allaient se lancer dans le livraison de colis et pas seulement dans les avis de passage. J'ai lu cette vanne. Ah, t'as vraiment lu cette vanne? J'ai lu cette vanne sur Twitter. Bah, je dégueule. Pour quelle raison une employée d'aéroport s'est faite renvoyer récemment? Elle s'est assise sur le tapis des valises et elle a fait tout un tour dans le. Oh, j'aimerais trop faire ça. Tout le monde veut faire ça, donc c'est évident qu'il y en ait un qui l'ait fait. Surfer dessus, moi j'aimerais bien, sur une valise. Alors c'est pas ça, je vois que tu me regardes à l'entard. Non, c'est pas ça. Si vous voulez des bières, vous me dites, je vais vous en chercher. Oh, donc une employée d'aéroport, t'as dit? Dans l'aéroport aux États-Unis d'Amérique. Alors elle est employée à terre? Elle n'est pas dans personnel volant. La raison de son renvoi a eu lieu sur Terre, dans l'aéroport. Ok, elle en avait marre de porter des costumes moches. Non. Ils portent tous des costumes moches. Il y en a, c'était un peu stylé, non? Ça dépend où tu voles. Moi, ils sont tous en Tom Ford. Allez, monsieur la bourgeoisie. C'est faux, j'ai pris XLR. Ouais, c'est la pire compagnie. Alors, Valentin, non, oui, une idée? Non, j'ai aucune idée. J'avais besoin de rebondir, je chiais sur une compagnie aérienne qui était un potentiel sponsor. Attends, est-ce que c'est lié C'est lié à un litige qu'il y a eu avec un client. Ah, voilà. Elle a mal parlé à quelqu'un? C'est ça, mais je demande une précision. Ah, et elle parce que je suis le maître du jeu, je fais ce que je veux. Elle a insulté quelqu'un? C'est une sorte d'insulte, mais qui peut être vue comme une chose objective également. Elle a dit vous votez Trump, clairement. Non, elle a refusé quelqu'un par rapport à. Non, elle a pas refusé, elle s'est juste permis un commentaire. Ah. Vous devriez. C'était la grande inspiration. Roxane a pris une grande inspiration, mais c'était juste elle... pour expirer derrière. Excusez-moi, monsieur, vous pourriez mettre un slip avant de monter dans cet avion. Non, non, c'est pas ça. Attends, et donc c'est quelque chose qui pouvait vexer n'importe qui ou spécifique. Non, non, n'importe qui. Ah, c'est un... donc c'est un... une remarque physique. Elle lui a demandé combien de places elle avait pris. Non. Ah, ouais, ah, ouais, ah ouais, ça c'est. Non, c'est très méchant. C'est très méchant, mais c'est pas ça. Mais t'es pas loin. Donc c'est une remarque physique. Ouais. C'est une remarque raciste. Non, non. Je... Non, mais j'essaie. Non, mais c'est une remarque. Sur le faciès. Misogyne. Non, c'était pas mal, Lucien. C'est transphobe. Sur le... Non, c'est sur le faciès. Effectivement, la personne a dit. Alors, c'est même pas qu'elle l'a dit. C'est ça que j'adore, c'est qu'elle lui a donné un petit mot. Elle lui a donné un petit mot sur lequel il était écrit t'es moche. Quoi? Non. Ce sont ces mots vexants. C'est vraiment le collège. Ouais, ce sont ces mots vexants qu'a découvert un homme qu'empruntait l'aérogare de l'État de New York en c'est juin. C'est pas possible. Une employée lui a remis ces quelques mots écrits sur un bout de papier après son passage au détecteur de métaux. Un composant totalement intolérable, selon le directeur de la compagnie. C'était peut-être une façon de draguer. Raté. Mais... Peut-être qu'il lui avait dit quelque chose de pas sympa et qu'elle lui disait humainement tu es moche. Ah. Ouais, mais elle aurait peut-être pu lui répondre ça quand, au moment où lui faisait une remarque désagréable, tu vois. Ouais. Et plutôt que de faire un vieux papier de CM2, genre, c'est moche, je te tire les cheveux. Non, mais bébé surtout... Cadom, c'était marqué derrière. Ouais. elle va pleurer dans les jupes à la prof, il y avait écrit. Nils Tessner a déclaré qu'il n'avait pas trop prêté attention à la petite note, alors l'employé a crié à son adresse tu vas lire le papier, oui. Ah ouais, carrément, carrément, ils ont insisté. Elle s'est esclaffée alors qu'elle prenait connaissance de ce qu'elle lui avait écrit. L'homme s'est plaint de son comportement auprès des supérieurs de l'employé. Ces dernières travaillaient pour une agence prestataire. Après que Nils Tessner a réussi à se procurer les images de vidéosurveillance disponibles sur YouTube, l'agence a déclaré qu'elle avait une tolérance zéro pour ce genre de comportement et l'employé a été licencié. Imagine, l'agence déclare non, j'avoue, non, il est grave moche. En fait, on a vu les images. Non, il est grave moche. Ça on te peut dessert. Pas, Elle a peut-être confondu avec quelqu'un qui lui avait fait du mal. Pourquoi je cherche des excuses à cette dame? Ouais, non, c'est vrai, vraiment... c'est un peu une merde humaine. Donc... Oui, voilà. Vous avez déjà vu, vous, des emmerdes à l'aéroport ou des trucs comme ça, des galères? Moi, c'est pas vraiment des galères, mais la première fois que j'ai pris l'avion, je pense que je paraissais stressé de pas savoir. Attends, merde. Toi, comment... Valentin Vincent, stressé? Figure-toi que l'avion, non, me stresse pas. Parce que d'ailleurs, j'avais mal pris. C'était Bernaud qui m'avait fait si tu veux j'ai des trucs et tout je fais mais j'ai pas peur de j'ai de la coke ah ouais je le dis à l'antenne j'ai pas peur de prendre l'avion ça m'avait vexé qu'il pense que si c'était... j'ai forcément peur de prendre l'avion tu sais que dans il y a un zoo il y a des tigres donc vas-y peut-être pas t'auras peur ça, Valentin ça. Je fais non mais l'avion ça me gêne pas du tout mais je savais pas où tu sais qu'est-ce que tu sors de ton sac machin et tout c'était vraiment la première fois. Et donc je pense que je paraissais un peu et donc vraiment je me suis fait à chaque fois à chaque passage d'un truc fait prendre par un gars de la douane qui m'a refouillé une deuxième fois refait venir mon sac et tout fait prendre par un gars de la douane non et fois. Du coup je c'est et ça m'est pas arrivé depuis c'était la première fois que je prenais l'avion et depuis j'ai roulé ma bosse t'as visité le monde hein, ah ouais, non, ouais. Non mais la première fois oui et du coup je pouvais pas passer un truc sans qu'on me fasse attends monsieur venez voir et tout on me pose 5 ou 6 questions on me refouille alors que t'es même pas arabe c'est ça qui est fou mais je pense que j'avais l'air d'être perdu à regarder à pas savoir quoi faire et en sortant du train une fois on m'a vraiment fait tout vider ma valise et tout ils m'ont fait dégueuler du train non mais ouais le train à Vannes on me sort en fait à j'étais Van. le seul du train choqué sur chaque ah oui le seul du train ouais, on m'a fait vider ma valise il devait chercher quelque chose il m'avait dit vous avez de la drogue j'ai dit ah non j'ai rien et en plus j'en ai vous êtes vraiment non, pas, vous êtes tombé oui, j'avoue sur... oui. J'avoue j'ai 6 kilos de crack et donc ils m'ont fait vider entièrement il y avait rien évidemment ils ont fait ah il y a rien. Et ils sont partis. Et du coup, j'étais tout seul. J'étais le seul à ranger. Ils ont pissé dans la valise. Ah non, ils ont rien rangé. Ils sont partis en disant non, il n'y a rien. Et j'ai dit, bah, je me doute qu'il n'y a rien. Je vous l'avais dit. T'as un peu envie de leur répondre, mais tu diras, c'est la police, tu vois. Mais. Oui, il n'y a rien. Je vous l'ai dit d'abord, les policiers. Mais sinon, non, pas trop emmerdé. J'ai pas. Mais moi, la première fois que j'ai pris l'avion, c'était pareil. Enfin, je sais pas, je crois que c'est tout le monde. T'es un peu stressé. Ouais. Il y a peur de mal faire quoi. C'est ça. Ouais, en plus, tu sais pas ce qu'il faut vider. Laisser, Moi j'avais un couteau et un flingue par exemple. Ouais, non, faut les laisser. Ouais, non, faut les laisser. Ouais, on m'avait ça, dit de les planquer bien. Ouais, c'est ça. Faut ouais. Laisser. Mais moi j'avais un parfum en forme de grenade. Ah oui. Pas malin. Alors, évidemment, la personne a vu que c'était pas une grenade. Hein, mais je me suis quand même dit après coup, bah, c'est vraiment débile en fait de faire un parfum en forme de grenade. C'était quoi le nom du parfum? Je sais plus, j'ai oublié. Grenade par grosse couille. C'est Hugo Boss, non, qui fait ça. Ça s'appelait. Saboum, ça s'appelait. Ouais, c'est la Daesh, j'allais dire. J'avais écrit Daesh en gros sur la grenade. Non, mais en fait, ouais, c'est un. C'est, je sais plus comment ça s'appelle. Non, moi j'avais une vraie grenade dans mon sac que j'avais récupéré du petit déj de l'hôtel, une grenade, le fruit. Ah, pardon. C'est pas genre. Comme, quoi oui, ça va très loin. Dans quel pays? Et j'avoue que j'ai un peu demandé à tout le monde. Ça passe ma grenade dans le sac et je dis putain faut que j'arrête de demander ça ouais. Parce que faut que je dise est-ce que ça passe le fruit ce fruit passe dans mon sac mais tu vois, c'est ça qui est un peu mais en plus moi je suis allé là récemment à Los Angeles Ah, je crois que Lucia Mène a reçu sa nourriture. Oui. J'étais à Los Angeles. Waouh. Et bah, pff, wow. Pour, bah pourquoi bah parce que voilà, on est des nouveaux riches, parce qu'on peut. Bien sûr. Et donc j'étais en vacances et j'ai complètement foiré la douane. C'est-à-dire que là, les États-Unis sont très comment dire tatillons au niveau de la douane. Oui, ils ont. Ça met. Bon, ils ont un petit. Ils font gaffe. Ouais, voilà. C'est ça. Non, il paraît qu'ils font gaffe. Ouais. Et donc du coup, c'est très long en fait. Quand tu arrives aux États-Unis, c'est vraiment la file d'attente et c'est vraiment ça dure 8 ans à peu près. Et quand j'arrive devant, je me dis bon bah vas-y, maintenant j'ai un petit niveau d'anglais, ça va bien se passer et tout. Et alors gros problème, c'est que je leur dis, le mec me demande, vous voyagez seul? Parce que j'étais tout seul, je suis allé en vacances tout seul. Et je fais ouais, vous voyagez seul souvent? Je fais bah franchement ouais, de ouf, je voyage souvent. Et il me fait ah mais vous êtes déjà venu aux États-Unis? Je fais ouais avec ma petite amie. Et là il lève la tête tout doucement, il fait je croyais que vous voyagez souvent seul. Je fais, ah oui, et tu sais là tu commences un peu à perdre un tout petit peu l'anglais. Ouais. Tu fais oui non si je voyage seul, mais c'est vrai qu'aux États-Unis j'étais avec ma meuf, mais d'habitude je voyage seul. Donc là il y a un petit temps. Vous faites quoi dans la vie? Je fais bah je suis scénariste. D'accord. Et pourquoi vous venez? Bah parce que je suis scénariste, j'aimerais. C'est d'accord, vous avez une preuve de ça? Je fais bah non. Enfin justement, c'est un métier qui fait qu'on a. Enfin, je voulais que je fasse des blagues et tout, enfin je sais pas. Attendez, je sors mon matériel. Donnez-moi un micro. Et donc il me fait bah trouvez-moi une preuve de ça. Je fais mais je n'en ai pas, enfin je veux pas vous montrer que j'ai. Enfin, je fais si, en France on a des droits d'auteur et tout, bah montrez-moi que vous faites partie d'un truc de droit d'auteur. Je fais bah il me faut internet et ça commence à prendre du temps. Du temps, donc je lui montre un truc SACD, tu vois, un truc de. Oui, je fais partie de la société des auteurs, regardez machin. Et ça a duré, mais des plombes, alors que. Et j'ai vraiment eu peur qu'ils me foutent de côté, un pote, c'était déjà arrivé. Quand ils te prennent pour t'interroger tout seul, là, c'est un enfer. J'ai vu une émission de télé là-dessus, nulle, mais quand on était en Écosse, on est tombé là-dessus, et où en gros, c'est que des problèmes d'aéroport, quoi. Et y a un Français c'est pourri, qui. Ah oui, c'est pourri. Et il y a ça un Français. Problème qui... d'aéroport. Non, mais en gros, c'est des problèmes de douane, c'est toujours. Et puis, ils te font durer vraiment. Genre, il y a un. Ouais, il a un truc bizarre dans sa valise, mais qu'est-ce que c'est? On sait pas. Voilà. Et il y a un Français qui. Ils mettent tout ce que tu penses. Des poses avec des noirs et blancs. Et des zooms dans la pose. Tout. Ok. Et du coup, il y a un Français qui se fait avoir parce que justement, il panique, il commence à répondre à un truc et il lui fait « Mais attends, vous êtes déjà venu ?»« Oui, mais vous pour travailler, là, vous revenez en vacances ?» Il fait bah, « Oui, et c'était le cas. » Et du coup, le fait qu'il soit venu pour travailler… Et surtout, ce qui est fou, c'est que c'est déjà tellement chiant de remplir l'ESTA où tu donnes déjà 3 adresses de où tu vas, t'as 4 numéros de téléphone. C'est vrai que c'est quand même un peu fou. Enfin, ça met vraiment du temps, quoi. Et quand on est allé en… donc, j'étais en vacances avec Julien Josselin et on a… Jules Fenouille, hein, Jules pour Fenouille pour les intimes. Et du coup, il a… Alors lui, il a acheté un souvenir. C'est un œuf rebondissant. En forme de grenade. Non, en forme d'un œuf, une balle rebondissante en forme d'œuf. Donc voilà, un truc typique d'Écosse. Ouais. Et... Quoique, il y a le eggnog en Écosse. Ça, je connais c'est pas. C'est une spécialité. Ah oui, oui. Et là, vous le googlerez. Voilà, les passionnés du Royaume-Uni apprécieront en tout cas. Et du coup, il est passé avec ça dans son sac. Et du coup, à la douane, il s'est fait pareil. La qui gère le truc lui a demandé de venir parce qu'il y avait un truc suspect dans son sac. Elle a sorti l'œuf rebondissant et elle lui a demandé. C'est une balle rebondissante? Oui. Ok. Elle dit, je me suis... Prouvez-le. Non mais bah, c'est ça. Boing, c'est boing, boing, c'est boing. Ça. C'est là, c'est rebondir. Ah j'avoue. Mais je peux la garder. Ok. Le rire, il s'est fait arrêter parce qu'il avait une balle rebondissante en forme d'œuf et finalement ils ont dû voir passer un gars avec un œuf dans sa sac en se disant qu'est-ce qu'il fout avec un œuf dans son sac parce que ça a vraiment la forme, la couleur. Ils ont vraiment dû se dire mais c'est complètement con de trimballer un œuf. En même temps c'est complètement con de penser que c'est un truc dangereux quoi quand même. Non mais je pense qu'elle voulait juste savoir si c'était bien. Parce qu'elle croyait quoi. Ils doivent se faire grave chier quand même. Donc, il y a de la curiosité aussi. Mais c'est ça, c'est genre. Il dégueule sur le micro, le je dégueule clairement. Il y a un gars avec un œuf. Roxane, toi, non, ça a été. L'aéroport? Ouais. Ouais, à part la grenade. Et, et la... si à New York, j'avais j'avais 14 ans, je m'étais ramené un sweat immense I Love New York et j'étais hyper fière, je trouvais ça hyper cool. Ouais, série américaine quoi. Genre un truc en XL alors que je suis fait 1 mètre. Bon, voilà. Pas... 1 mètre tout court. Un mètre un peu long sur la carte d'identité. C'est pour ça qu'elle s'est fait arrêter. La taille, c'est marqué 1 mètre, donc voilà. Faut qu'on vérifie. Et la meuf m'a regardée et m'a fait me déshabiller dans une petite pièce. Ah oui, d'accord. Ah, sympa. Parce que c'était bizarre que j'ai un sweat aussi énorme alors que je suis vraiment toute petite. Ah, et bon, bah, ils se sont rendu compte qu'en dessous de mon sweat, j'avais rien. Et du coup, ils ont été un peu gênés. Et du coup, ils m'ont regardé un peu en mode meuf, fashion faux pas là. Vraiment. Fais des efforts, on est les États-Unis, merde. Tu leur as répondu, les gars, vous avez un métier nul. Ne me jugez pas. Votre métier, il est un peu chiant. C'est un métier stressant, surtout, je trouve. Enfin. Tu vous regardez aussi sur les écrans un peu pour voir la gueule des valises. Oui, toujours. Et tu te dis, mais le stress de. Non, mais le stress de se dire, franchement, ça c'est chelou, mais je laisse passer. Enfin, tu peux pas tout vérifier. Moi, ça me. Mais moi, paniqué, moi. Mais moi, j'ai l'impression que c'est des fois surtout ultra arbitraire, quoi. Enfin, complètement. Quand on est parti en vacances avec ma meuf en Italie cet été, là, il y avait vraiment les valises. Et en fait, il y a ce petit stress juste après que tu passes les rayons X. Soit ça va vers toi, soit ça va sur un tapis roulant à droite. Ce qui veut dire que tu vas perdre 45 minutes parce qu'il les fouille et que machin et tout. Et vraiment, on s'est sentis comme des débiles. Donc on attend. Et en fait, toutes les valises devant nous passent à la douane manuelle. Donc on fait, oh putain. Et on était un peu à la bourre. Et on fait, oh là là, non, ça va être un enfer. Et moi, je suis très stressé quand je pars en vacances. Enfin, je suis 3 heures en avance et tout. Enfin, je suis vraiment un fou de ça parce que je suis paniqué de rater des trains, des avions, des trucs. Donc machin. Et en fait, notre valise passe. Et on a vraiment un truc nul parce que ma meuf est un peu comme moi de yes ! On se prend dans nos bras et tout. Et juste après, on s'est dit, on est des débiles, ça fait vraiment genre, c'est passé, on va pouvoir faire sauter cet avion. Très peu d'enjeu. C'est ultra suspect en fait de faire, putain, c'est passé. Waouh. Soit ça, soit leurs vies sont tristes, non? Parce qu'ils sont contents de ça. Mais en même temps, à côté de ça, il y avait des gens qui étaient là genre, les chanceux, putain. Ils ont leur avion, nous on va passer 45 minutes. Ah, parce que vous aviez une connexion, un vol Non, non, je suis juste vraiment un taré qui a encore raté son avion. J'ai attendu 4 heures dans l'aéroport. Ouais, non, non. Non, tu rigoles, mais c'est pas très intéressant. Mais bon, c'est pas grave, je suis lancé. On loue une voiture et l'avion de retour arrive. Enfin, faut qu'on prenne un avion de retour. Et en fait, j'ai peur d'être à la bourre. Moi, je vais toujours m'enregistrer le plus tôt possible. Et donc en fait j'avais pas eu le temps, dans ma tête j'avais pas le temps de faire le plein, alors que j'avais évidemment le temps de faire le plein, mais je lui ai dit à ma meuf, non, on n'a pas le temps, ce qui est débile, hein. Faites le plein de votre voiture de location. Fast forward, 45 minutes d'attente, où ils se font grave chier. Une heure, et 70 euros la voiture, parce qu'en fait, parce qu'il n'y a pas le plein, c'est-à-dire qu'en fait ils ont fait un truc fou, Sixte Sicile, si jamais vous y allez, c'est-à-dire que tu te prends une amende de 40 euros, ça qui est basique, hein, qu'il en soit. Déjà c'est la base. Tu te dis, bon, 40 euros c'est quand même un peu dur. Et après, tu payes la différence de l'essence, mais de façon complètement arbitraire. Elle fait, bon, là, il y a 30 euros d'essence. Je fais, bon, on est sûr. Ah oui, c'est une estimation. Ouais, je fais, on est sûr, il n'y a qu'une barre, hein, quand même. Je fais, oui, mais bon. Mais c'est des grosses barres ici, on s'y trouve. Vous connaissez pas les barres siciliennes. C'est ça. Quelle heure il est ? Non, mais là, c'est cher, là. ça fluctue en fonction de rien. Ah bon, d'accord. Et donc, du coup, ouais, je vais vraiment payer comme un con pour attendre une heure dans l'aéroport. Donc, si vous ne soyez pas débile comme moi. Voilà, mais donc, mollo sur le stress. C'est des angoisses, c'est des angoisses d'enfant. Passez votre brevet de pilote et puis on n'en parle plus. Bon, achetez-vous un jet et puis faites pas chier. Julie, il est arrivé quelque chose à une petite Julie, enfin une petite, une dame d'ailleurs qui a bien une quarantaine d'années, qui va faire ses courses sans se douter de rien et elle s'est sentie horriblement humiliée dans ce supermarché américain. À votre avis, pourquoi ? On est dans l'humiliation de l'humain. Tout le monde hurlait de rire sur son passage. Alors, Lucien, oui. Mène, tu manges dans le micro. En plus, moi-même, je suis... Pardon, je te prie. Alors, ce qui est fou, parce que dans l'émission où Adrien n'est pas là, on a quelqu'un de misophone autour de la table. Roxane, tu es misophone. Et Lucien, un petit peu. Je suis moi-même. Mais Roxane, tu es misophone au dernier degré, je crois, c'est ça, hein. Moi, je suis très misophone. D'ailleurs, j'ai reçu un texto sur mon téléphone, je ne sais pas de qui il vient. Si la personne veut se manifester, j'ai reçu dans les tout le premiers texto, c'est juste... Ah, arrête. Miam. Putain. Vous voyez pas, mais elle a saisi les baguettes du repas de Lucien et les a mis sous sa gorge. Très proche de mes yeux. Il y en a une qui est enfoncée dans son nez. Pour le moment, il respire encore. Je retrouve plus le message, mais c'est un message qui dit « Bonjour Roxane, je sais que je suis misophone comme toi, mais bien moins que toi, bien sûr. Je suis en train de me renseigner pour me faire soigner. Est-ce que ça t'intéresse ?» Ah mais putain, on peut se faire soigner de ça, tu penses ? Ouais, apparemment, il y a de l'hypnose, il y a des trucs... L'hypnose, c'est quand même le truc pour tout. Hein. C'est-à-dire que dès que t'as un petit souci dans l'avion, on fait « Oh, fais-toi hypnotiser. » Ouais. Bah écoute, je te souhaite de te faire soigner. Mais normalement, il n'y a pas Adrien. J'ai des problèmes d'argent, bah fais-toi hypnotiser. Ah non, bah justement, c'est contre-productif puisque c'est 70 euros la séance. Non, bah écoute. Oui, mais t'as un plein avec. Non, mais ça m'arrive de me lever dans le train, d'aller voir un mec qui a 4 places derrière et dire excusez-moi, vous pouvez faire moins de bruit quand vous sucez votre bonbon. Ah oui, d'accord. Parce que j'ai un petit problème là. Ah putain, ah oui, donc ça t'agresse physiquement quoi. Ah ouais. Et ça va, t'as pas eu trop des relous qui réagissent mal ? Parce que moi, tu viens me voir, bon déjà, il y a un petit. Ouais, <c'est clair. rire> Si, bah écoute, y a plein de gens qui me prennent pour une folle, mais c'était bon, c'est pas grave. Enfin, prennent. Non, mais si, bah, en même temps, c'est. Et t'as ça depuis longtemps ou tu t'es découvert ça entre temps ? Ouais, non, j'ai ça depuis longtemps, ouais. Ah vache. Parce que mais moi... j'ai l'impression que ça s'empire avec les années. Ouais, mais en même temps, ouais, bah là, là, c'est horrible parce que t'as vraiment. Oui, là, micros, le fait des... ouais, ouais. Je suis prêt de m'excuser. Non, t'inquiète, excuse-moi. Je te déteste pas en vrai. Il y a une chanson des Red Hot On profite de l'absence d'Adrien pour placer tous les trucs qu'il déteste. Oui, parce que je rappelle quand même, selon Adrien... Non, c'est pas qu'il, enfin, non, c'est pas qu'il déteste. C'est que tous les gens qui écoutent les Red Hot puent de la bite. Voilà, c'est la théorie d'Adrien. C'est la... C'est-à-dire mais qu'il... ça m'étonne pas. Mais c'est assez logique quand il le dit, au final, hein, quelque part. Bon, Lucien... non, mais j'ai une bonne hygiène pénible. Parce que tu la laves, mais bon, au fond... Ah, de base ? Ouais. Ah, je sais pas. Ouais, bah, je te le dis en pote. Je te le dis en pote, j'en profite. Bref, il y a un morceau des Red Hot qui s'intitule Tearjerker, qui est une très belle chanson, sauf qu'au début, c'est vraiment le gain et ta bloc sur le micro, il fait... Et il dit un truc. elle s'est vraiment... raidie sur sa chaise si fort. Mais vraiment, il y a un petit bruit de bouche. Tu ouais. entends la salive. Ouais. Ah, donc l'ASMR, c'est de la torture en fait. Le mot vient de la tuer. Moi, je hais l'ASMR. Est-ce que, par exemple, si tu as un ou une partenaire qui ronfle très fort. Non, c'est lit, pas. Alors, il y a des bruits pas grave. Un bon paix. Par exemple, au hasard total. Mais pourquoi pas? Allez! Ah, le thème peut enfin commencer. Donc les ronflements, ça va. Les proutes, c'est ok. Les rots, c'est ok. Non, c'est vraiment les bruits de bouche. Ça devient un peu. Voilà. C'est moi, les rots, j'aime le pas. Non, je sais pas. Est-ce que chier dans le lit, ça t'embête? Moi, c'est vraiment trois. On dirait vraiment... Bon, elle est étroite d'esprit, celle-là. Hein. On dirait vraiment trois collégiens de 6e qui parlent à une fille dans leur groupe et qui font. Et du coup, ça va, on peut faire ça, on peut. Moi, les rots, j'ai un problème, c'est que des fois, ça sent la bouffe et je crois que c'est ce qui me dégoûte plus des fesses. C'est dur, ça. En fait, le pet, ça sent la merde. Bon, bah voilà quoi. Moi, des fois, et le rot, en fait, ce qui me dégoûte, c'est que ça pourrait parfois potentiellement me donner faim si ça sent à bouffer et ça me dégoûte autant plus. Tu vois, il y a un truc de genre, ok, ça sent le poulet rôti, c'est une horreur parce que c'est un rot et en même temps ça sent bon le poulet rôti et ça me dégoûte. Mais ça sent mi bon, mi pas bon. Ah ouais, non, mais ça me dégoûte. Alors qu'un pet, même affreux, je me dis, oui, bon, c'est un peu affreux, voilà, on oui, se marre. Oui, en fait, il y a un peu le côté, ça sort d'un trou de balle. Donc oui, en fait, donc il y a pas de surprise. Il peut pas y avoir de bonne surprise. Après, j'ai jamais eu un pet qui sent. Oui, c'est ça. Un pet qui sent la bouffe, ça, c'est le truc ultime. Ça n'existe pas. Julien Méniel a vomi à cause de ça, d'un pet qui sentait le. Non, pardon, quoi. Hein. C'est la meilleure anecdote. Non, c'est ça le thème de ce soir. Je vous le laisserai raconter. Il m'a tué de rire quand il m'a raconté ça, mais en gros, il y a une histoire d'un pet qui sent le canard et de quelqu'un qui. Le canard, l'animal ou le canard, le magret. La bouffe, le magret de canard. Et de d'un ami qui vomit parce que justement je pense qu'il y a eu ce mélange de genre bah, ça sent quand même à moitié bon la bouffe de ce midi et en même temps bah écoutez ouais. Bon appétit si vous êtes à table. Moi je parlais d'une fille qui s'est fait humilier dans un supermarché. Ah oui, c'est à ça. La base j'étais là-dessus et donc tu disais, je reprends un peu, je raccroche les wagons. Wagon dans lequel quelqu'un mange un peu fort et du coup dégoûte Roxane. Les gens riaient sur son passage. C'est vrai. C'est un peu c'est gras. Mais il se passe. C'est un peu gras. Elle s'est fait caca dessus. Alors tu es pas loin. C'est pas vraiment ça, mais on touche du doigt. Il y a un rapport avec le caca. Il y a un rapport avec le caca, mais pas. Je connais ton émission. Il y a une chance sur deux qui est du rapport avec le caca. Non, mais je vais vous le dire parce que. Non, non. Bah, on est pas loin là. Pardon, j'ose pas parler parce que Roxane me fusille. Non mais là ça va. Non mais je t'aime bien. Non va, mais là il avale. Sauclée. Il avale. Oui. Non mais pardon. Mais t'inquiète. Vraiment, J'aurais mieux fait d'avoir faim pendant cette émission plutôt que. En vrai, Roxane, je vais dire quelque chose. Les misophones qui peut-être ne nous écoutent plus, hein. Misophobes d'ailleurs. Non, misophones. Qui du coup ne nous écoutent plus, je pense d'ailleurs. Ouais, parce que voilà, Adrien Méniel, quand il mange. Très dur avec eux. Mais pour une fois, quelqu'un défend leur cause dans cette émission. Je pense que tu vas devenir une leader et que potentiellement des drapeaux vont être faits à ton effigie chez. Les misophones, en tout cas, si ce n'est pas fait, j'invite les misophones graphistes à le faire, à nous les envoyer sur Twitter. Mettre Roxane vraiment en égérie misophone. Donc, c'est pas se chier dessus, Valentin, mais on n'est pas très loin. Elle avait des écouteurs et du coup, elle marchait, elle ne s'entendait pas lâcher énormément de paix. À chaque pas. Parce que j'ai comme eu une cette petite mélodie. J'ai eu cette inquiétude une fois de me dire oula, j'écoutais de la musique là, qu'est-ce qu'on m'a entendu. Voilà. Moi, j'ai un des trucs les plus drôles de mon enfance, il y avait le cross-country. Vous vous souvenez, c'est oui. On se fait tous humilier, on va courir dans la forêt, on est nul, on est essoufflé et tout ça. Non, et pas, moi, j'étais vraiment en banlieue t'as parisienne. T'as de la chance, hein, ouais, parce que la banlieue parisienne. Ouais, c'est comme ça que ça se passe. Cross, hein. Voilà, cross country, fin de l'année, machin. Non, nous, moi, je me faisais battre. Mais c'est moins grave. Ah, je t'écoute. Mais pour eux, c'est un bon souvenir. Hein. Non, mais moi, c'est un vrai problème. Pardon. J'étais donc en queue de peloton parce que moi, ça me faisait chier. Au parc du Tremblay. Non, c'était au parc du château de Plaisir. D'accord. Voilà. 783-70 représente West Coast parisienne. Wesh. Brr. Et donc, j'étais en queue de peloton. Et devant moi, il y avait un petit garçon qui visiblement était pas bien et il avait un problème de proute et en fait comme il courait et il pétait à chaque foulée. Donc ça faisait comme vraiment tous les coureurs, un petit garçon qui court qui est un peu en galère et ça fait vraiment mais pendant longtemps. Moi c'est mon Moi c'est mon angoisse quand je voyais mon coach sportif et mon corps l'atteste, c'était il y a bien longtemps. j'étais avec mon coach et toujours il y a eu des fois j'avais mal au bide et c'était quand il devait faire les abdos les trucs comme ça, il y avait la petite inquiétude du moment un peu gênant quoi, de la petite caisse devant ton coach. Oui, au yoga aussi. Ouais, ouais. Au yoga, il y a beaucoup de proutes. Il y a beaucoup de proutes au yoga. C'est vrai. Qui est le titre Il y a beaucoup de proutes au yoga. Oui, bah c'est un livre de comment le nez bien son Antonio. C'est un Gottlieb. Ouais, c'est ça. Tu fais du yoga? Ouais. Et donc et souvent dans la salle, il y a des petits proutes et tout le monde essaye de rester très concentré. Oui, oui parce que pas avoir yoga, entendu c'est... le prout. Bah ça serait gênant si quelqu'un prière. Vraiment sur un truc de très détendu se marre. Un petit Eh la honte. Eh hey, connard. Tu stannes à la péter. Mais ça arrive tellement souvent que finalement on relève même plus quoi. Non, bon, c'est jamais qu'un pet. Des proutes, des froutes, des Ah oui, de tout. De toutes tout, les toutes les consonnes avec route derrière. Tout à fait. Parfait. Des pâtés en croûte. Des pâtés en croûte. Bah c'est le midi quoi, c'est une fois qu'on a bien qu'on s'est bien étiré et tout, un petit des pâté macroutes, en croûte. C'est délicieux. tout un tas de choses. Bon, on peut revenir à Julie, qu'est-ce qui lui est arrivé? Ah et oui. Bah elle faisait du yoga, voilà, dans non. le sens. Moi j'avais une idée. Vas-y. Est-ce qu'elle avait une stomie, une poche Stomie Bugsy? Non, stomie, c'est le nom médical ah, c'est pour la poche une, à caca. Une poche à caca. Non, ouais. Elle avait pas ça. Un anus artificiel. Tu crois que Stomie Bugsy c'est en hommage à avoir une poche à caca de merde? Je pense qu'il l'a appris après avoir choisi son nom. Il a regretté de ouf. Merde, putain, merde. D'ailleurs, il est traduit au Québec poche à caca. Poche à caca. poche à caca lapin. En fait, on a cru qu'elle s'était chiée dessus. Ah, et en fait, c'était une tâche. Mais oui, en fait, elle s'est assise sur du chocolat tout simplement dans sa voiture. Sauf qu'elle a posté la photo sur les réseaux sociaux. Ah, je me dis, c'est arrivé aux États-Unis comme on est au courant qu'une meuf s'est assise dans du chocolat. Enfin. Bah, tu sais, les États-Unis, il se passe rien là-bas. Hein. C'est, ouais. C'est un pays très calme en ce moment. Hein. Non, mais elle a partagé sur les réseaux sociaux. On peut la voir la photo, non? Ouais, à vous, oui, bien sûr. Et tu la posteras ensuite sur les réseaux sociaux. Bah, donne-moi des ordres. Non, c'était une question. C'est une question. Non, parce que je ne suis. Moi, une fois que l'épisode sort, je ne fais plus rien. Hein. C'est vraiment l'épisode sort, vous vous démerdez. Je vous ai montré la photo pendant l'émission. Mais oui, elle s'est assise et donc du coup, on avait vraiment l'impression qu'elle s'était chiée dessus. Et vraiment, là, je vous invite à taper Julie et Caca. Merde. Ouais, Julie. Vous trouvez peut-être sur les premiers résultats sont Julie peut-être un merde. Peu vénères. Mais non, mais qu'elle s'est assise dessus et c'est assez, ouais, c'est assez fascinant. C'est troublant de réalité. La prochaine, on est toujours aux États-Unis. Qu'a fait une américaine, pour se venger de ses voisins? Elle les a fait s'asseoir sur du chocolat avant de faire leur course. Non, pas du tout. J'ai eu du mal à le dire, mais on l'avait. C'était bien. Il avait saisi l'astuce. Je l'avais. Faites votre c'est chemin. C'est une blague astucieuse. Je vous ai donné 2-3 repères. Faites votre chemin jusqu'à la vanne. Après, démerdez-vous. Alors. Attends, la question c'est des voisins pour se. En fait, il y a une voisine. Je vais vous donner le début du contexte. Okay. Alors. C'est une voisine qui avait un Airbnb. Et vous savez, le Airbnb c'est illégal aux États-Unis. Ah tu ouais, n'as pas le droit de le. Écoute, en tout cas, c'est un peu secret. Bah, lors de ses fameuses vacances à Los Angeles, mon proprio m'avait dit oh, le dites pas aux voisins et tout. Donc c'est pas très légal. Ouais. Exactement, je pense que c'est un truc par rapport aux propriétaires qui font bah, nous on paye, allez vous faire foutre, vous n'avez pas à louer votre machin, tout ça. Bref, donc elle faisait du Airbnb et elle s'est fait dénoncer par ses voisins. Oh, c'est-à-dire que ses voisins ont dit oui, bah il y a des Airbnb. C'est donc Coluche leur voix. C'est la voix des gens. C'est le peuple, hein, Coluche, je te rappelle. Hein. donc du coup, bref, elle s'est fait dénoncer et du coup elle s'est vengée d'une certaine manière, mais quand même, je tiens à vous le dire, qu'il n'a pas tout à fait, enfin comment dire, essayez pas de chercher un rapport avec le côté Airbnb, même si elle l'a fait à cause de ça. Voilà. Mais elle s'est vengée de ses voisins. Elle a brûlé leur maison. J'aurais bien aimé qu'elle inscrive leur maison à eux sur Airbnb et qu'ils se retrouvent avec des gens qui débarquent et tout. Bah, c'est mieux que ma réponse. Mais, c'est un sketch. Mais non, c'est pas ça. Eh, c'est un sketch ou quoi? Eh, vas-y, fais des sketchs marrants sur YouTube et tout. Vas-y, fais-moi rire. Fils de pute. Bah. Je déteste Valentin, on l'apprend en direct. C'est arrivé, il vient de me poignarder. Donc non, elle s'est vengée. Alors sachez que donc c'est pas un voisin qui l'a dénoncé, mais c'est le collectif de voisins. Ah, c'est une association de voisinage. Ouais, enfin tu sais, t'as vu, il y a beaucoup de ça. Il y a un syndic. Ils sont tous potes. Ouais, c'est une sorte de syndic, mais de quartier. C'est oui, ils surveillent le quartier. Voisin vigilant. Elle a fait une chanson. Bah, oui, bah c'est une vengeance comme une autre. Avec Gauvin Serre. Elle a fait une chanson qui a 12 vues sur TikTok. Le gars qui fait Renault là. Enfin. Tu fais des références d'une précision, putain. Personne ne doit la voir. Donc non, elle a pas fait ça, Valentin. Alors attends, elle s'est vengée via Internet ou pas? Non, un truc très concret. Elle a chié devant leur porte. Non, elle a pas. C'est pas deux anecdotes d'affilée qui impliquent de la merde. Non, il y a toujours une petite entre les deux. Okay. Est-ce que elle aurait pu faire une vengeance très mignonne, genre elle a tondu la pelouse mais très très ras. Non. C'est genre, non, elle a fait. Ouais, c'est moche. Hein. Elle a fait un truc et qu'on a dit oh mais t'as fait ça, elle a fait bah quoi, c'est mignon, genre elle a fait un peu l'ingénue. Elle a taillé. Est-ce qu'elle a taillé un buisson, une haie, d'une forme rigolote? Non. Dommage. J'aurais bien aimé. Je cherche que des vengeances rigolotes, moi. Mais c'est un peu rigolo en fait. Elle a peint les fenêtres. Non, elle a peint les fenêtres. Non, elle a pas peint les fenêtres. Elle a peint quelque chose. Elle a peint quelque chose. Ah, le chien. Non, le trottoir. Le trottoir. Le chien. Elle a éventré le chien et a chié dedans. Roxane, c'est très précis et horrible. Donc non, elle n'a pas fait ça. Le trottoir. Non, non, c'est la maison. Mais sa maison en fait. Elle a peint sa propre maison. Oui. Ah, et pour niquer les coloris du quartier. Voilà. Mais elle a fait un truc. La coquine. Elle a peint la maison en rose et elle a fait des dessins dessus. Bien pour énerver tout le monde. C'était du Kama Sutra. Non, ça aurait été pas c'est mal. Proche. C'est un truc de ça, elle aurait pu se faire avoir. Non, justement, un truc de cul, elle se serait fait défoncer par. Enfin, tu vois, t'as pas elle le droit. Elle a dessiné des leaders politiques, mais d'extrême droite. Elle a fait des croix gammées, mais du coup. Bah, non, non, ça, t'as pas le droit. Mais un portrait. Elle a dessiné des minions, les petits trucs, qui pour moi sont l'équivalent d'une croix gammée. Donc, bah, oui, des lapins crétins. Putain, c'est fou que tu dises ça et tu vas te sentir très mal, ma valise. J'ai reçu un mail cet été, les amis. Je n'en revenais pas. D'un lapin crétin. Bah, non, d'un mignon, pas loin, puisque le créateur des mignons m'a envoyé un message pour dire qu'il écoutait le podcast. Oh la vache. Je reste très fan d'animation. Non, et Valentin est en train de se liquéfier. Pierre Coffin. Okay. Pierre Coffin. Et ben la preuve que je connais. Comment il essaye de ramener ça. C'est Pierre Coffin, j'adore ce que tu fais. Juste non, Pierre Coffin m'a envoyé un mail pour me dire. Vrai. En vrai, c'est fou. Parce non, que je te jure, je rigole, c'est vrai. Mais j'adore, et puis c'est le créateur de Moi Moche et Méchant, qui sont des dessins animés incroyables. Enfin, moi j'adore la trilogie Moi Moche et Méchant. Et du coup, il m'a envoyé un mail. J'étais vraiment genre, c'est un peu fou. Mais en vrai, ce serait marrant de. Ce serait marrant. Je sais pas s'il le dirait publiquement, mais de lui poser la question, est-ce que tu trouves pas un peu que les mignons t'ont dépassé? Est-ce que tu pensais que ce serait vraiment le gag que tout le monde retiendrait Bah tu sais qu'il donne sa voix aux mignons. Moi je trouve ça, moi je suis fasciné. Ah bah. Et on va croire vraiment que je suis, parce qu'il nous écoute, du coup je moi j'adore les mignons. Moi j'adore les mignons. Moi j'adore les mignons. Attends, Valentin, t'as pas dit que c'était l'équipe. Non. Les symboles du troisième rat. Attends, si Pierre tu nous écoutes, bon, Valentin c'est un invité que j'invite rarement. Enfin, c'est à peine un ami. Hein, c'est vraiment. En vrai, ouais, bon, je vais. La preuve, je connais son nom. Non, mais j'apprécie. Non, mais je trouve très très fort par contre ce qu'on fait. Elimination. Je place que des noms pour dire. Je connais l'animation. Un peu MacGuff, tout ça. Oui. Je pense qu'il nous a écouté. Il est présentement sur son téléphone en train de checker toutes les infos. C'est faux. Parce que David Marseille, donc du Palma Show, était venu dans l'émission. Donc je sais pas si c'est comme ça qu'il a découvert. Mais du coup, ça m'a fait trop plaisir son mail. Et en plus, il m'a fait une petite blague justement. C'est pour ça que je rebondis. Il me fait créateur des mignons, entre parenthèses, désolé. Donc, comme quoi, c'est un peu rigolo. Il fait des blagues dessus. Mais c'est quand même justement les mignons. Moi, je trouve ça assez fascinant. Et c'est pas du tout pour le flatter. Mais c'est quand même un des derniers trucs créés, original, qui marche aussi fort. C'est pas. C'est pour ça que les gens s'en plaignent. Parce que moi, ça me fait rire de dire que j'aime pas les mignons. Parce que c'est toujours marrant de taper sur quelque chose qui fonctionne. Non, c'est pas ça. Non, mais c'est en vrai, c'est enfin tu veux le fait que même leur logo, enfin la boîte à la base c'était une boîte française, c'est devenu Illumination, leur logo c'est les mignons à Universal Studios, à Universal, il y a la queue pour les voir et c'est un des derniers trucs où voilà ils ont cartonné avec une image forte et j'ai vu pendant les vacances Mortal Engine qui est pas très bien, voire pas bien. Ah parce qu'à un moment on a eu un mail de Peter Jackson aussi. Oui, mais j'aime tout ce qu'il fait d'autre, ça va. mais non, mais du coup dans Mortal Engine il y a une je vous spoil une toute petite vanne, désolé, on le verra jamais, donc de toute façon en gros il y a une vanne, il y a un musée, ça se passe dans le futur, le très lointain, et il y a genre un musée, des trucs de. Et à un moment, il y a un gars qui touche un truc, fait attention, t'as touché les divinités, la statue des divinités, ou je sais pas quoi, et tu vois que c'est des mignons en métal. Putain, ça veut dire que quand même. Ça veut dire que c'est allé très très loin. L'impact sur la pop culture mondiale, c'est ouf. C'est un des derniers trucs originaux de dessin animé, pas adapté d'un comics ou d'un. Enfin, tu vois, qui n'est pas Disney, enfin, c'est quand même. Je retire tout ce que j'ai dit sur les mignons. Il a dessiné, donc des mignons, t'es pas loin en plus, dis-toi. Il a dessiné des trucs très gentils qui se excusent. Non, t'es sur la couleur jaune. Les Simpsons. Ah, elle a pas peint sa maison avec le motif des Simpsons. Des Lego. Non. Un truc jaune. Jaune. Pac-Man. Jonathan. T'as dit quoi? Ouais, t'as dit Jonathan. Je pensais la même. Attends, pardon, je suis désolée. Non, c'est un mème, j'adore ça. On adore les mèmes. On adore les mèmes, aucun problème. Allez, je vous le dis. Ah là là, ça m'énerve. Non, attends, on va trouver. C'est pas, vous cherchez pop culture, mais. Personnage d'animation. C'est pas pop culture. Non, ça a été un dessin animé, mais c'est plus un truc de la vie de tous les jours. Quelque chose de jaune. Jaune. Un objet jaune, un aliment. Un truc qu'on, pas un objet, mais qu'on peut trouver sur des écrans, par exemple. Oh, des smileys, des partout, émoticons, des émojis. Oui, des émojis. Elle a fait émoticons. Oui, et j'ai apprécié parce que bah parce qu'elle est sur MSN, mais ça me la Roxane. Alors oui, pour le coup, moi, je suis restée sur MSN vraiment. C'est roxanebrett@hotmail.fr. N'hésitez pendant pas. Pendant longtemps, c'était World Online. Oh. Et wow. Bah personne n'a jamais eu World Online. Non, personne. Non, tu te dis mais c'est fou, j'ai pas reçu de mail j'ai depuis 84 ans. Ans. C'est ça, c'est incroyable. Elle a fait deux emojis. En fait, elle a peint deux emojis sur sa maison rose. Un emoji un peu foufou avec la langue qui pend et un emoji avec la braguette à la place de la bouche qui se ferme, genre Foster. Mmh. Et donc du coup, autant dire que ça a un petit peu énervé les habitants de Manhattan Beach au sud de Los Angeles. En fait, en gros, quand elle a mis son truc sur Airbnb, pardon, elle s'est pris une amende de 4000 balles, ce qui l'a un peu agacé. Wow, la vache. 4000 balles. Oui, enfin, après, à Los Angeles, c'est une location de deux semaines, 4000 balles, donc je pense qu'elle a pu les payer. Ouais, ouais. Oui, oui, oui. Et bon, bref, elle a mis des grands emojis, un qui roule les yeux, la langue pendante, comme une personne en train de délirer, je vous lis 20 minutes, hein, et l'autre, la bouche fermée par une fermeture éclair. Et en gros, les voisins ont trouvé ça évidemment horrible, tu vois, parce que. Ça, on leur jette pas la bière. C'est horrible. Et puis surtout, ils se sentent visés, tu vois, ils disent mais si là c'est une attaque, ça se voit, elle parle de nous. Elle est en mode bah non, pas du tout, en fait tout le monde est triste, déprimé, toujours préoccupé des affaires des autres, j'ai eu envie d'envoyer un message de joie coloré et positif. Donc voilà, ça serait pas le genre de meuf à dire les gens ils font la gueule dans le métro. c'est surtout je pense le genre de personne à dire bah de toute façon j'ai envie de vous tuer tous et j'ai trouvé le meilleur façon pour pas me faire incriminer par la police de vous dire des vous me faites chier. Vous avez des problèmes vous avec vos voisins? Moi j'adore les mignons. En fait, je pensais que je n'aimais pas, puis plus j'ai réfléchi, plus tu les adores. Plus je les aime bien. Il y a un fond de vérité. Avec des problèmes avec les voisins? Ouais. Non. Moi, je me rends compte aujourd'hui que mes parents étaient vraiment horribles avec les voisins et qu'on a vraiment eu des voisins cool. Quoi. Ils écoutaient la musique à fond et tout. Moi, je pense que je suis un très mauvais voisin, par exemple. Ah ouais? Genre, ça t'est déjà arrivé de prendre un balai, un manche à balai, et de taper sur le plafond? Moi, oui. J'avoue, oui. Ah, mais toi, t'es misophone, de toute façon. Mais c'est moi, vous mangez des cacahuètes? Fais de ma gueule! Tu mâches la bouche ouverte, là! Non, mais de demander, mais genre à 3h du mat, que quand c'est à fond, et oui, j'ai déjà dit. Ah ouais, non, moi, 3h, moi, 22h30. J'ai le syndrome de j'aurais honte d'être un bourgeois, tu vois, et j'ai peur d'être le mec boring qui vient demander des trucs. Non, j'ai pas tapé, je suis allée sonner parce qu'en fait, la meuf, elle avait ses enceintes à fond, ouais. Avec les basses à fond. Donc, t'en fais sur le sol. Ça faisait trembler le sol de ma chambre tous les soirs. Ah oui. Jusqu'à 1h du matin. Jusqu'à 1h du matin. Écoutez, moi je me couche à 22h. Les potrons minaient, on va se coucher. Après Thalassin, moi j'éteins le poste. Hein, donc, avec le bouton qui fait clouc. Je n'entendais plus mon TV. Ah donc, bah, ouais, bon. Bien. Non mais moi je suis pire que toi, hein, je pense. Hein. Enfin, moi je suis vraiment relou avec les voisins et j'ai peur d'être relou avec mes voisins. Ouais. Genre à mon anniversaire, passé 22h, j'ai fait non, on ferme les fenêtres, les gars. Je serais trop saoulé en fait de faire chier les gens autour de moi parce que moi je suis vite emmerdé. S'ils si te font pas chier, c'est vrai que c'est dommage de les faire chier, que la paix se brise. Bah, c'est ça, moi il y a un truc. En fait, et surtout, moi il y a un truc où. Dans mon précédent appartement, je faisais du bruit malgré moi, puisque j'avais un voisin du dessous pour le coup qui était vraiment fou. Et en fait, c'était du parquet un peu léger, malheureusement. Et ça, ouais, c'est terrible. Hein. Et ça, c'est Paris. Hein. Ça, c'est Paris. En plus. Et bah, j'avais des échasses. Et non, et en plus, ce qui est très chiant, j'avais c'est que ça, Fred pour Astaire coup... à l'apéro. Quelle connerie. C'est une référence encore. Fred Astaire. De jeune. Non, mais en gros, ouais, j'ai. C'est, en plus, c'est le genre de truc que tu vois pas quand tu visites un appart, quoi. Enfin, c'est impossible de dire. Et il venait sonner tout le temps chez toi? Ouais. Ah, bah oui, j'ai eu pareil. Tu vois, alors. Et j'ai acheté un tapis et des chaussons. Et on marchait tout doucement. Et des nuages, et on marchait en moonwalk. On a rempli d'eau, après on nageait dans l'appartement pour faire encore moins de bruit. Il a quand même pris moyen de se plaindre. Bah, il y avait clairement un dégât. Je vous entends clapoter, là. Sans cesse, là. À 2h du matin, vous clapotez. Moi, il était venu, il m'avait quand même dit. C'est vous qui avez tiré la chasse à minuit là. Ah, attends, c'était le mec de la meuf que ah ouais qui sonnait tout le temps. Pareil. Vous avez pris une douche hier à 23h30. Mais ta race, putain. Là, pour le coup, il y a un truc où je peux rien faire. T'as... Moi, j'ai fait. Faut le gêner dans ces cas-là. Genre, oui, j'ai bien chié. Non, moi, j'aurais répondu oui, c'est ma mère qui a un cancer en stade final. Les balles feront moins de bruit, connard. Oh la vache, t'imagines la cruauté du gars. Là tu fais, bon là vous m'avez mouché, je sais pas quoi dire. Ah bah j'avoue, vous êtes un être humain odieux, je ne peux rien faire pour vous. Vous avez gagné cette manche. Voilà, bravo. Bah, non mais il y a un beau sac à merde. Et du coup à un moment je lui ai dit, vous savez quoi, mettez-moi des mots sous la porte. Parce que je savais que j'en avais rien à foutre, tu pouvais mettre tous les mots qu'il veut. Et du coup j'avais chaque une jour. Quarantaine de mots, quasiment. Non. Si j'avais une quarantaine de mots, et vous mettez l'horaire précis. Où il fait, je vous ai entendu à minuit 45 vous lever. Et machin. Et bah pareil. Et en fait, il a déménagé du jour au lendemain. Et j'étais saoulé parce que mon but était, lorsque moi j'allais partir, de scotcher sur sa putain de porte chaque mot. Ah oui, ça. Mais vraiment cool. Comme un connard avant de partir. Genre voilà, tu les décoches. C'est vraiment avec du gros scotch. Genre tu l'enlèveras de ta porte, connard. Et en fait, il a déménagé du jour au lendemain sans que je le sache. Mais genre, je rentre. En silence, donc. Hein. Ouais, non, ça, c'est fort, fort. De déménager en silence. Je peux pas lui en vouloir, il fait vraiment pas de bruit. Non, mais genre, je rentre de week-end et vraiment, il était plus là, quoi. Donc j'étais genre, oh la vache, putain. Et dans ma tête, je fais. Quand même, j'espère qu'il est pas parti à cause de moi, quand même, parce que putain, c'est pas cool, quoi. Bah, et après, non mais vraiment, on te connaît, t'étais pas un mec chiant non, en voisinage, pas. Quoi. T'es pas le gars qui met justement, comme tu disais, Roxane, la musique à 2h du mat, bloc. Mais là, c'est trop bien parce que dans mon appart, je peux faire du bruit et tout, et ça fait chier absolument personne, quoi. Donc ça, c'est parce que là, on fait un floodcast. Mais il y a eu des, d'ailleurs, si vous vous souvenez, les vrais, j'ai envie de dire, parce que je parle le langage jeune, les vrais savent, j'ai envie de te dire, c'est que il y avait des floodcasts où quelqu'un, enfin, il y avait un floodcast où quelqu'un était venu sonner à un moment, qui était venu sonner, vous faites du bruit. Il est minuit et demi. J'ai deux enfants. Je fais, oui, bah, moi j'en ai pas. Et donc, du coup, je me couche tard. Je viens pas sonner chez vous le matin. À 6h du mat, c'est quand ça, ils sont réveillés, je vous emmerde pas. Ouais. C'est vrai qu'il y a quand même vraiment ce truc aussi de. Enfin, c'est accepté quoi. C'est le bruit. Le soir, tu fais pas de bruit, mais le matin, t'as pas le droit de te plaindre d'un voisin qui alors, fait du bruit. Alors que dans nos métiers, on se lève un peu tard. Dans nos métiers de salle. On va rappeler le vieil acteur d'Avignon là, hein, Valentin. Alors, oula, il a oublié sa voix. Il est parti. Oui, non, c'était ce perso d'ailleurs qui aimait pas les mignons. C'était pas toi, tu jouais un perso, je crois. Moi j'adore les mignons. Ouais, c'est ça. Moi j'ai une voisine qui est venue me chercher à minuit, qui pour moi c'était très tard. Non, mais parce qu'elle avait une araignée chez elle. Elle a fait, non. Je suis désolé. C'était de la drague. Bah, bah, ouais, c'est ce que j'allais dire plus tard, mais j'étais vraiment bête. Il y avait peu de confiance. Et j'habitais en couple aussi, donc ça joue sur le côté. Alors, pardon, ça se dit en premier normalement. Ah oui. Et non, elle est venue me chercher à minuit parce qu'elle avait une araignée chez elle. Donc je fais ok, bah, je pas. Fais, ah, vous pouvez, je peux pas, vous pouvez venir et tout. Il y a Julien Miel qui a fait, oh, bah t'as pas peur toi des araignées, hein, connard. Et donc je descends et je fais, mais en plus j'ai jamais la trouvée quoi. Et elle me dit, ouais, elle est partie dans la cuisine. Et vraiment, je fais, bah qu'est-ce que tu veux que je foute de... Enfin, il y avait t'as une pas araignée fait semblant d'attraper un truc, à dire, voilà, je l'ai. Et j'ai cherché, et après, elle me fait aller dans les draps. Donc là, je fais, je vais pas. Oh, bah dis donc, là, c'était quand même. Elle est dans mon string message. En dentelle que j'ai enlevé parce que je n'ai plus rien. Et là, je comprends pas pourquoi elle me dit. Tu regardes sous le drap, elle se frottait comme meufs ça. À poil, deux meufs à poil, tu fais, bon, là, pardon. Elle fait, si, elle est entre les deux meufs à poil, regarde. Non, et en fait, effectivement, il y a une grosse. Elle était assez grosse, une araignée qui sort. Et elle me fait, ah, par contre, faut pas la tuer. Donc je suis gentil, j'avais la technique, je prends un pot de confiture vide et une carte postale. Pour moi, jusque-là, pour moi, c'est, l'araignée, c'était une image pour parler de sa bite, mais là, je suis perdu. Là, j'ai perdu le fil. Dans un MacGyver, tu construis un avion, normalement, oui, avec un pot de couverture et une carte donc postale. Donc je prends l'araignée. De quelle ville la carte postale, pour savoir? Non, je ne sais plus. Ah, merde. Cette anecdote est fausse. Oui. J'ai gagné. Donc je prends l'araignée, je vais pour la jeter par sa fenêtre parce qu'il fallait pas que je la tue. Elle me fait, non, pas par ma fenêtre, si elle remonte et tout, vous pouvez l'enlever dans tout le hall de vous voyant. Je pense, ouais. Vous pouvez le ramener dans un zoo. C'est ça, je sais pas, le plus près, t'as non. 60 morts. Je connais les araignées et elle vient du Nicaragua, celle-là. Vous pouvez la rapporter, et là, la remettre chez elle. Et là, elle me suce et après je. Ah, voilà. On y est. Ah, putain, je me suis dit, elle est chiante son anecdote. Non, mais enfin, bref, donc je vire l'araignée comme un con et si, il y a une chute. Il y a une chute à cette blague. C'est pas une blague, mais donc j'enlève l'araignée. Donc je vais dans l'entrée, c'était loin, bref, vraiment chiant. Je suis quelqu'un de gentil et je me suis dit, bon, allez, j'enlève son araignée. Et quelques semaines, jours après, on reçoit un courrier dans notre boîte aux lettres qui dit que le syndic a repéré une mygale dans l'immeuble, que quelqu'un dans l'immeuble devait avoir un vivarium et devait avoir une mygale, donc qu'elle avait été repérée et neutralisée ou je sais plus quoi, mais que c'était pas impossible, enfin ils savent pas s'il y en a d'autres ou pas, ils sont si elle a des bébés genre. Non mais c'était genre bah on en a chopé une mais on sait pas quoi, ça se trouve il y en a plus et tout. Et donc je me suis dit, j'avais cette petite vengeance de dire j'espère que ma voisine a eu ce mot aussi et qu'elle s'est... Ah mais l'angoisse pour elle, ouais, dit sûr. On fait une descente d'organes direct. Mais en vrai j'y ai repensé parce que c'est quelqu'un qui a dit, enfin c'était une voisine qui dit j'ai vu une mygale chez moi ce matin, je sais pas quoi, les pompiers sont venus, c'était bien une mygale, ils l'ont enlevée et tout, mais c'est possible qu'il y en ait d'autres, faites attention. Mais est-ce que c'est pas... la voisine qui a enfin celle qui a, la personne à qui c'est arrivé, tu te lèves la nuit pour aller pisser, tu te retrouves face à une mygale, tu fais quand même fais pas le malin. Non c'est ça, les araignées me font pas peur mais ouais. Non mais tu vois là j'aurais pas fait le malin avec ma carte postale. Ouais. J'aurais pris déjà plus gros parce que c'est une mygale. Oui, il faut prendre une carte tout court là. C'est un A4 quoi. Mais à quel point t'es sûr que la petite araignée que t'as chopée c'était pas un bébé mygale? Bébé mygale. Ouais. Oui, peut-être. Ouais. T'as peut-être en la relâchant, ne la tuant pas, peut-être provoqué un équivalent d'Ebola. Oui, potentiellement. Au moins. Une étude américaine a découvert que, enfin, comment dire, il y avait une légende urbaine dans la santé qui traînait depuis des années. Elle y a mis fin en disant que c'était totalement faux. À votre avis, quelle est cette légende urbaine de la santé? La misophonie. Exactement. C'est faux, tu nous mens. Faire pipi dans l'eau, ça devient rouge. Alors c'est ça faux. Ça c'est faux parce que j'ai essayé. Ah, ah pardon, Roxane. Elle a pissé dans une piscine. On a pissé dans l'eau. Bah, tout le monde plusieurs a pissé fois dans petite, l'eau. Moi j'étais vraiment une punk à chien et j'étais genre vas-y, tu dis que ça devient rouge, je vais te tester. Et là j'ai fait bah non, c'est juste bah je suis dans ma pisse. C'est chaud. Mais c'est chaud. C'est agréable. Mais la dans un jacuzzi non plus. Non, non. ça me fait penser que si on met le petit doigt dans l'eau à quelqu'un qui dort, il se pisse dessus. Non. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ça j'en sais rien du tout. Ça j'en sais rien du tout. Je sais pas. Alors attends. Par contre, si tu pisses sur un gars, il a envie de pisser. Pendant tu pisses directement sur lui quand il dort. Ok, un autre truc médical ou c'est un. C'est vraiment un truc médical. C'est pas vraiment. Enfin, c'est une légende urbaine médicale là. Ce que vous dites, c'est plutôt des trucs. C'est. Je vous rappelle que on est dans Floodcast. Ah, c'est un truc le de chiasse. Le caca. Ok. Le caca, c'est faux. Le caca, c'est pas. Ça non, c'est pas. Une légende urbaine. Non, c'est un truc d'Illuminati, la merde. Ça n'a jamais existé. On n'a pas à aller faire caca, c'est juste on nous oublie. Non, ça s'enlève tout seul. Non, bien sûr. Alors, le caca, donc. Hein. Pas forcément le caca, d'accord. Mais on est dans le champ lexical du trou de balle. Voilà, autant te le dire. Alors. Un truc médical. Ce petit alors d'ouvrier qui invente ses trois. Attendez, je sors mes outils. C'est bon. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? L'artisan. Qu'est-ce qu'on a là? Attends, mais c'est. Il y a quoi comme croyance populaire sur le trou de balle? C'est le trou de balle, hein. On en a un peu parlé dans l'émission. Et un doigt dans le cul donne la météo? Non? Ah bon? C'est un truc de bretonne d'ailleurs. Un doigt dans le cul donne la météo! Allez! Bah voilà, un remix, s'il vous plaît. Probablement un compositeur. Un doigt dans le cul donne la météo, potentiellement le titre, effectivement, de ce podcast. Et Alors, putain, mais j'arrive pas à trouver une curiosité médicale autour du à trou base de balle. De cul du trou du cul, on en a parlé dans l'émission à un moment. Le point depuis P. Ce matin. Depuis ce matin. La prostate. La prostate. Non, le paix, on est le sur paix. Le paix. Ah non, j'ai pas dit le paix. J'ai... Une légende urbaine autour des paix. Que les silencieux sont plus mauvais. Ah, que sentir ses paix guérit le cancer. J'ai vu une vidéo là-dessus. Quoi? Pardon? Qui dit ça? Roxane, tu perds la tête. Non, j'ai vraiment vu une vidéo qui... Non, c'est dans quoi? C'est dans South Park. C'est dans South Park. Un gars dans la rue qui t'a menti. C'est quelqu'un qui t'a pété dessus et qui a fait non, t'inquiète, ça guérit le cancer. C'est préventif. Si tu veux pas avoir le cancer, sans mon prout. Non, des gens qui sentaient leur paix parce que leur corps avait. Non, mais c'est pas ça. Alors, non, mais j'ai envie. Tu... Ah si, c'est dans les cours de yoga qu'ils disent ça. N'hésitez pas. Vous en faites pas. Bon. Non, c'est très bien, c'est contre le cancer. Attends, un truc sur les proutes donc. Mais je tape quand même sentir ses pecs guérir le cancer. Hein. Ça m'intéresse. Qui est une autre chanson bretonne. Sentir ses pecs guérir le cancer. Sentir ses pecs guérir le cancer. Sentir ses pecs guérir le cancer. Mais elle est moins connue donc ça vaut pas le coup. Ouais. Elle a moins tourné. C'est la phase B clairement. Ouais. Non, sentir ses pecs guérir quelque chose, non? Non, c'est pas ça. Guérir vraiment. La démence. Mais sache que sur les odeurs des articles, en le tapant, c'est vrai que tu vois des articles qui le disent. Oui, bien sûr. Que ça guérit le. Les cellules deviennent. Pardon. Ils ont découvert que lorsque les cellules deviennent stressées par la maladie, elles activent des enzymes afin de produire d'infimes quantités de sulfure d'hydrogène. Cela permet de maintenir l'activité des mitochondries. Et donc permet aux cellules de vivre en contrôlant l'inflammation. C'est anti-inflammatoire de sentir ouais, ses paix. Donc, ils sont inspirés de ce processus naturel pour mettre au point un composé. En fait, c'est ça. C'est en s'inspirant du paix, ils ont créé une façon de. C'est ça, découvrir l'odeur des paix. L'odeur des paix, c'est-à-dire le sulfure d'hydrogène qui pourrait conjurer effectivement le cancer, les AVC et les crises cardiaques. Bon, bah alors vous savez ce qu'il vous reste à faire. Voilà. Et voilà, moi je suis safe. N'hésitez pas à louffer. Louffer un max. Louffer, c'est mignon ça, louffer. Ouais, oui, louffer. Alors attends, une croyance. qui est un Pokémon pas connu. Mais qui pue la merde. Non. C'est un petit nuage vert. Oh, je vais vous le dire. Ah non, attends. Ah bah quoi. C'est un truc sur les proutes, une croyance. Un truc qui était par rapport aux odeurs pour la santé. Ah, de s'enflammer les pets. Ah non. Si tu te retiens de péter, tu vas avoir des problèmes. C'est ça. Et en fait, non, pas du tout. En fait, pas du tout. Ah ouais. C'est-à-dire, la gens disaient que malobide. Retenir ses pets était dangereux pour la santé. Et il y a Et Laté News, un magazine marseillais, qui a demandé à un médecin général à la VUB de donner un verdict là-dessus. Et selon lui, c'est n'importe quoi. Bon, t'as un petit peu mal au ventre au bout d'un moment, non? Beaucoup. Et ça fait puer de la gueule aussi. Alors, il... non mais c'est vrai. Non. Si. Bah, il y a beaucoup trop de chemin pour aller jusqu'à là-haut. Tu fermentes de l'intérieur. Ah. Tu pourris. Parce qu'en fait, quelqu'un avait dit que les gaz intestinaux toxiques peuvent causer des symptômes tels que la fatigue et des maux de tête par absorption dans le sang. Je disais à un site. Les flatulences peuvent avoir différentes causes, par exemple parce que quelqu'un avale trop d'air, peut se produire en cas de tension et de stress, cause du tabagisme, de mauvaises prothèses dentaires. Voilà. Et le docteur a dit, alors d'abord et avant tout, laisser un pet s'échapper est un processus parfaitement normal. Tout le monde produit environ 2 litres de gaz par jour. Les aliments sains tels que les fruits et légumes, et en particulier les protéines de la viande, en sont la cause principale. Mais, en vérité, ça n'est absolument pas dangereux de retenir ses pets. Ce n'est pas nocif pour le corps. Associer maux de tête et fatigue aux flatulences est complètement absurde, selon lui. Mais un petit mal de bide... peut-être. Non, oui, voilà, c'est ça. C'est ce qui peut arriver. C'est que vous ayez des douleurs abdominales. Maintenant, j'ai mal au bide. Par exemple, maintenant. Là. Oui, c'est bien qu'on veut pas de cancer, Lucia. Non, mais. Ok. Donc, ouais, si vous pouvez pas vous rendre aux toilettes en toute discussion, laissez les pets s'échapper et tout le monde sera content. Mais sachez que ce n'est pas dangereux outre mesure. Au pire, et tout le monde sera content est un peu de trop. Attends, Valentin, tu viens de péter, je suis ravi. Non, mais vraiment, ça me fait plaisir. Ah, là, ça. Grâce à toi, on prévient le cancer. C'est ça. C'est une bonne excuse quand même maintenant. Okay. Pourquoi un parc d'attractions allemand a-t-il dû changer l'une de ses attractions? Parce qu'elle avait une drôle de forme. Oui. Ah, c'est vrai. De pubis. Elle avait une drôle de forme. Si, c'est ça. Une drôle de forme. Une drôle de forme. Mais il faut trouver la forme. Faut trouver la forme. Une forme de. Alors attends. Est-ce que c'était une. C'était une montagne russe? T'as vraiment dit en levant les épaules, genre. Ça doit être ça, vu que de toute façon, cette émission. J'ai bien compris où je suis. C'est soit les proutes, soit la bite. Merci les gros beaufs, 2019. Hein. Quand il pète, il trouve son slip. Et on voit sa bite. C'est pas ça la suite de la chanson, c'est bizarre. Non, alors, ce n'est pas sexuel, ce n'est pas rapport. C'est pas scatophile, c'est rien. Il n'y a pas de scatophile. Ah, une croix gammée. Le point bien Godwin. Joué. Ah, ouais, de Roxane. J'y ai pensé, je me suis dit, c'est pas possible en Allemagne, un point Godwin si, direct. Quoi. Si, et puis alors je pense que c'est un point Godwin pas vraiment fait. Je le vois à la valise. Un parc d'attraction. L'attraction s'intitule Eagle Fly. Alors si vous connaissez un petit peu du nazisme, on est en plus pas loin. C'est border. C'est un peu limite là quand même. C'est le gérant n'avait pas remarqué. Mais alors le public. Le gérant Adolf H. Junior. N'avait absolument pas remarqué que ça faisait appel à une iconographie nazie. Bon, ouvert fin juillet, le nouveau manège du parc d'attractions. Parc d'attractions mort aux juifs, c'est ça le nom du parc. Qui est ouvert dans Auschwitz, c'est ça qui est. Exactement, mais c'est là que les gens ont commencé à trouver que c'était un peu limite quand même. Oui, donc un parc d'attractions, et effectivement, l'Eagle Fly avait des formes de croix gammées. La Svastika, comme on dit. Svastika, pardon, et qui est quand même un symbole. En Allemagne, c'est très strict là-bas. Et vraiment, pas qu'en Allemagne. En France aussi. Via son histoire, d'autant plus. Par exemple, te faire tatouer sur le front, c'est mal vu. C'est assez mal vu. En tout cas, le président du parc d'attractions, qui est aussi un zoo, a affirmé qu'il s'était aperçu de rien lors de la mise en route de l'attraction. Il a depuis présenté ses excuses auprès de toute personne qui s'est sentie gênée ou offensée par la forme du manège. L'attraction doit être retournée à l'entreprise italienne qui l'a fabriquée. L'Allemagne et l'Italie, allez. Et il a depuis réouvert son parc aux juifs en plus. Qui était interdit. qui était interdit aux juifs et aux gitans. C'est et là où ils sont ils ont le droit de venir. Mais donc voilà, c'était. Mais c'est vrai que c'est fou que ce soit les. Incroyable. Parce que c'est ouvert en fait. C'est-à-dire que c'est pas genre des ouvriers qui ont levé la tête et ont fait ah merde. C'est vraiment, ils ont ouvert le truc et ces gens qui ont dit c'est des gars, c'est des croix gammées, les gars. Ouais. Voilà, c'est assez fou. Il y a sûrement une centaine de blancs non juifs qui ont vu ça et qui ont dit non, mais c'est bien. Enfin, je vous rappelle quand même qu'au Pirates des Caraïbes, il y a des mecs qui font des quenelles depuis maintenant 3 ans et personne ne dit rien. c'est faux, il y a pas longtemps. Selon 2 études américaines, nos pratiques sur nos smartphones révèlent des choses sur notre vie sexuelle. À votre avis, que révèlent-elles? Alors, plus tu regardes ton téléphone, moins tu niques. Non, ce qui serait dépend des applis. Logique, mais puisque non. Puisque tu passes plus de temps sur ton téléphone qu'à niquer. Après, moi, perso, je baise en lisant mes textos. Donc, okay. Je suis pas touché par ton. Je déteste perdre du temps, en fait, je vous le dis. Donc... Ouais, ok. mes mails. Est-ce que ça a un rapport avec les performances sexuelles? Genre, tu bandes un peu moins. Non, c'est plus sur. C'est plus. Je peux vous aider. Bander, c'est peu. Quand. Chaque réseau. C'est quand le truc est dur. Chaque réseau a sa pratique. Genre les gens qui, les gens qui sont plus sur Twitter sont plus rien. Je connais pas cette pratique. Non, c'est pas vraiment ça. En fait, en gros, c'est ça. Je peux vous dire pourquoi, mais en tout cas, je peux pas vous dire comment. C'est toujours cette pratique que tu fais sur ton téléphone. Tu ferais plus souvent l'amour et tu obtiendrais plus souvent des dates amoureuses. C'est en faisant le Tinder, un truc sur le téléphone. Non, oui, c'est logique. Ouais, en utilisant des applications de rencontre des personnes. D'ailleurs, je salue notre sponsor, OkCupid. N'hésitez pas. Non, c'est pas ça du tout. Ok. Il y a une action de réseau social? Non, de pratique dans ce que tu fais avec ton téléphone. Si la lampe torche? Non. Si tu éteins ton téléphone le soir, peut-être que tu niques plus? Non. Peut-être que tu niques moins? Non. Niquer, on dirait une chanson de Zazie. Peut-être que tu niques plus, peut-être que tu niques moins, ça dépend de ton téléphone. Peut-être que tu niques plus! Trianne l'a pris! Trianne, qui je le rappelle, termine leur tournée dernier concert à Nantes. Et on les embrasse, bien sûr. Salut les gars. Kenavo. Comme on dit. Oui. C'est ça, c'est au revoir. Oui, c'est Kenavo. Eh oui. Ah, les Bretons, ça les énerve quand tu dis Kenavo pour dire bonjour. Je sais que c'est au revoir. Enfin, de leur gond, ceux qui ont des chaussures. Alors, sans passer vent, il n'y a pas le courant là-bas. Alors, attends. Une certaine utilisation dans les SMS. Allez. Dans les SMS. Je l'ai lu. C'est encore un truc d'émoji. C'est un truc d'émoji, les gens qui envoient avec plus d'émoji, ils baissent plus. Tu baisses plus parce que t'envoies des trucs un petit peu. Allez, non, regarde ce fruit, on dirait ma bite. Ah bon, on va aller voir. Avec cette voix là. J'adorerais qu'après l'émoji, aubergine, tu envoies, entre parenthèses, regarde ce fruit, virgule, on dirait ma bite. Et tu envoies derrière une photo de ta bite et une aubergine à côté. Mais avec un. Ah non. Ah, la taille, non. En mettant. En te l'envoyant, je me rends compte que pas tant. Pas tant. Que ça. Et après, tu te mets un cock ring très très très fort, ta bite devient violette et tu dis ah si en fait. En fait, c'est bon, c'est possible. Il suffisait de. C'est tout simplement démographique. C'est les vieux envoient moins d'émojis et donc. Comme moi, les je suis vieux, j'ai une peur moi. Pardon. Cette peur, c'est que j'ai l'impression qu'il y a des émojis qui ont des significations et je suis pas sûr de les avoir. Typiquement, l'aubergine, j'ai compris que bon, ouais. Mais j'aurais hier, pu. Hier, j'ai compris. Non, hier. Non, mais j'aurais pu quoi. Genre, quand tu veux manger des aubergines, tu le dis par texto. Ratatouille dis... partie, les gars. Non, mais et du coup, l'aubergine, l'abricot, bon, ça, j'ai à peu près. Et du coup, j'ai une vraie peur de genre, celui-là, ça se trouve, ça veut dire un truc. Parce qu'il y a tellement des trucs. Alors, tu sais, un jongleur, tu fais bah quoi, un jongleur. Ouais, il y a un indice et ça ressemble à des bites, des chattes ou des fesses. Non, hein, quand même, des fois, je suis sûr qu'il y a un petit genre. ouais, non. Genre, est-ce que le gars avec la langue qui est tirée, c'est forcément. Bah ouais. Ah, d'accord. Enfin, je sais pas. Non, mais. Attends, j'ai plein d'excuses à envoyer, je vous. L'emoji a le sens que tu veux lui donner. Oh, et ça, vous pouvez le garder chez vous et méditer un petit peu là-dessus. On se retrouve à 22h, on va s'écouter Abdelmalik. Non, des chercheurs de la King's Hair Institute. Pas du tout. J'ai confondu. Oui, t'as confondu. C'est un slammer, il fait du slam. Ah, quel connard. Donc, des chercheurs de la King's Hair Institute ont réalisé deux études afin de savoir quel était l'impact des emojis. J'aime bien ce qu'ils ont mis emoticon/emoji/smiley pour que vous sachiez bien ce que c'est. Pour que je sache ce que c'est. Sur la vie des gens. Et ces deux analyses réalisées sur au total 5000 personnes ressort qu'il existe une corrélation entre utilisation des emojis et sexualité. L'étude révèle que 38% des personnes interrogées n'utilisent jamais d'émoticônes, alors que 29% en mettent occasionnellement dans leur message. Par contre, 28% des célibataires en utilisent très régulièrement. 3% en utilisent au moins un dans chaque message, alors que 2,5% des répondants en mettent plusieurs par message. Voilà. Bien. Et vous êtes dans quelle catégorie, vous, alors? Moi, je te dis, j'ai tellement peur. J'en utilise, mais que ceux où je suis sûr, quoi. Ben, moi, j'en utilise jamais. Genre, en fait, le sourire. Ouais, mais non, moi, pas du tout. Moi, je suis trop à l'ancienne. Beaucoup les un peu rouges, genre, peut-être je suis un peu. J'ai un peu peur, peut-être, de ce que je dis. Avec visiblement un accent de mec qui fait de la mode. Bah moi en fait non, j'utilise pas d'emoji, je me rends compte, je suis encore très à l'ancienne. Moi je fais le point virgule, fermer la parenthèse ou ah oui, ça m'arrive pas mal aussi. Ouais, parce que moi je suis vieille école. Mais non, mais même c'est le langage agacé par les emojis. Non. Ah ouais, moi, je les aime. Si, je les aime. On parle bien du film, hein. On parle. Alors, parce que gaffe, j'ai le créateur du film aussi qui ouais. écoute l'émission, donc avant que tu parles. Cédric. Non, non, ça, on le salue. Non, mais... Ça, j'assume. Mais j'étais persuadé que tu m'avais dit. Moi, ça me saoule les émotions. Ah oui, non, je trouve ça, ça énervant. Oui, non, mais faut pas en mettre trop. Non, mais même, ça me. J'aime pas connaître l'émotion de la personne quand on voit SMS. J'aime bien le côté mystérieux. Je fais mon film. T'aimes le, ah ouais, non, le côté mésentente de ah ouais, tu disais ça pour vanner mon père et non non, pas du tout. Oui, mais souvent l'emoji c'est pas vraiment pour dire ta sensation. Alors c'est peut-être moi qui ai eu des relations toxiques et compliquées avec les gens, mais c'est plus pour dire non non, t'inquiète, je rigole, sauf qu'au fond tu rigoles pas. Bah, ça dépend. Oui, mais ça, des c'est fois pas quand pareil. Tu rigoles vraiment, faut quand même parce que des fois ça peut être mal pris. Alors mais moi je mets des ah et voilà. Oui, aussi. Ça ça, enfin, ça, ça je mets beaucoup. Ça date de la BD quand même. C'est a h a h ou h a h. Il y a deux écoles. On s'en fout. Parce que quand tu ris, tu fais ah, tu fais ah, tu fais pas ah ah. Ça dépend de ton rire. Tu ris comme ça toi, Valentin. Ah ah. Je ris comme ça, moi. Moi, je ris comme ça. Tu lis comme les aliens. Tu ris comme les aliens de Mars Attacks. C'est comme ça que je lis. Moi. Je ris comme ça, donc. C'est très loin marqué. Mais juste, non, moi, il y a pas de drapeau breton d'ailleurs. Voilà, voilà un problème sur les émojis. Il y a tous les drapeaux sauf le drapeau breton. Ouais, je dis ça, j'en sais rien. J'ai c'est pas vrai qu'il en faut. Mais non, oh, il y est pas. Il y est pas. C'est voilà, très étonnant. Problème. Voilà le problème. Après, il y en a. C'est comme ça qu'on drague. Ça fait un endroit où il y a pas de drapeau breton. C'est quand même pas mal. Puisqu'ils sont quand même. Laissez-leur ça. Laissez-nous ça. Par 50 dans tous les festivals de France, donc c'est peut-être cool que. Et du monde. Et du monde entier, oui. À Coachella devant Beyoncé. Ah bah carrément. Non, non, vrai, non, je crois que c'est vrai, ouais. Putain, mais là où on en voit dans le monde entier des. Je suis allé à Landerneau. Là, il y en a du coup. Bah, oui, mais j'étais presque surpris. Parce que, pas tant que ça. Parce que si tu emmènes ton drapeau breton dans un festival à Paris et tout, c'est genre on est là les Bretons, j'entends. Mais à Landerneau, je suis pas surpris qu'il y ait des Bretons. Donc pourquoi absolument montrer le drapeau. Me regarde pas, j'en sais rien. Pour moi, tu es la Bretagne, pour moi. Et tu sais bien que je suis pas. Pas tant que ça. J'ai du sang qui ne vient pas du pays breton. Et non, car qui vient de. Bah, je garde un mystère. Non, quel coquin. Emoji un peu rouge. Parce que toi, Roxane, tu es pratiqueuse d'emoji ou pas du tout? Ouais, vachement. En fait, faut savoir. J'avale ma pistache, pardon. Mais non, moi, je mets beaucoup d'emojis. J'écris de manière très littéraire et en même temps, je rajoute des emojis. Pour un peu casser le côté genre. C'est un roman graphique, mon. Est-ce que tu envoies des nonobstant l'outrecuidance de mon propos? Émoji clin d'œil. Émoji clin d'œil. Absolument, c'est tout à fait mon style. Yes, j'adore. Moi, mais par contre, des fois, ça m'a troublé. C'est quelqu'un qui met beaucoup d'émojis, mais qui n'ont aucun sens. Tu vois, un paquebot, un pingouin. Ah, ça, moi, j'aime bien faire. Moi, ça. J'adore ouais, faire mais, ça. Mais vraiment, ouais. Tu fais. Bah, là, je demandais juste à quelle heure on se retrouvait et t'as genre, ouais. De patinage artistique quoi, tu bah, ça me répond moi, très peu. J'aime bien ponctuer par un aigle par exemple. Oui, de temps en temps mettre un peu marrant. Tu as conçu le Eagle Fly en Allemagne aussi, c'est pour ça. C'est, tu as... Putain, je suis démasqué, merde. Et surtout parce que t'es un rocker comme Johnny qui, est... oui. qui adore les aigles. Qui adore les aigles. Qui adore les aigles royaux. Il est parti en aigle. Parce qu'il est parti, je l'appelle. Ah, le rock va mal, hein. Ouais, mais il y a eu des Creavers aussi. Hein. C'est vrai que. Dico, ouais, il nous reste Axel Bauer. Il nous reste Eddie Mitchell surtout. Ah oui, pardon, excuse-moi, je les confonds toujours. Les chaussettes noires. Ouais. Est-ce que vous. Parce que moi, en fait, pourquoi ça m'énerve. En fait, je me souviens de cette discussion ah, une semaine. D'accord. Ça m'énervait parce qu'à l'époque, j'étais fou, ambitieux et bon, voilà, je voyais plusieurs femmes dans ma vie maintenant. Depuis, bon, je suis rangé des voitures, moi maintenant. J'ai ma petite dulcinée qui m'attend à la maison. Et puis voilà. Mais à l'époque, c'est juste que les emojis dans le sexto et pas dans le texto, je trouve ça un peu ridicule. Ah oui, voilà, c'est plus ça que je voulais dire. C'est-à-dire que moi, le sexto, des petits clins d'œil, des petites langues qui pendent, des petits machins, je suis là genre. Oh. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est, voilà, mais c'est très personnel, c'est genre, je le juge pas. J'aimerais manger ton abricot et sortir à mon. Non, mais alors, aubergine. Si ça devient un rébus, ça m'emmerde, moi. Ouais, voilà, c'est vrai, ouais, d'accord. Non, moi, mais là, j'ai pas compris. On se retrouve au naturel. Le paquebot et le jongleur, pourquoi ils sont là, bordel? Mais c'est pas un abricot, c'est une pêche. Ah pardon, bon. C'est un cul, ah oui, c'est une fête. Enfin, c'est un cul, merde. Oh, bah, hey, bon, on c'est mignon. Non, c'est Marielle, c'était Marielle. Il y a un peu de Marielle, c'était Marielle. Non, moi je sais. C'est quoi? On dirait un courbet. Tu parles d'un cul. Ah oui, dans les galettes. On dirait le peindre en vert, en bleu. Un remarquable cul de bonne femme. Voilà. C'est les galettes de Pont-Aven. C'est, je sais plus. Pont-Aven, voilà, c'est ça. Très plus qu'il dit. Très bizarre quand même tout ce passage. Bah, tout ce film, hein. Tout ce film. C'est quand même, moi j'aime bien, mais c'est chelou. Hein. Les gens l'ont partagé quand il est mort, mais tu fais, ouais, c'est quand même bizarre. Oui, donc voilà, c'est dans le sexto, moi, où je suis pas du tout bon en emoji. Mais c'est pas le côté, genre, je veux manger ton truc. C'est souvent des fois, c'est genre, et on se retrouvera. Pourquoi tu voudrais manger quoi que ce soit? Non, mais tu vois, c'est genre, expliquez-moi ce qui se passe. On se retrouvera peut-être trois petits points et je sais pas, les gouttes et un abricot. Je suis là, genre, oh, d'un coup, tu viens de tout casser pour moi. Alors que si tu mettais le on se retrouvera peut-être trois petits points. Là, d'un coup, je suis genre, ok, les lignes sont dangereuses. Il y a tout de suite un saxophone qui se met à jouer dans la. Il y a un peu de parfum dans ce texto. Non, tu vois, je sais pas, je trouve ça un peu pourri. Mais bon, ok, après, je comprends. Après, je déteste la jeunesse, hein, c'est aussi ça qui. Ouais. Alors qu'un bon, je te doite. Le timing était formidable. Tu pourrais. Alors qu'un bon, je te doite. Mais il y a pas de suite en plus, hein. C'est vraiment point. Alors qu'un bon, je te doite, point. Il l'a dit avec un cognac avec beaucoup de glace en le tournant comme ça, genre, alors qu'un bon je te doite. Il est en robe de chambre avec des pantoufles. Fume une pipe, mais une pipe coudée. Et les jambes sont croisées. Alors qu'un bon je te doite. Point. Bon, allez, je rentre chez moi maintenant. Les amis, j'aimerais avec vous. Ah non, pardon, j'en ai encore un. Pff, je suis désolé. Savez-vous ce qu'est le parti pour la nuit hein. Est-ce que savez-vous ce qu'est le jiggling? C'est le jiggling. Ouais. C'est une danse? Non, ce n'est pas une danse. C'est bien, tu mimes des trucs dans un podcast audio, Lucien. Ah oui, parce que sinon tu sinon fais je te bute. Ok. Non, en tout cas, c'est un truc qui peut entraîner de graves pathologies. Voilà. C'était un truc à la mode. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était dangereux pour la santé. C'est un truc que les gamins font dans la cour de récré. J'espère pas quand tu connaîtras la réponse. On est de nouveau sur le caca et tout ça ? Non, mais Lucien, là, on en a parlé bizarrement tout à l'heure. Ils jonglent avec des vies. Non. C'était quand on parlait. Ah, moi, j'allais dire se retirer un globe oculaire pour rigoler. Je me dis, effectivement, c'est dangereux. Non, c'est pas ça. J'en ai parlé tout à l'heure. T'en as parlé, tu l'as dit, quand on parlait des émojis. Quoi ? On a parlé de plein de choses, mais quand on a parlé des émojis, tu as parlé de cette pratique, en fait, sans le savoir. Cunilingus, c'est un truc sexuel. T'as parlé de cunilingus. Non mais j'ai dit manger l'abricot machin. Ah oui non c'est pas ça. Attendez, l'abricot c'est. Ouais. Ça fait deux ans que j'ai des abricots devant elle et elle comprend pas. Elle fait mais qu'est-ce que tu fais. Non. Une pratique emoji que j'ai dit. Ah, alors, tu écartes quelque chose. Non, tu serres quelque chose. Ah, tu t'étrangles. Très fort. Non, tu t'étrangles pas. Tu serres très fort. Tu étrangles quelque chose ? Ah, tu étrangles ton zizi ! Exactement ! Tu as parlé de ça tout à l'heure, Lucien. Elle a vraiment dit ça avec une voix d'enfant de 8 ans. C'est très perturbant ! Mais on aurait dit qu'elle m'engueulait. Et on en dirait qu'elle m'engueulait. Tu étrangles ton zizi ! C'est pas bien ! Tu arrêtes maintenant ! En fait, c'est ce que disait ma mère. Je viens d'avoir un flashback très chelou. Et en fait, étrangler son zizi, c'est pas bien. Et en fait, non ! En fait, pourquoi les gens étranglaient ? Oui, et un bon conseil qu'on donne aux jeunes, d'ailleurs. Sinon, après, ta bite ressemble à un mignon. Non, en fait, c'est. J'adore les mignons. Mais Valentin, un commentaire sur les mignons. J'adore les mignons. Ouais, j'adore. Non, en fait, c'est. Des hommes faisaient ça car quelqu'un a osé dire dans un article que si tu tirais régulièrement sur ton pénis, en semi-érection, en faisant des mouvements comme pour traire ton sexe, ça l'allongeait. Et c'est faux. C'est évidemment n'importe quoi. Et que surtout, c'est dangereux pour la santé, puisque un pénis, on le rappelle, c'est fragile au final. Hein. Il faut parfois y faire attention. En vrai, excuse-moi, pardon, le bras d'enfant. Non, pas du tout. Par contre, lui donner des décharges électriques très fortes. Hein. C'est excellent. À l'intérieur du méa urinaire. Non, mais. Ça fait pas mal de se tordre la bite quand elle. Enfin, sauf quand tu bandes, mais. Je sais pas, moi après faire l'amour me fait mal. Moi j'ai jamais touché ma bite, donc je sais pas. Me fait mal, mais plus à mon cœur. Non, ça rendait la technique efficace, c'est que des micro-cicatrices se créent sur la peau de la verge. Oh. Et pendant la guérison, ça formerait de nouvelles cellules qui, selon les partisans de cette pratique, agrandiraient le sexe de l'homme. Comme pour la muscu. En gros, voilà, c'est ça. Ça fait des petites cicatrices, donc ça fait grandir le pénis. Ah, mais j'imagine pas l'état de leur pénis. Roxane est saoulée à 79%. Elle a poussé un soupir de « j'en ai marre !» L'état de leur pénis, c'est un méchant de Batman, visuellement. Ça ressemble à une espèce de truc. C'est un truc un peu dégueulasse. Il y avait une image ? Il n'y avait pas d'image, Les amis, j'ai... Tire pas sur ton zizi, ça sert à rien. C'était un peu... Ouais, je savais pas où j'allais. Hein. Un peu Catherine Lara. Roqueuse de diamants, quoi. Les amis, on inaugure un nouveau jeu. Pas un nouveau jeu, d'abord une nouvelle rubrique qui s'intitule Les News d'Autun. Et j'ai un jingle chanté, parce que j'ai pas le temps de le préparer. Les News d'Autun. Je vais vous expliquer. La ville d'origine de Flaubert. Alors, ça, Astérix, C'est les news d'Autun, c'est les news d'Autun. Petite ville du Morvan, 13 000 habitants. Il y a un Leclerc, il y a un cinéma, il y a trois kebabs et c'est à peu près tout. Voilà. Bravo. Les news d'Autun. On est obligé de... Je l'ai pas répété, hein, je... En vrai, moi j'écoute tous les Floodcasts, comme tu sais. Bah c'est trop gentil. Et bah c'est ton meilleur générique chanté en direct. C'est non vrai. Mais vraiment, non, c'est vrai. C'est les news d'Autun. Tout était dans les pieds. C'est les news d'Autun. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je me moque souvent de ma région natale, la Bourgogne, car je viens de Bourgogne, l'alcool. Et je viens d'une petite ville de 13 000 habitants qui s'appelle Autun. Et je me suis dit, putain, je suis quand même un salaud, je ne rends jamais hommage à cette ville et à son actualité florissante. Ouais. Et il y a eu une invention récemment qui a eu lieu, qui est un peu Black Mirror d'ailleurs, ça aurait pu être dans l'autre... Pour toi, c'est quoi ? Black Mirror, en tout cas pour Adrien Méniel surtout, et aussi pour moi en tout cas, à mes yeux. Oui, par capitalité. Mais ils ont lancé en tout cas une technologie un peu nouvelle, un peu folle quand même, dans la petite ville d'Autun. À Autun. Internet. ADSL. Non, aucun signe. Il s'agit, à votre avis, de quoi ? C'est un moyen de locomotion ? Une trottinette ? Non. C'est nouveau, il y a que Autun. Non, il y a un vrai truc. Non, attention, c'est pas de l'ironie. Il se téléporte. Non, ça y est. Ça serait vraiment fou. Non, c'est pas un tramway pour une personne. Non, c'est pas que Autun. Un bus avec. Mais, c'est un bus. Un bus tramway, là, un trolley. Non. Ah. Quoi ? Trolley, comme à San Francisco. Plus de dégoût, Roxane. Un quoi ? Sac à merde ! Non, c'est un bus. Il a une particularité, ce bus. C'est un bus magique ? Non. C'est un bus accordéon ? Non. Est-ce qu'il est tracté par un animal ? Non, mais c'est pas de l'ironie. Par genre... un homme ? Non, c'est pas de l'ironie, genre Autun, cette ville de pécor. Hein. C'est un vrai truc technologique. C'est un bus, c'est le moyen. C'est... Ah, regarde, la phrase elle est là. C'est pas de l'essence, c'est une autre. C'est pas ça. C'est, pas ça. Ouais, c'est un bus sans conducteur. Bien joué ! Ah, bravo ! Bravo. C'est un bus sans conducteur. Je vous invite à écouter ce petit reportage France 3. Là, on est au bord des restaurants, là, vraiment, une des rues les plus étroites d'Autun. Le maire d'Autun est un vrai geek et il est ravi de cette balade à l'intérieur de la navette, non pas spatiale, mais autonome. Celle-ci servira à transporter les touristes qui visitent Autun. Pour cela, direz-vous, une simple navette électrique avec chauffeur aurait fait l'affaire. Mais le maire voit plus loin. Il faut tout de suite passer à la nouvelle étape de la révolution de la mobilité. La mobilité électrique, c'est déjà une réalité. On a des bornes de recharge, voitures électriques avec des panneaux solaires à Autun. Et la prochaine étape, c'est clairement... la mobilité autonome. Un mot du système. À son premier parcours, faut savoir que c'est quand même un bus conduit avec une manette de Xbox. Quand même. Ça va, il n'est pas conduit, mais à un moment, il change les caméras avec une manette de Xbox, donc c'est un peu fou. C'est que c'est déjà dans les années 50 ce truc ? Parce que ton document. Ton... Non, la voix, c'est la ville d'Autun. C'est France 3 Régions. C'est muni d'un téléphérique. Avec Vincent Chauvet, donc notre maire d'Autun, qui est un vrai geek d'ailleurs. Bah, c'est un vrai geek, on l'a dit direct. Il est tout jeune, il a 31 ans. Ah, donc c'est potentiel. Potentiellement un vrai geek. Et c'est un vrai geek. Et c'est, puis, évidemment, c'est LREM, hein, évidemment. Ah. Et mais la petite histoire autour de ça, c'est que quelques semaines après ce reportage, il y a eu celui-là. Mais depuis une semaine, cette navette est introuvable à Autun. La phase d'expérimentation a officiellement pris fin après 6 semaines d'essai. Les problèmes techniques ont eu raison du test. Compte tenu de différentes raisons, notamment la nature, on va dire, du site, qui est relativement, on va dire, qui pose certains défis, défis techniques, compte tenu des rues, compte tenu parfois du signal GPS qui peut être assez faible à certains endroits, fait que l'opération des navettes peut être plus complexe qu'à d'autres endroits. La commune tire un bilan contrasté de cette expérience. Ah bah oui, c'est un fiasco. C'est un bilan que je pense positif pour le véhicule autonome, qui est certainement une des mobilités d'avenir, mais on voit qu'au niveau de la technologie, il y a encore des éléments à mettre en œuvre un petit peu plus précisément. Mais on va tester un rapport le a été commandé par le constructeur de la navette pour connaître les raisons de ce dysfonctionnement. Il a d'ailleurs annoncé cesser la production de véhicules autonomes. Les difficultés techniques sont trop récurrentes. Donc voilà. C'est un peu triste. Au moins personne n'est mort. Non, c'est vrai. Mais dans... je peux te dire à la fin de toutes les anecdotes, au moins personne n'est mort. Dans les arguments vraiment problématiques, il y avait. On a des problèmes de par le fait que ce soit des rues. Il a vraiment dit ça, quoi. C'est fou. Oui, bah... Nous, on avait prévu un truc tout droit au début. Ouais. Avec personne, quoi. Donc, là, il y a du goudron et tout. Il y a des signalétiques au sol. Il faut s'arrêter au passage piéton, tout ça, on n'avait pas pensé. Un bordel. Donc voilà, bon, on embrasse. Merde, quand même je suis un peu triste quand même. Voilà. Oh, écoute. On salue quand même le maire d'Autun, bah c'est un vrai geek. Donc j'espère qu'il y aura d'autres avancées geek qu'on pourra partager dans cette émission, qui fera de temps en temps un petit rapport de ce qui se passe quand même dans cette belle ville d'Autun. Pour moi, c'est typique de La République en Marche. On va tête baissée dans des trucs oh sous prétexte que c'est nouveau, c'est innovant, et après on fout le pays par terre. Monsieur Ben, vous savez qu'on n'a pas peur des puissants dans cette émission. Moi, je les baise. Enfin. Je les baise. Le macaron, entre parenthèses. Ouais. Eh ben lui, tu vois, je le baise. Et sa femme, elle est pas un peu vieille quand même? Elle est vieille. sa femme, elle est vieille. Donc, en fait, il y a Valentin qui s'est barré. C'est con parce qu'il y avait un deuxième truc qui allait vraiment lui parler. Mais c'est pas grave, je vous le lance. C'est pour passer à la deuxième partie de l'émission. À votre avis, que s'est offert un riche industriel pour ses 50 ans? Un générique chanté en direct par Flaubert. Bon anniversaire! Non, c'est pas ça. Oh, dommage. Alors, attends, en vrai, j'ai... Non. T'allais dire quoi? Je sais plus. C'est parti. Un industriel de 50 ans. De 50 ans. Je mange ma merde. Qui s'est offert quelque chose? Il s'est offert. Alors, c'est un. Il est riche, hein, bien sûr. Hein, il s'est offert quelque chose de vivant? Non. Un objet unique? Un objet assez unique. Assez unique, genre. Non, qui est unique. Ah, unique, unique. Mais qui est... Parce que clairement, il n'y en a pas deux. Ah, parce que ça. Est-ce que c'est parce que ça a appartenu à quelqu'un? Ça appartient à quelqu'un. Ça, ah, donc il a acheté quelque chose. Il a loué en fait plus. Ah. Il a loué un truc qui appartient à quelqu'un d'autre. Quelqu'un de connu? Quelqu'un qui est pas même connu, localement. Mais qui, enfin, en tout cas aussi quelque part un peu. J'aide peu hein, sur celui-là, je suis désolé. Ouais, non, mais, là, non, mais sûr, je remonte la piste. Il y a tellement de Sherlock possibilités. Sachez que c'est un lieu. Ah. Il a loué un lieu. Oui, il a loué un lieu pour ses 50 ans. Pour se faire kiffer. Pour fêter son anniversaire. Parce qu'on n'a qu'une fois 50 ans. C'est vrai. C'est alors, là, jusqu'à un peu. Il a loué un lieu public. Il n'est pas public, il est privé. Mais on peut le voir de loin. Il alors, t'es revenu, une toi. Une île, un truc. Hey. La Tour Eiffel. Non. Moins la stylé. Bretagne. On il a loué la Bretagne. Une île. Ah, une île. Ouais, tu l'as dit, Roxane, déjà. Ouais, je l'ai dit. Non, mais t'as vu, j'ai l'honnêteté intellectuelle de te c'est le redonner. Pas une île, c'est pas une île, mais on s'approche très une, très vite. Une presqu'île. Parce que c'est un truc au milieu de l'eau. Une station, un truc. Une Fort Boyard. Exactement. Oh non. Allez. Ah, je crois que c'est toi qui a cadeau. Ouais, il s'est offert Fort Boyard pour ses 50 ah, ans. Ah l'enfoiré. Est-ce qu'il y avait aussi la Sauvageonne et la boule? Non, la boule est morte. La boule est morte. Glauque ouais. Parce que ouais. Il va pas très bien. Non mais genre. Il est mort non? Les tigres, Félindra, méga gaffe. Non. Méga gaffe. Non non mais par contre il s'est fait un kiff parce qu'il a convié un groupe d'amis dans le fort et en fait il s'est payé. Tout fort. C'est pas juste il a loué le fort, il a fait son anniversaire au mieux. C'est-à-dire qu'il a fait une trentaine de défis, ouais, avec ah oui, c'est ça, avec la tous les moyens techniques déployés ah, habituellement pour une émission ont été faits avec les. Alors, la légende ne dit pas combien si Olivier Mine était là aussi, enfin si genre vraiment il y avait tout le monde, mais en tout cas il a fait une émission et voilà, donc il s'est putain, fait kiffer quoi. Moi je voudrais faire la même chose avec Koh-Lanta. Ah tu voudrais faire Koh-Lanta ah, pour ouais. Ton anniversaire? Mais ouais. C'est sûr que t'étais un gros fan de Koh-Lanta. Bah de Survivor en vrai. De, ouais, la version américaine, mais oui, oui, à fond. T'as jamais mais j'aimerais. Toi, bah regarde pas la version française, c'est vraiment moins bien. C'est moins bien. Parce que là-bas, ils se mangent. Donc c'est non, mais vraiment... là-bas, il y a pas l'argument. Bon, c'est la seule phrase que je fais sur Survivor parce que j'en parle à chaque fois que je suis dans un podcast, je parle de Survivor. Bon, au moins aux États-Unis, ils ne font pas la phrase de non, mais Cédric, je le sens pas parce qu'il est trop stratège. C'est un jeu de stratégie, bande d'imbéciles. Et non mais c'est vrai. Et ça va jusqu'à la prod, puisque oui c'est parce que je suis vindicatif. Ça va jusqu'à la prod puisque Denis Brogniart lui-même, donc le présentateur est voilà. Et même hein, d'ailleurs sur internet il est. Et, ah c'est un même oui c'est un même. Ah on l'a tous. Lui-même il fait la morale aux concurrents qui sont un peu trop compétitifs en disant oui mais ça c'est pas très fair play. C'est un jeu où faut pas être fair play, où faut être plus malin que les autres. Dans c'est... ta gueule Denis Brogniart. Voilà. Te dire. Non mais j'aime beaucoup Denis Brogniart. Je lui ai parlé de ça d'ailleurs. J'ai ouais, eu l'occasion de le rencontrer une Denis. Fois. Écoutez, je vous parle de Fort Boyard parce que ça me donne une transition toute trouvée pour passer à un nouveau jeu. Bah, je parlais de Koh-Lanta là. Oui, on était sur Fort Boyard à la base. Tu seras coupé au montage. Il m'a niqué ma transition. Pardon. Je t'aide. J'aime bien Fort Boyard moi. Ah, moi aussi. Autant que les mignons. Donc, on a un jeu. Je vais appeler quelqu'un que vous connaissez bien puisqu'il s'agit. La boule. Non, bah non il est décédé. Ah merde. Putain. Il s'agit du Père Foras. Allô, Père Foras. Oui. Oh. Je suis. Le Père Foras. Qu'est-ce qu'il y a, Valentin? T'as mis la musique. Mais si, mais c'est le montage, Valentin, bordel. Et à qui tu parles? Je suis au téléphone avec le Père Foras, enfin. Tu m'as vendu un truc avec une musique tout à l'heure, c'était incroyable. Pardon, j'ai tout cassé. Mais je reprends. Allô? Oh, je suis Le père Fouras. Bonjour, père Fouras. Bonjour. Vous êtes extrêmement vieux, mais vous êtes vieux pareil depuis 20 ans. Oh, je suis pas bien. Ah. Je vais pas bien. Oh, tuez-moi. Mais non, mais surtout pas. J'ai envie de mourir. Tu appartiens à mon enfance, père Fouras. Oh, oui, mais je suis vieux. Non, tu es un acteur qui a la quarantaine. Je vais aller en Suisse me faire euthanasier. Oh non. Oh, si, je suis pas bien. Oh non. J'ai quelques énigmes. Ah oui, ça, faut que je vous le dise. Je suis donc le père de Fouras. Va vous faire des C'est curieux énigmes. Parce que... Je le coupe, je suis permis de le couper. Tu l'as coupé, je suis permis de le couper. Milieu de phrase. Ça vous embête pas, père Fouras? Non, oh, pas du tout, Florent. Non, parce que vous me le direz. Oh oui, aucun problème. Je suis Jim Carrey. C'est fou. Donc, père Fouras va vous donner des énigmes et il va falloir trouver les solutions, d'accord? N'est-ce pas, père Fouras? Oh, j'ai fait caca sur moi. J'ai fait caca, Tu es le père Fouras de David Mourier. Oui, c'est ça. Laissez-moi tranquille. Vous êtes prêts pour la première énigme? Ah oui, bien sûr. Ah bah, on bien est sûr, tendu au lèvres. Flaubert, co-animateur avec le père Fouras. Oh, je suis le père Fouras. Quel est ton prénom, père Fouras? Ludovic Fouras. Je préfère Fouras. Fouras. Cette énigme s'appelle la neige. Il a neigé la veille et un homme regarde le terrain de son voisin. Il remarque qu'il y a deux fois plus de neige chez lui. Chez celui-ci, pardon, que sur son propre terrain. Pourquoi n'est-il pas étonné? Je répète l'énigme. Il a neigé la veille. Un homme regarde le terrain de son voisin. Il remarque qu'il y a deux fois plus de neige que chez lui. Pourquoi n'est-il pas étonné? J'ai une réponse, père Fouras. Ah, mon petit Lucien. Ah, tu peux répéter ça, père Fouras, s'il te plaît. Mon petit Lucien. Ah oui. Mes petits enfants viennent plus me voir. Je suis tout seul, mon petit. Faut que tu deviennes youtubeur, Ludovic. Mon petit Lucien. Lance une chaîne de prank. Il y a ma petite pakistanaise qui me vole mon argent. Elle me vole mon argent. Ça y est, t'es raciste, c'est gênant. Arrête. Respecte-moi, j'ai fait l'Algérie. Alors, ouais, bah c'est pas propre. Mon petit Lucien, quelle est ta réponse? Ma réponse est le voisin. Ah, le générique est lancé. Bah, c'est parce que tu m'as donné la réponse, mon petit Lucien. Le voisin a un terrain deux fois plus grand. Oh, bonne réponse, Lucien. Je ne dabrerai pas car on est en 2019. Oh, j'en ai crevé. Je suis pas bien du tout. C'est une très bonne réponse, Lucien. Deuxième énigme, l'énigme des trois lits. Pendant que Roxane part d'ici, vous allez vous dire, mais il est au téléphone, comment le sait-il? Eh bien, je suis le parfois, j'ai un peu des super pouvoirs. Waouh. Wow. Je vais manger mon dernier sushi pendant que Roxane est aux toilettes. Elle n'est pas là. Non. Oh, pardon. L'énigme des trois lits. Deux pères et deux fils sont dans une chambre avec trois lits. Chacun dort seul dans le lit, un peu comme moi parce que je suis tout seul. Oui, j'ai envie de mourir, emmenez-moi en Suisse. Il n'y a aucun lit libre et aucun lit manquant. Comment est-ce possible? Je répète mon énigme. Deux pères et deux fils sont dans une chambre avec trois lits. Chacun dort seul dans son lit. Il n'y a aucun lit libre et aucun lit manquant. Comment est-ce possible? Ce serait pour des lits superposés? Non! Tu es une merde, Valentin! Ah ouais! Ah ouais, d'accord. C'est ma queue. Alors, attends, il y a quoi? Il y a trois lits? Non, j'ai oublié déjà. Deux pères et deux fils. Il y a deux pères et deux fils dans chacun une chambre de trois lits. Chacun dort seul dans le lit. Il n'y a aucun lit libre et aucun lit manquant. Comment est-ce possible? Je suis, c'est des lits superposés. Il y a un hamac. Il n'y a pas de hamac, il n'y a pas de lit superposé. Deux pères et deux fils. J'ai envie de mourir. Il n'y a que trois lits. Je vous rappelle. Parce qu'il y en a un, il y a le grand-père, le père et le fils. Oh, oh, c'est une bonne réponse, bien joué. Roxane. Alors qu'elle pissait. Le génie de cette personne. Ah oui. Elle pisse, elle trouve la réponse. Tu as eu le temps de pisser et de trouver la réponse, quelque chose que je ne peux plus faire depuis longtemps. Si, tu es en train de pisser. Tu pisses pendant les questions, c'est déjà... Je pisse sur moi. Ah, tu es moi. En effet, il n'y a que trois personnes, le fils qui a donc son père, le père qui a son fils et qui a son père, et le grand-père qui a donc son fils. Eh ben. Tu rêves une réponse, Valentin, tu as zéro point. On avait compris je me sens très la réponse de Roxane, en fait. Hein. Ah Ludovic, on avait compris la... Oui, la réponse, mais je répète les choses, je suis le père Fouras. Oui. Énigme nouvelle, je commence la nuit. Je finis le matin, je suis dans les temps, je suis dans le jardin, et je passe deux fois dans l'année. Qui suis-je? Je répète mon ennemi. énigmes. Je commence la nuit, je finis le matin, je suis dans les temps, je suis dans le jardin, et je passe deux fois dans l'année. Qui suis-je ? Alors, dans la nuit, dans les temps, la dans nuit, les temps, le matin, les temps, le jardin, les temps, les temps comme, les un étang, comme un étendu d'eau, une étendue d'eau, Perforas. Oui, oh oui. Ah oui. C'est interactif, c'est fou. Hein. C'est ça. Hein. Ouais. Tu peux lui poser plus de questions, Flo. Oui, ça va, Perforas. Oh tranquille, oui. Oh, je suis vieux. Je suis. Attends, je suis. Je commence la nuit, c'est ça? Bah, le problème, je commence la nuit, je finis le matin. Je suis dans les temps, je suis dans le jardin. Et je passe deux fois dans la nuit. Attention, la clé. Ah, on a ouvert la fenêtre, Perfora. Ah. Alors, oh, moi j'y suis. Non, attendez. Est-ce que c'est la clé du bonheur, car je ne l'ai pas. Dans votre grande vigile. Vous restez dans cette pièce le reste de l'année ou pas? Tu réfléchissais pendant que je sais. Oui, non, il me met à l'EHPAD de La Rochelle. Ah, et ben là, là, il y a bien des gens pour vous tenir compagnie. Oui, en bas, il y a ma petite Jessica, mais c'est pas pareil que Passepartout quand même. Ah, Passepartout reste pas à l'année. Passepartout, il m'apprécie pas, il me vole mon argent. C'est un saisonnier? Oui, il est là pour l'été, c'est un stagiaire. D'accord. Il vous vole votre argent? Il me vole pas mon argent. Ça, c'est un peu nanophobe. Oui, oh, vous savez, France Télévisions ne paye pas tout le monde. Oh, je suis vieux, je suis Perforas. Donner son état de santé et son nom dans la même phrase. Oh, je perds la tête. Alors, j'en sais rien, je suis. Oh, je suis nul. Est-ce qu'on peut monter le son de l'énigme, de la musique d'énigme, parce que vraiment, je commence la nuit, je finis le matin. Il y a un jet d'eau. Je suis dans les temps, je suis dans le jardin, et je passe deux fois dans l'année. Qui suis-je ? Je passe deux fois dans l'année. C'est... Là, je sais quand même pas du une éclipse tout, Oh, vous êtes québécois. Mais quand je me concentre trop, oui. Ouais, c'est pareil, quand je me concentre, j'ai la voix de Jolie, c'est assez parfait. J'aimerais bien le rejoindre, je ça voudrait dire que je suis mort. Vous l'avez connu? Oh oui, on chassait le ski ensemble. Ah oui, d'accord. C'était légal. Vous étiez déjà vieux, non, à l'époque? Oui, les animaux. Il n'y a pas d'indice? Il n'y a pas d'indice, Perforas? Si. Ah bah putain, on se casse le cul avec une... Oui, oui, oui, oui. Ah, vous m'avez bien mouché, Perforas. Oh, ils tous. La réponse? Ah bah non, pas la réponse, non. Un indice. Oh, écoutez, mon petit Lucien. Ah, pardon, Perforas. Vous arrêtez de me tromper, bordel de merde. Pardon. Ah, t'es enculé, voilà. Oh, oui, bah je m'en fous, ghetto. Vous êtes ghetto. Ouais, vous êtes ghetto. Je retrouve vite mes 40 ans de sous mon masque. Vous pensez un petit peu trop... lieu, alors que penser aux mots. Les temps, oui, je suis dans les temps, c'est pour ça que je... La nuit, le matin, ah non, pas du les tout. Temps, le jardin et l'année. Le jardin. Ah, il n'y a pas un truc avec le théâtre? Pas du tout. Pas du tout. Attends. Je commence. Pas à Avignon, là. Je commence dans la... Attends, Avignon, je commence. Attention, je vois que Lucien a un morceau de réponse, comme moi j'ai un morceau de cyanure sur mon oreiller, au cas où. J'aimerais mourir. Petite capsule. Petite capsule, je veux crever. Attendez. Je commence la nuit, oui. Et je finis le matin. La branlette, oui, c'est le N. Oui, la lettre N. Oui, tiens, je commence la nuit, c'est la lettre N, je finis le matin, je suis dans les temps, il y a la lettre N dedans, dans le jardin, également la lettre N, et je passe deux fois dans l'année, il y a deux N dans l'année. Oui. Une très bonne réponse. Avec moi, Perfora. Po. Excusez-moi. Je suis vraiment con. Pardon. Non, mais moi j'avais le jeu. Moi je suis resté bloqué sur un petit truc qui arrose le jardin. Juste parce que tu sais faire le bruitage. Non, parce que je me suis dit, c'est dans le jardin, ça commence la nuit, ça termine le matin. Tout c'est ça vrai. Jusqu'ici, tout est. L'arrosage mais automatique. C'est nul comme énigme, t'imagines oui, un arroseur automatique. Oui. Je sers à tondre la pelouse. Une tondeuse. Oui. Pas du tout. Non. Oh, laissez-moi tranquille. Oh, ouais, calmos. Non, mes cousins! Ah, vous êtes qui? Je suis Perforus! Oh, c'est con parce qu'on devrait avoir le même nom et vous. C'est vrai! C'est pareil, mais pas vraiment! Tu sais bien que dans la famille, ils sont tous cons! Oh, ils changent les voyelles! Oh, ils changent les voyules! Est-ce qu'on va au bout de Saint-Impro? Non! Oh, ça Mais j'aime bien faire la voix. J'aime bien la voix. Et vous retrouvez tout ça à Avignon, putain. Ah, dans le off, hein. Les deux fourras, les deux fourras qui ont aimé le spectacle. Ça fourra fourra. Je vais aller en visiter, moi. Ouais, mais c'était... Mais que des guerres racistes, hein, dis donc, par fourra. Bah oui, bah écoutez, on fait ce qu'on peut. Ah bah, vous êtes fier d'être un colonialiste T'imagines Vous êtes pas politisé. Oh, moi, vous savez, je suis ni de droite ni de gauche. Ah, vous êtes comme ma mère. Ouais. C'est vraiment. Oui, ben voilà, c'est comme ça. Et c'est... Est-ce que ce serait votre seul argument pour... en faveur de. Non, après, j'ai rien contre. Enfin, on a eu. Enfin, voilà, je suis quelqu'un d'ouvert, je crois. Vous partez dans les aigus, père Foura, comment ça se fait? Parce qu'en fait, c'est une voix un peu dure à tenir. J'ai, j'ai piqué les clés, moi, pendant. J'ai piqué les clés pendant la discussion. Au revoir, au revoir, père Foura. Au revoir, père Foura. Merci pour votre appel. Écoutez, j'espère qu'il nous rappellera jamais, hein, quand même. Le père Foura. Oh, écoutez. Moi, j'ai bien aimé. Père Florent. Oh non, quoi? Non. Attends, père Floodcast. Oh. Première fois de la semaine que je fais un jeu de mots. Bah oui, normalement tu détestes. Je déteste les jeux de mots. Écoute. Et cependant, parfois, j'ai... c'est ce que j'appelle des jeux de mots proutes. C'est vraiment, tu peux pas rien faire, ça sort. C'est qu'ils guérissent pas le cancer, ceux-là. Ah non. Les auditeurs, vous m'ont envoyé des questions à vous tous sur vos carrières et même sur des trucs un peu plus larges. Non, ils ont envoyé des questions sur... je transpire des seins. M'aideras-tu à le nettoyer? Non, pas trop, pas trop. Non, en fait, il y a eu des questions un petit peu pour tout le monde. Je vais commencer par la bonne valise en tweed. Ah. Qui demande. Alors, qui fait des gentils compliments déjà, donc je te remercie. Qui est la valise en tweed? Il s'agit de Valentin. Ah oui, d'accord. C'est un petit surnom affectueux qu'on lui a trouvé. C'est Adrien Méniel, un jour. Adrien Méniel, valise. Et c'est resté. Comme. Moi, c'est Flobiche. Flobiche ou comme. Luciole. Julien, moi, c'était la Luciole. La Luciole. Jusqu'à ce que Luciole. Il y a une vraie Luciole qui soit arrivée dans le game. Quel bordel. Et Roxane, on pourra t'en trouver une. Un moment, si tu veux, un petit surnom. Roxette la pompette. Voilà. Par exemple. Attends, c'est une proposition. Tempête, peut-être, ouais, on appellera Adrien. Peut-être, ouais. on l'appellera. Moi, j'aimais bien ma proposition. Tu veux que j'appelle le père Foura, peut-être pour... Oui, j'aimerais me faire consoler par le père Foura. Oh, bon, moi, j'aime bien. Oui. Ah, gentil. Merci, père Foura. Merci. Donc, tu donnes l'impression. Oui. Je vous rappelle après. Est-ce que tu as apprécié faire le Hellfest et est-ce que tu as. Quel bilan tires-tu de cette expérience? Pardon, je fais encore un AVC de la voix. C'était très très sympa. Pour rappel, est-ce que tu peux. Oui, voilà. Un peu de contexte, s'il vous plaît. Pendant que Valentin nous explique, quelqu'un veut une bière, un coca. Non, je vais aller ça, bah barrez-vous. Est-ce que tu veux quelque chose pour. Non, ça va. Non, ça va. Je veux bien un coca zéro aussi. Une boisson, n'importe la première qui vient. Fais attention, des fois on se prend l'étagère dans la tête, Lucien. Tu feras attention, on ouvre le frigo. Il est traître. Valise. Oui, j'ai joué au Hellfest avec le groupe dans lequel je suis, avec Julien Josselin, Stéphane Carleux et Jérémy Lovi avant, qui s'appelle Kawaii Bukake. Voilà, je n'expliquerai pas le nom. Kawaii parce que c'est mignon en japonais. Et Bukake, je sais plus. C'est un truc de cuisine. non, c'est vrai. Okay. C'est, à la base, c'est vrai. C'est un truc qui ça veut dire saupoudré. Oui. Saupoudré. De mignonnerie. Okay. Non, c'est vrai, c'est comme ça qu'on l'explique pour s'en sortir. D'accord, ok. Et... Parce que techniquement, c'est plein de gens qui jouissent au visage de quelqu'un en cercle, voilà. Mais kawaii, ça veut dire mignon. Merci kawaii, de m'expliquer. Non, mais je pense que. Oh, et ouais. On est entre adultes ou quoi? Mais oh oui, oh! Pardon. Et donc, kawaii, c'est un groupe de. Ouais, il revient de temps en temps comme un vieux traumatisme que j'ai en moi. Autour de la table. Et non, c'est donc notre groupe de punk où on reprend des chansons, on fait des reprises en punk de chansons genre. Trois chansons comme ça! Maître Gims, Tortue Ninja et France Gall. Bien joué. Et donc on a eu la chance de jouer au Hellfest cette année et c'était fou parce qu'on est vraiment des escrocs, on avait enfin je viens de dire qu'on jouait France Gall et Tortue Ninja. Oui. Et donc on a fait une petite scène au Hellfest, mais ça s'est trop bien passé parce qu'elle était c'était pour ceux qui sont déjà allés, c'était près du market et en plus c'était la veille vraiment du Hellfest, donc ouais. Les gens n'étaient, il y avait rien d'ouvert, donc ils venaient nous voir et le concert était trop bien. Vous étiez en face de Slipknot quand même. Slip qui? C'est ce que j'ai dit pendant tout le Hellfest quand on me parlait de groupe. Non, c'était vraiment très cool. Et donc le concert était trop bien. Et j'espère, je sais pas si on aura la chance d'y rejouer, mais voilà, on a bien profité. Et après, on a eu la chance par contre de faire les 4 jours. Et moi, c'était la première fois que j'y allais. Et c'est vraiment un très chouette festival. C'est vraiment, c'est Disneyland, mais sans Mickey, avec des gens avec des cheveux longs. Mais, mais non, mais c'est genre construit en dur. C'est vraiment dans Mad Max. C'est très impressionnant. Je pensais pas que c'était autant. Bon, on fait quelques festoches de Zikos par-ci par-là. On est loin du fest-nose, hein. On est. Et je le rappelle, Fesnos de Paname. Tout à fait. Non, non, mais c'était très sympa et j'ai découvert plein de groupes très cool. Je vais pas le cacher, ça n'étonnera pas, je suis pas un gros fan de gros black metal, mais je peux l'apprécier. Et mais il y avait vraiment des trucs très chouettes. Moi, il y a une scène un peu plus punk rock justement où j'ai vu des trucs très cool. La Warzone exactement. Et mais tu y étais toi aussi, Lucien. Je te balance le bâton de la parole. On s'est croisé devant un bon vieux rock un peu rétro d'ailleurs, un peu rock stoner. On s'est croisé devant, putain, je me souviens plus. Ah, c'est nul. Non, mais du coup, invente un groupe. Attends. Ah, putain. All Them Witches. C'était All Them Witches, un peu blues, un peu stoner. Pour moi, c'est ça, t'as inventé. Non, vraiment. vérifié dans la programmation de cette année. Et on s'est recroisés devant Nova Twins un matin. Ah, trop bien, Nova Les Twins. Deux meufs londoniennes, je crois. C'était trop chambé. Mais ça, c'est genre. Je connaissais pour le coup et j'avais très envie de les voir et c'était vraiment chambé. Et elles ont pas joué. Elles ont joué genre une grosse demi-heure. Mais elles ont que ça. Elles ont que un EP d'une demi-heure. Ouais, je sais. Mais moi, j'ai. Faisait aussi curieux. La première partie de Prophet of Rage. Ouais, c'est vrai. Oui, il y a beaucoup de gens qui les ont découvertes comme ça. C'est vrai. Elles sont chambées. Et non, voilà. Voilà, c'était très bien. Merci pour cette question. le camping, moins. Genre, le camping. Le camping. Mais oui. Ah, c'est un enfer. On a enfin, fait. Je peux dire. Hein. Je pensais. Non, mais on pensait pas le faire, mais bon, on s'est dit quitte à le faire, on a été vraiment dans l'ambiance, donc on a fait les 5 jours de camping. Mais quand tu fais. 5 jours, ah ouais. Ouais. Donc sans se laver. Donc voilà, tu pues de la teub. Bah oui, pour des raisons évidentes. Tu deviens fan des Red Hot en cours de Hellfest. En cours de Hellfest, et t'es mal vu. Non, mais du coup. C'est funk, en même temps, des fois il y a des petites balades. C'est quand même sympa. Non, mais c'était cool, mais ouais, t'es réveillé, tu te couches à 4h, t'es réveillé à 8h parce qu'il fait 45 dans ta tente. Il fait 45, il fait très froid la nuit, très chaud le matin, et des gens hurlent toute la nuit à l'apéro et pissent sur ta tente. Mais ceci mis à part, c'est très cool. Non, c'était chouette. Une belle expérience. C'est fou ces gens qui pissent sur des tentes. Moi je me dis toujours pourquoi vous pissez sur les tentes à chaque fois. Oh, c'est le côté. Il y a des tentes à caca aussi, des mecs qui prennent une tente pour chier dedans. Ça, je comprends pas le principe. Oh non, c'est pas gentil. C'est pas gentil. Non, mais c'est la leur. Ah, c'est la leur. Pour chier dans la femme de mon oncle, c'est une tente quechua par exemple. Ah, ok. Ils vont pas chier dans la tente des autres. Ça a dû arriver à mon avis. Avec le soleil qui tape et tout. Ah, mais en fait, ça le premier qui fait caca, d'accord. Et le second, c'est trop tard. Vous avez pas besoin de moi pour partir sur la merde, hein. Vous avez remarqué. C'est vrai, vous étiez tous étalés tout seul. Mais après, on est proches, tu vois, on se fréquente, donc il n'y a pas de mystère. C'est vrai. Une question un peu pour tout le monde, donc je vais commencer par toi, Roxane. Est-ce que tu as un souvenir de tournage qui a été particulièrement dur? Voilà. Ah merde, sachant qu'il y a du montage dans cette émission, Roxane, donc n'hésite pas. Oh oui, c'est pas un métier facile, hein. Puis là, ça fait 8 ans que je roule ma bosse. Mais... Oh bah là, on a vu des choses là, Roxane. Hein. Mais non, quand j'avais 17 ans ou 18 ans, je tournais dans le sud une série en maillot de bain au mois d'octobre et j'avais 42 fièvres. Ah. Et en fait, mon premier souvenir, c'est d'arriver sur le tournage, de poser les pieds hors de la voiture et de tomber dans les pommes. Immédiatement. Et en fait, me réveiller avec le producteur et toute l'équipe qui me tenait les pieds en me disant ça va et tout. J'ai dû signer une décharge d'ailleurs pour dire que je ne voulais pas aller à l'hôpital et que je voulais tourner. Sinon, ils avaient... Est-ce que c'était sinon, vraiment ta volonté? On mettait toute l'équipe dans la merde. Ah, cool. Et en fait, pas de pression déjà. La petite culpabilité. Du tout, ouais. Puis tu sais, t'es tout seul, t'as pas tes parents et tout, genre, je dois signer ce papier ou pas? Il s'appelle comment ce producteur? Je vais tomber un peu dans les pommes plutôt, c'est sympa. C'est l'ambiance. Mais en fait, j'en garde un souvenir amusé finalement. Bon, de toute façon, soit tu ris, soit tu pleures. C'est ça, soit tu réussis, soit tu échoues. Et si tu échoues, bah tu apprends. C'est ce qu'il faut se dire. Voilà, voilà. Valentin Vincent? 6 semaines des emmerdeurs. Ah, c'est un long souvenir. Hein. Non, en plus c'était trop bien. Non. En fait, la question c'est dur, hein. C'est pas le pire souvenir. Oui, c'est de ça. Oui, non, non mais en vrai, le plus dur peut être le plus cool. En vrai, le plus dur c'était le plus cool, mais c'était la deuxième. En vrai, c'était sur les emmerdeurs et la deuxième semaine. Donc le tournage c'était trop bien pour moi. Enfin voilà, tourner 6 semaines et tout. Et mais la deuxième semaine, j'avais jamais tourné. J'avais tourné au plus longtemps une semaine et là. Faire une semaine, j'ai vraiment terminé sur les rotules et me dit attends, il en reste 5 et la deuxième semaine était, enfin la fin, je sais plus si c'était la fin de la première ou la. C'est pour si vous avez vu, c'est tout ce qui se passe dans l'épicerie dans l'épisode 2 et donc c'était ça. Je me souviens que on avait pris énormément de retard, il fallait qu'on enchaîne tout, on tournait. Ah, c'était plus par le stress que de la fatigue physique. Oui, c'était de genre mais on va jamais tout rentrer. On était à 12 minutes utile jour en moyenne, donc c'était. C'est beaucoup pour les gens qui ne travaillent pas dans ce milieu-là. C'est beaucoup. Mais c'était par contre c'est le meilleur souvenir de tournage aussi ce tournage-là. Mais c'était le dur. Et un autre petit truc plus simple. Pardon, t'avais une question. Non, juste, je me disais, est-ce que c'est vrai du coup cette fameuse légende sur effectivement, moment tu descends machin, et en fait tu prends le rythme et en fait les autres passent tranquille. Oui. C'est pour ça que je dis, c'était fin première ou début deuxième. D'accord. Où je me suis dit, je vais pas. Enfin, je me souviens que je suis entré le premier week-end, on rentrait le week-end, enfin pas tous, mais le premier on rentrait, en me disant, mais là vraiment comment je vais tenir. Enfin, j'étais épuisé, comment je vais tenir, et parce que je suis faible physiquement. et en fait, après, effectivement, je n'ai pas de souvenir de. Enfin, c'était dur, mais c'est bon, quoi. Tu te réveilles tôt. Et puis, tu prends le pli. Ouais, tu prends le truc. Mais c'était trop bien. Mais juste, c'était dur. Et par contre, un autre tournage très cool pour un sketch show Golden où on m'a demandé de faire Renault alors que ma ressemblance avec Renault. J'ai un souvenir. Il y a rien. Enfin, voilà. Aucun point commun. L'imitation était très bien. Et parce que oui, j'avais chanté Renault et donc on m'a dit non, mais t'as qu'à. Moi, je pensais qu'ils allaient prendre un gars un peu âgé, un vieux quoi. Et on m'a dit non, fais-le, mais on va te mettre une perruque et des lentilles. Et j'ai dit ah, non, je suis désolé, je sais que c'est chiant, mais les lentilles, j'ai déjà essayé plein de fois. J'ai un vrai problème de mes yeux. Ça n'arrive pas quoi. C'est trop sensible. Et donc je leur préviens, je dis vous allez perdre une heure, j'ai déjà essayé, j'ai passé déjà du temps chez moi à essayer de m'entraîner pour pas foutre tout le monde dans la merde. J'arrive sur le tournage, j'arrive pas à les mettre, je mets vraiment je pense une heure, heureusement il y avait du retard et tout donc ça va, mais je mets beaucoup trop longtemps. Je les mets, c'est pas la bonne couleur, ça se voit pas que j'ai les yeux bleus, alors tout le monde dit bah ça sert à rien, ça se voit pas quoi. Donc là ça commence à dire bon on va en chercher d'autres machin et tout, et je leur dis non mais je veux pas, enfin je viens de mettre une heure, en je vais mettre une heure en plus pour l'enlever, ça sert à rien, c'est un plan de 2 secondes. Et je me sentais pas bien pendant tout le truc, je me disais mais en plus je me sens pas bien, et je me suis dit c'est le stress, c'est le côté je dois mettre des lentilles et tout. Et donc je tourne ce truc là, donc Renault sans lentilles ça se voit pas, on s'en fout, de toute façon je ressemble déjà tellement pas qu'avec des lentilles ou pas. Et vraiment j'étais pas bien, et en fait je suis rentré chez moi mais mort, et j'avais la grippe et j'avais 42 et je me suis dit donc il y avait pas que les lentilles, c'était pas que du stress, c'était pas que du stress. Et du coup c'était en fait ça a été très long, là pour le coup c'est le pire souvenir. Parce que c'était très long pour rien, c'était très long pour un plan de 2 secondes où on m'obligeait à me mettre de lentilles. Je disais que j'avais dit plusieurs fois que. En plus, tu te moquais un peu de Renault alors que toi tu l'aimes bien. Oui. En plus, en gros, on dit que. Il y avait un problème quoi, avec une boisson. Et en plus, il y avait pastis, un truc là. Ce truc là avec le recul où en plus je suis pas très fier de l'avoir fait. Donc voilà. Donc ça, pire souvenir. Okay. C'est triste comme. Mais là, ça me fait une photo marrante où je suis à moitié en Renault. Donc ça, cool. Toujours ça. Par contre, l'enregistrer, c'était marrant. Et tout ça, c'est. Ouais, quand ça vaut un peu. La voix, tu le gérais. Enfin, tu le gérais grave bien, quoi. Non, bah attends, ça, lui. Croyez. Bah, c'est Rolls Royce en termes d'imitation. Lucia. J'en ai plusieurs qui me viennent en tête, mais un des trucs les plus durs. Pardon. J'ai avalé ma salive dans le micro. Excuse-moi. Tu l'as fait sentir une relou alors que pas du tout. Non, mais j'ai peur d'être odieusement désagréable. Non, je te regarde avec tellement de bienveillance. Ouais. tu emploies le mot bienveillance donc d'une Mais t'as quand même manière. Un couteau. tu mérites. Il y a quand même un couteau juste à côté de ça. Question de bouteille. Non, alors j'ai plusieurs anecdotes qui me viennent en tête, mais j'ai envie de parler d'un truc qu'on. On a tous un peu vécu, je pense, à un moment ou à un autre dans ce boulot-là, quand tu es donc devant la caméra et que tu galères un petit peu avec, je sais pas, avec ton texte, avec l'émotion de la scène ou je sais pas quoi, et que tu sens que quelqu'un de l'équipe technique a vraiment envie que tu réussisses, mais pas parce qu'il est avec toi. Parce que. Il en a marre. Merde, tu fais chier. Ouais. Et moi, ça m'est arrivé une fois. T'es un premier assistant, par exemple, peut-être, potentiellement. Ouais, le premier assistant, c'est la personne qui, effectivement, c'est son métier qui aide le réalisateur. De tenir le planning, d'organiser la journée et de faire en sorte qu'on ne soit pas en retard et que tout se passe en temps et en heure et bien comme sûr. Il faut. Donc, c'est un poste extrêmement important, extrêmement stressant. C'est un métier très difficile. Mais il y a une façon de dire les choses. Et ça m'est arrivé une fois sur un tournage de pub où j'avais. Des gros pavés de texte et il m'arrivait effectivement, en tout cas la première scène du matin, j'étais pas encore en confiance, donc je savonnais un peu, je galérais et tout ça, et vraiment à chaque fois c'était bon, on repart, c'est bon, tout le monde est prêt, tourne, ok, 7e prise, ce sera la bonne et on y va, go. c'est la pire chose où tu dis mec, tu me mets dans la pire. Déjà, je me sens mal d'avoir échoué 5 fois d'affilée. Ouais, bien sûr. Si en plus tu fais. Bon, ok, et c'est bon. Nouvelle prise, le nulos. Ouais. Le nulos, c'est à toi. On va reprendre parce que Lucien a merdé, quoi. Donc, allez, on reprend. Et ça, c'était vraiment dur. En plus, t'es un super acteur. Oh, elle est gentille. Vous êtes tous très gentils. Peut-être un avis sur les mignons, Valentin. Je le garde pour les suggestions de la fin. Ok. Et tu penses, t'en penses à plusieurs, t'en as d'autres là ou... Non, mais après, il y, y a eu aussi un tournage où j'étais réal. Pour le coup, c'était avec Amy Alter, ouais, qui m'avait gentiment demandé de réaliser une vidéo très ambitieuse à la rentrée dernière. Et c'était une vidéo très ambitieuse, c'est-à-dire qu'on a tourné en une journée ce qu'on aurait dû tourner en deux jours et demi. Ouais. Et donc, on a commencé à 6h du mat, on a fini à 2h du mat, avec vraiment, je dirais, 25 minutes de pause au milieu pour en bouffer vite fait. Avec 6 lieux de tournage différents. What? Pas, dans le même quartier, hein. Mais c'est quand même galère, tu vois. C'est-à-dire, c'est-à-dire 6 installs différentes, lumière, etc. etc. Et je pense que c'est physiquement la plus grosse fatigue que j'ai ressentie de ma vie. Et même, c'est même pas genre, j'ai fait une excursion de ouf, Himalaya, machin. Mm. Non, c'est la plus grosse fatigue de ma vie, c'était ce genre de mais tournage. Mais c'est agréable. À la fin, t'es trop fier de toi. La boisson fraîche de fin, parce que moi je bois pas d'alcool, mais c'est vrai qu'avec toute l'équipe, boire un coup à la et fin de la journée. Et on se prend dans les bras et on s'aime vraiment fort dans ces moments-là. C'est vraiment chouette. Moi ça me manque un peu, ça fait longtemps que j'ai pas réalisé. C'est le genre de truc qui. Ouais, en plus, moi je suis très relou sur les. Ce qui d'ailleurs les acteurs détestent parce qu'on a l'impression que je suis vraiment un technico syndiqué, mais j'aime pas finir en retard. Enfin, j'ai un truc un peu de. Je trouve ça chouette de. On peut faire de très belles choses et finir à l'heure. Et j'aime bien dire à l'équipe, regardez, on a trop bien bossé. Hein, moi aussi. Mais tout le monde, en vrai. Mais c'est vrai que moi, c'est ma fierté x2. Tu vois, mais il y a des réals qui s'en foutent, qui disent non, mais on s'en fout en fait. Il faut faire ce qu'il y a à faire. Quoi. Ouais. Moi, je pense qu'il faut faire ce qu'il y a à faire. Mais j'aime bien quand même dire, regardez, les gars, on finit à l'heure, c'est trop cool, machin. Bref. Tout ça pour dire, ouais, voilà. Et moi, le tournage le plus dur, je pense que Mac Walter, ça a quand même pas été simple. Mac Walter 3 de Mr. Ouais, V. Charmé. Parce que. Bah, parce qu'il y a... Merci. Parce qu'il y avait, en fait, il y avait beaucoup, pareil, enfin, c'est souvent ça, mais beaucoup de choses à rentrer en peu de temps, pas beaucoup de décors, autoprod, pas beaucoup de sous. Ouais. Bizarrement, on pourrait croire, c'est quand même Mr. V, c'est quand même une grosse chaîne YouTube, mais en fait, comparé à des moyens donnés par Golden Moustache, qui sont pas non plus les trucs les plus fous, mais en tout cas, c'est une société, disons. Ouais, là, c'est vraiment au moins pas c'est beaucoup. Correct. Non, mais voilà, c'est ça, c'est, voilà. Et donc, du coup, là, c'était un peu dur, et toute petite équipe, heureusement que j'avais Thibaut Arbre que j'embrasse qui était chef op cadre qui a tout fait bassiste très mec, fort qui super qui est un mec super, et, qui super. M'a vraiment... et sans lui j'aurais jamais je l'ai pas je fait mettre une patate bah, si il a fait quoi petit bip non vas-y c'est la première fois de ma vie où j'ai honte d'un jeu de mots. Bon bref tout ça pour dire que ça c'était très dur. Et non voilà je crois vraiment que c'était le plus dur. Après le tournage j'ai fait une pub pour Gad Elmaleh à New York. Et moi pour le Caprice des Dieux. L'air d'amour, tu l'as vu à travers. Non, mais l'équipe était toute américaine et ça met un petit stress. Ouais. Parce que je parle un peu anglais, enfin diriger une équipe en anglais, ça c'est encore un autre délire quoi. Et en plus, tu dois pas faire le con parce que tout le monde est syndiqué. Et en fait, c'est des règles très spéciales aux États-Unis. Et du coup, et tu le sais, donc tu veux pas faire une connerie, mais en même temps, tu veux pas être un connard qui parle pas au chef op ou des trucs comme ça. Donc, ça a été un petit temps d'adaptation. Et en même temps, t'as Gad Elmaleh, donc tu veux quand même une rosta et qui était là pour lui, donc tu veux faire bonne impression aussi avec ce gars-là et montrer que t'es quand même à l'aise et machin. Et t'es vraiment, moi, j'étais encore Gad Elmaleh. Vous avez, oh joli, ça vient de toi ou quoi? Tu sers une main, non? Bah non, parce que c'était en couverture de tous les jours. Ah bon, il y a un mois. Alors pour ceux qui l'ont pas vu, hein, qui écoutent, il était vraiment Valentin a lancé sa main. Genre serre-moi la pogne mon pote parce que vraiment j'ai assuré. Et Flo lui a dit bah va chier. Va chier sur un mur. Bah moi j'ai adoré, j'aurais pu faire d'accord. Donc, et journaliste. Et bref, tout ça pour dire que ça c'était un peu fou. Et en vrai avec Lucien on a fait un tournage qui était un peu dur aussi. C'était au parc Astérix. Ah oui c'est vrai. On devait faire un truc d'horreur c'était d'Halloween. C'était nocturne. C'était une nocturne. J'ai ruiné on avait pas le temps et en plus et on a défoncé un petit peu le parc. C'est-à-dire qu'on avait foutu. Mais si souviens-toi, c'est... et du coup c'est toi qu'on avait un peu payé les frais en vrai. En fait on avait fait 4 petites vidéos. Et première vidéo, on a arraché une tête. Donc moi, j'étais comme un ouf parce que j'adore les films d'horreur. Et on a un peu mis du sang sur une attraction qui était même pas encore ouverte au public, qui était genre un truc de maison hantée mais de pyramide. Ouais, voilà, un genre de mausolée. J'ai oublié le titre. Voilà, c'est ça. Et du coup, on avait mis un peu de sang. Donc, c'était un peu énervé le parc Astérix qui nous avait juste dit faites ce que vous voulez. Et vraiment, ils étaient cool. Hein. Enfin, au début, ils étaient. Non, dans le brief, ils étaient cool. Ouais, mais en vrai, ils ont été cool. Enfin, moi, j'ai trouvé qu'ils étaient cool. Bref, on tourne et m'en fout du sang un peu. Sur le truc, tu vois, et t'as le gars des FX qui fait bah, mais les gars, vous faites gicler du sang d'une tête, enfin, je peux faire ce que je peux, mais tu vois. Bon, bref. Et du coup, dans celle d'après, Lucien devait se faire gerber dessus par Audrey Piro. Première fois que je l'ai rencontré. Et il devait se faire gerber dessus. Et là-bas, c'était pareil, c'était un geyser un slime de vomi, comme dans Ghostbusters, exactement. Ouais. Et là, je me tourne à la gauche. Et j'étais trop, moi, j'étais très content de tourner ça parce que c'est trop marrant. À faire. Avec Lucien, on tournait pas souvent ensemble. Moi, j'étais trop content de faire un truc débile comme ça avec lui. Et je me tourne à ma droite et je vois trois personnes de Golden Moustache entourées de 6 ou 7 cadres des parcs Astérix à 3h du mat et vraiment bras croisés en mode comment tu vas la faire ta scène là, parce que c'est hors de question. Et là j'ai toute la prod Uber. Le Hub qui était là. Et donc on salue sur son bateau sans doute. Et donc bref, il était là et vraiment c'était genre non Flo là, la marée de vomi ça va être compliqué. Mais ce qui était drôle, c'est que ils étaient très durs sur certains trucs et à côté de ça, je crois que c'était le patron et tout, il fait allez, il a fait péter les jets d'eau à 5h30 du mat, il nous avait fait faire Osiris de nuit, enfin c'était un peu fou quand même. Ouais, il y avait des trucs très cool. C'était entre deux, c'était trop bizarre, j'arrivais pas à savoir, je fais mais vous nous kiffez ou vous nous détestez, j'arrive pas à savoir. Mais c'était assez dur, mais c'était pareil, c'était assez cool à faire, mine de rien. Et en vrai, parce qu'ils nous avaient dit non, allez-y dans l'horreur, allez-y dans le gore, parce que Parc Astérix. Ils ont tout cuté. Ouais, c'est ça, il faut Parc Astérix, faut qu'on prouve qu'on n'est pas Disney, on est un peu dur, alors que Disney c'est les enfants. Nous on veut montrer qu'on a un parc pour adolescents, c'est pour ça qu'on vous appelle. Et donc moi j'envoie mes trucs, ils font non, mais là c'est beaucoup trop, vous êtes tarés. Et je fais bah dans le texte, il y avait écrit une momie arrache une tête, donc on voit la tête arrachée. Et en fait, on avait eu un souci parce qu'il y avait un journaliste qui s'était fait égorger en direct sur Internet. Ah oui, ils avaient utilisé ça comme excuse, même si je suis pas. Bon, bref. Oui, non. Mais c'est un tournage un peu dur et beaucoup de montage. Ouais. Quand tu fais du montage, c'est pas la question, c'est sur les tournages, mais des fois avec les clients de pub, le montage ça peut prendre beaucoup de temps, ça demande beaucoup de versions. Moi j'ai eu un truc comme ça où des clients ont demandé. Donc le truc, ils valident le texte, ils sont là au tournage, ils valident le tournage, ils voient le montage. Et ils font ah ce serait bien que à la place de cette phrase la personne dise plutôt ah non attention t'as dit et bref et une autre phrase qui cite la marque. Donc on leur fait bah c'est pas possible là bon c'est pas possible, on fait, bah non enfin là c'est juste vous demander, enfin c'est comme si tu faut disais retourner ah, c'est ça c'est très bien mais faudrait maintenant mettre un hélicoptère avec tu sais c'est le truc genre, mais, et donc, à un moment c'est Kate Winslet mais non mais c'était ça bah... et c'était fou ce moment parce qu'ils étaient 5 dans la pièce et à donner leur avis et tout et la personne la plus haut placée dit ça, genre faudrait qu'ils disent la marque. Ouais, souvent et, ça. Et on fait, mais c'est plus possible. Enfin, si, c'est possible, on retourne et vous payez, quoi. Ah non, ça non, faut trouver une solution. Mais c'était quoi la solution finale? Un dialogue en off. On a quand même retourné un truc, à savoir un gâteau. Non, mais n'en dis pas plus. Un petit biscuit qui tombait au sol. Mettre des bips. Roxane, on t'a vu autant dans Les Parasites que dans Le Monde à l'envers, dans deux registres extrêmement différents. Quel est ton préféré et est-ce pas trop dur de passer de l'un à l'autre? Parce qu'il faut dire que le monde à l'envers, disons que c'est plus parodique. Ouais. Et les parasites, c'est plus, comment dire, premier degré en fait. C'est conscient. Ouais. C'est conscient les parasites. Oh, voilà. Quoi qu'on a fait des trucs rigolos au début. Non, c'est drôle. Avant d'être hyper sérieux et politisé. Et non, mais je veux dire, il y a un truc un petit peu moins. Oui, oui. C'est plus second degré le monde à l'envers. Ouais. Comment tu ressens les deux trucs? Comment tu les abordes, tout ça? Bah, c'est hyper chouette parce que les deux, c'est des groupes de copains. Donc, ça fait plaisir de travailler avec des copains. Et je pense que c'est chez les parasites, autant faut se laisser guider par Guillaume qui est notre réal et qui qui va te dire voilà, sois plus sincère ou ressens plus le truc et tout. Qui est très fort, qu'on embrasse, on t'aime, et Bastien aussi, et Jérémy aussi. Toute l'équipe. Voilà. et sinon, de l'autre côté. Je vous embrasse pas, les gars. Oh, pourtant, t'es anti-Macron. Ah oui, c'est vrai, voilà. Je vous embrasse. Voilà, merci beaucoup. Et chez Le Monde à l'envers, c'est cool parce que, bah, pareil, ça permet de faire n'importe quoi. Et nulle part ailleurs, on te demandera de jouer comme ça. Nulle part ailleurs, t'as le droit de parler comme ça avec des voix dans le Et en fait, du coup, c'est chouette parce que t'as le droit de faire ce que t'as le droit. Une liberté totale. Voilà. C'est vrai que ça, c'est assez fou, Le Monde à l'envers. C'est-à-dire que. Oh, ils sont complètement retournés. Non, Valentin tend sa main fièrement. Serre-moi cette pogne, Flaubert. Je sais que. Ah, allez, c'est vraiment par pitié. C'était vraiment de la pitié. Vraiment par charité chrétienne. Non, c'est quand même. Ça qui est fou, c'est que là où je les respecte beaucoup, Le Monde à l'envers. Et uniquement sur ça d'ailleurs, sinon je les déteste. Non, c'est qu'il y a eu toute cette vague sur YouTube de sketch, de trucs. Et ça s'est très vite pris au sérieux, mine de rien, Golden Moustache, aux yeux de gueule et tout. C'était très genre, on fait des plans et tout le monde joue des trucs un peu sérieux. Et puis c'est un peu des courts-métrages. Je trouve ça vraiment, assez stylé d'arriver en disant non, nous on fait du vrai sketch comme Les Inconnus, on a vraiment des vrais persos et tout. C'est trop drôle. Des trucs un peu caricaturaux mais en même temps ultra assumés, donc en fait t'es à fond dedans. Et long en plus. Et ouais, enfin, c'est quand même le truc de 12 minutes. Qui est bossé et tout. Ça... Et moi, et toute votre équipe, Monde à l'envers, c'est Valentin et Jenny qu'on aime fort. Mais on retrouve quand même souvent toi, Lucas Pastor. Lui, il est extrêmement fort. Ah ouais. Lucas Pastor. Et Timothée Hochet aussi. Timothée Hochet qu'on retrouve souvent. Et que je le vois jouer là-dedans, à chaque fois je fais bah. Il a ça et Apple comme actuel. Ouais. Timothée Hochet, il y a un éventail de. Je fais le débile. Il y a potentiellement des mails où il y a Steve Jobs et Jenny. Non, mais c'est vrai que c'est assez fou. Et ouais, et donc ouais, Lucas Pastor, j'en place une spéciale, je pense qu'on va l'inviter dans cette année parce que je le trouve extrêmement doué. Et moi, il a une vanne dans celui dans lequel t'es d'ailleurs, dans un truc de où il joue une meuf, mais voilà, enfin c'est clairement un mec déguisé en femme. La villa des cœurs brisés. La villa des cœurs brisés. Il a juste une mini vanne où il met du linge dans un micro-ondes, il fait putain la machine à laver, elle est pétée. Non, elle est discrète cette vanne en plus. Elle dure 2 secondes. C'est ma préférée. Ouais. C'est vraiment, vraiment c'est très marrant. Il fait putain la machine à laver, elle est pétée. Voilà, il est très marrant. Attends, j'ai une question un peu backstage. Est-ce que cette vanne a été dans le script ou est-ce que c'est une impro? Alors, il y a beaucoup de choses dans le script et il y a aussi beaucoup d'impro. D'accord, mais celle-là. Et alors, celle-là, j'avoue que je ne me souviens pas. Ah merde. Mais ce qui est assez fort, j'aurais bien aimé savoir si c'était. Mais je pense que Lucas, il improvise pas mal et il écrit un peu. On écrit. Une petite vanne pour vos persos. On écrit pas nos persos, mais ça, on peut dire ah, j'aimerais bien qu'ils soient un peu comme ça ou j'aimerais bien qu'ils soient un peu comme vous ça. Ils sont très ouverts et en même temps ils dirigent pas mal et c'est un bon. Ils sont forts. Mais ils sont très forts. Ils sont très forts. Quand tu vois un peu de l'extérieur, c'est super cool de se dire putain, ils ont un lieu et ils s'éclatent dans ce lieu. Ouais. Enfin, tu vois, vous, c'était une maison, j'ai vu les mariages aussi. Enfin, tu vois, c'est assez restreint en décor, mais du coup, vous pouvez faire plein de trucs. Ça, je trouve ça extrêmement. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a une indication de Valentin qui m'a fait mourir de rire un jour. Il y a Xavier, du coup, qui cadre et il lui fait Attends, mais tu fais pas un travelling là? Tu nous fais pas un truc trop ciné là? C'est vrai que c'est marrant. Faut que ça reste du sketch. Mais c'est vrai, c'est qu'on dirait presque un truc en réaction à la mode Golden ou Bagel. Ils se sont dit non, nous on veut des perruques. On veut... Parce que moi je me souviens, on était anti-perruques genre à une époque. Ouais. Golden surtout et pas Bagel, des mecs qui jouent des filles. Oh non, c'est ridicule et tout, machin, tu vois. Et en fait, eux ils sont plus style Palmacho, style tous ces mecs là. Et je trouve ça super bien. Ça fait du bien. C'est rafraîchissant. C'est ça, c'est un vent d'air frais finalement. On est un peu des vieux nous maintenant de YouTube. On voit allez, question suivante. Question suivante. Jeune génération. Oh non, mais attends. J'ai rien. On n'a jamais été invité au royaume du web. Putain, c'est vrai ça. Moi, qui est en Suisse d'ailleurs. J'adore. Oh, j'aimerais bien y aller. Ah, Papy Foy. Pour me faire tuer. Restez avec nous, Papy Foy. Ça me fait très mal à la gorge. Valentin, est-ce que tu progresses en cornemuse? Bonne question. Mais elle est de qui cette question? Je sais pas. Non mais voilà, t'as fait de la. T'es allé en Écosse en tout cas. Oui. Alors, je replace pour ce. C'est que en Écosse j'ai. Pareil, j'ai ramené. Donc Julien a ramené un œuf rebondissant et moi j'ai ramené une cornemuse jouet. Et je savais que ce serait nul, mais j'avais ce truc de genre non, c'est fascinant. Mais des super vacances du coup les gars. Enfin, plein de souvenirs en tout cas. Et j'avais comme espoir que je puisse quand même faire quelques notes un peu. Enfin, je me suis dit bah ça doit être aussi naze entre guillemets qu'une flûte. Enfin, il y a au moins ça quoi. Ça va sonner nul, mais au moins. Et non, c'était vraiment. Aucun son. Ah rien. Aucun. Enfin si, un son. Bah oui mais. Mais voilà. Il y a qui est un peu perforace. Et donc est-ce que j'ai progressé? Non, parce que j'ai vraiment. C'est la seule fois. Donc j'ai fait une. Tu l'as reposé. Ça, j'ai fait une vidéo avec sur Instagram, les rares fois où j'influence un peu mon monde. et du coup, non, je l'ai reposé, c'est en déco chez moi. Et c'est même pas en déco, c'est posé au fond d'un. Voilà, c'est décevant. Mais du coup, le fait que ce soit pourri et le fou rire qu'on a eu en le sortant. Parce que, en fait, je l'ai pas essayé, je l'ai acheté à un endroit et j'ai dit à Julien, non, je l'essaierai, mais dans l'endroit, un truc magnifique où on va aller. Un lock. Ouais, c'est ça. Et on va filmer ce moment, quoi. Donc, on a attendu 2 jours de trouver cet endroit. On s'est arrêté au bord de la route. On a fait, putain, là, il y a un coucher de soleil, c'est ouf, c'est magnifique. Bon, j'ai sorti ce truc, j'ai soufflé dedans et une horreur, évidemment, une horreur. Et donc, le fou rire, ça valait bien les 20 balles que ça m'a coûté. Ouais. J'ai une question pour Lucien Mène. Ah, tout le monde nous confond. On est la même personne. De toute façon. C'est bien vu sur Twitter, il disait le gars tout à l'heure. Le gars. Il dit, ça sert à rien, c'est les mêmes. Ouais, Lucien Mène, qu'en est-il de ta rentrée? Effectivement, est-ce que tu as ta chaîne YouTube, Lucien? Oui. Et est-ce que tu as des projets? Tu es en 3ème B, c'est ça? Il est tard là. Ça commence à 8 mois le quart. Visiblement, on a bientôt fini. Pardon. Alors, ma rentrée, oui, j'ai des projets. Plutôt fiction. Ouais, en fait, un peu des deux. J'ai un projet de mini-série en 3 épisodes pour ma chaîne, et ce sera une fois n'est pas coutume parce que j'ai pas trop l'habitude de faire ce style-là, mais une comédie romantique. Oh. Oh. Oh. Ça va rouler des pelles. Chialé. Avec un une toute petite pointe de surnaturel là-dedans. Ooh. Bon, c'est pas encore produit. Hein. Donc, c'est pas le même haut, tu remarques. Non mais c'est pas encore produit, mais c'est en cours. Donc c'est pas la rentrée genre le 4 septembre. Ce sera plus octobre-novembre, je pense. voir. Oh, bon, j'arrive pas. et je vais faire des sketchs un petit peu plus faciles entre guillemets à produire, puisque je suis tout seul et que j'ai pas de prod, j'ai pas d'argent. Donc, t'es indé. Ouais, je suis un charclose surtout pour l'instant. tu vois, j'aimerais bien appeler mes potes techniciens et dire bon bah je te fais un petit cachet, mais je t'en fais un. Enfin, je peux pas faire ça pour l'instant. Non. Donc j'essaye de le mettre en place avec le CNC notamment et tout ça, mais bon, je me suis fait rejeter ma candidature. moi, j'y suis plus. Hein, moi, t'y es plus du tout. Bah non, bah putain, ça change. Je comptais sur toi. Copine, je fais chier. Copine, j'ai encore me prendre des articles sur Twitter. Alors mais que oui, je mais c'est pour ça que je le dis au micro. Oui, mais moi je le redis aussi parce qu'on m'a traîné dans la boue. Pardon, excusez-moi. Je me suis envolé. Tu es trop ami avec Cyprien, c'est pour ça. Ouais. Non, parce que Golden Moustache a eu une aide et les gens ont cru que j'avais donné une aide à Golden Moustache, sachant que je n'étais soit pas là quand il y a eu Golden Moustache et quand ils ont demandé une aide, et c'est le hasard total, mais le fait est que moi j'étais contre. Voilà. Ah ouais. J'étais pas forcément pour les projets qu'ils proposaient. Je le dis là parce que. Comme ça, j'essaie ta conscience est pour non, toi. Non, surtout je communique aux gens qui écoutent vraiment, parce que c'est toujours mieux qu'un réseau social, de le dire à des auditeurs qui écoutent une émission. Voilà. Oui, t'as bien raison. C'est toujours mieux. T'as bien raison. Donc voilà, voilà ma rentrée, ce sera. Je vais faire revenir quelques personnages. Je fais beaucoup de. Ouais, ouais. Je laisse traîner les voyelles. Notamment le Fabrice, père Fouras, notamment. Non, Fabrice, le mec qui vapote, qui fait une séance photo avec Johan Cuny. J'aime bien. Ça s'appelle la séance photo, le sketch, tout simplement. Et c'est un photographe très énervant qui vapote. Et donc lui reviendra. Eh bien, écoute, parfait. Un peu une question pour tout le monde. Quelles sont les propositions de rôles les plus insensées qu'on vous ait fait, que ce soit le pitch, Renault, le contexte ou le Barack Obama. C'est faux. Bien sûr. Oui, toi, c'est Renault du coup. C'est la seule proposition de rôle et c'était Renault. moi, bah fauve, hein, c'est un peu fou quand même. Enfin, on t'a proposé de jouer. Bah oui, dans. Ah non, dans le sketch show. Je suis là, dans le sketch show. Ah ouais. Oui, mais c'est drôle. Ouais. Et après, j'ai fait Sébastien Patoche aussi, quand même. Enfin, ouais, la caricature de Patrick Sébastien de Cartman. Cartman qui me followait. On a sorti le sketch, il ne me followait plus. Je sais oh pas non, si. Non, mais je sais pas si c'est un rapport. Non, en vrai, je sais pas si. Soyez pas déçus, c'est pas non plus dramatique. Hein. Écoute, j'ai reçu un mail, il écoute l'émission. C'est fou, j'aime pas trop. Non, je connais pas. Roxane, peut-être? Bah moi dans un sketch show de Halloween là j'ai fait Vera dans Scooby-Doo. Ah oui c'est et vrai. Et en fait moi je pensais que j'allais jouer Daphné. Ah, merde. Je suis hyper vexée genre ah ouais. Okay. Ah mais c'est. Bon je vais le faire très bien. C'est moi avec les grosses lunettes là. Ok. Moi je me voyais. Oui c'était Trader Cameraman versus Scooby-Doo c'était ça. Oui c'est ça. Putain. Il était incroyable ce sketch. Ah ouais. Surtout, vraiment ouais. Beaucoup de bons gags. Ah, c'est mon drame que de sketch show, il y a qu'un seul sketch qui soit sorti sur YouTube, alors qu'il y en a 5 autres qui sont. Bah voilà. Non, il y a aussi le truc avec pas de réseau là. Bah, c'est le seul. Et Trader Cameraman de Scooby-Doo. Non, il est pas sur YouTube. Ah, il est sur YouTube. Ah, il est sur YouTube. Sur la chaîne de Batagel. Pour moi, pardon. Ouais, moi je l'ai vu sur YouTube. D'accord, ok, pardon, excusez-moi. Mais sinon, pardon. Tu passes des castings tout le temps pour des trucs où t'as pas du tout le profil. Enfin, en tout cas, moi ça m'est arrivé souvent de me pointer à des castings et me dire, mais pourquoi il m'appelle? Ah ouais? Genre, t'as 15 ans, on t'appelle pour jouer une meuf qui revient du djihad et tout. Et t'es dit, mais j'ai pas du tout le profil. Parce que toi, tu fais ce métier depuis très longtemps. Ouais. Depuis combien de temps à peu près, si c'est pas indiscret? 18 ans. Depuis que j'ai 16 ans. D'accord. Et donc 24 ans. Excusez-moi. Exactement. Vous êtes le roi des maths. Je suis. Je vous apporte votre petite couronne. Parce oui, le gars, qui dit le compte est bon, c'est moi. Ouh, bah voilà. Vous êtes un ami du Père Fouras quelque part, un petit peu. Oui. C'est moi qui fais. Je suis son cousin. Mais non. Trop de persos. Hein. On est perdu. J'ai reçu un message d'ailleurs, je sais pas si c'est. Du Père Fouras. Non, d'un auditeur qui disait. J'ai besoin de savoir, car elle lui ressemblait, est-ce que Roxane a joué dans une pub pour Nintendo quand elle était jeune? Non, pas du tout. Pas du tout. C'était sa cousine québécoise. Rien à voir du coup. Mais pas du pas tout, du non. Pas du tout. Ok, bah tu vois, voilà, ils ont confondu avec Robin Williams, visiblement. Moi, j'ai... ouais, dans Caprice de Dieu, c'est moi, par contre. Ouais, moi aussi. C'est vrai. Bah c'est vrai. Écoute, on fait pour tout te raconter, je me suis retrouvé sans le savoir et sans le vouloir, effigie pendant quelques temps. C'est pour moi, hein, à titre personnel, le meilleur gag de Golden Moustache. En gros, c'est quand j'ai revu Valentin que à la télé. J'étais, donc déjà, c'était une pub pour le web, ça a été diffusé à la télé. Ouais, mais ils nous ont payé pour ça. Ouais, bah, enfin, vous ont payé, puisque moi, la mienne n'a pas été diffusée à la télé. Ça m'aurait bien dépanné, c'était au moment de Noël. Bon, bref. Et puis c'est venu d'eux-mêmes, quoi, c'est ça qui est fou. Et non, et surtout. S'il vous plaît, ça, on est pas loin du bip là, calme-toi. Oh, arrête, Golden, c'est réglo. Oui, c'est réglo. J'ai pas dit ça, j'ai dit que. Mais non, et le truc par contre, mais là c'est de ma faute, c'est vraiment de ma faute, c'est que je signais pour 3 ans et je ne savais pas. Et du coup, tous les ans, on m'avait dit « Oh, c'est une dizaine de jours à la télé. » Je fais « Ah, d'accord. » Et en fait, c'était, ça a été diffusé 3 ans de suite à la période de la Saint-Valentin. Oui, c'était une pub de la Saint-Valentin. Et sur le site internet capricesdedieu.com, c'était ma gueule, mais vraiment juste ma gueule en gros plan, pendant tout le mois de février. En gros. Mais t'as gagné beaucoup d'argent pour ça. Mais rien, évidemment. Enfin, un peu d'argent, mais par rapport mais à. J'ai touché l'argent pour avoir fait juste tourner une petite pub, mais par rapport à la couverture, le fait d'être sur le site, machin. Bah, tout. D'être l'équivalent de Kate Moss, mais pour du fromage. Bon, c'est après, cool. En vrai, je pense que ça doit pas valoir bien cher d'être sur la homepage de capricesdedieu.com. T'es pas non plus Rodolphe de Free, quoi. Non, non. En termes d'affiche. Tu vois. Non, mais c'est vrai. De Free, non, le mec, il a brisé ses rêves, ce pauvre gars. Non, en vrai, ce pauvre mec qui est acteur et qui voulait faire d'autres choses. Moi, ça me fait rire parce qu'évidemment, personne n'a vu. Enfin, les rares personnes qui sont allées pendant le mois de février sur capricesdedieu.com déjà et c'était pas non plus une photo honteuse, c'était juste c'était moi en photo et t'étais beau dans cette pub. Est-ce que c'était celle où tu disais allez les enfants, allez jouer dehors, moi je veux manger du fromage? Non, ça, mais j'ai jamais fait ça. Elle a totalement inventé absolument une publicité capricesdedieu. Mais on va te donner de l'argent pour ça. Qu'est-ce que j'ai vu? Alors, c'est une question pour moi, je me permets. Bah, on m'a demandé ce que je foutais. Tu veux qu'on te la lise? Non, avec non, la voix du perforin. Oh, oui. On m'a demandé ce que je foutais avec Orelsan sur scène à Landerneau. Alors, oui, c'est vrai, parce que j'étais avec Orelsan sur scène à Landerneau. Bah écoutez, en fait, pour ceux qui le savent pas, bon, je pense que vous écoutez, vous le savez, mais j'ai coécrit Bloqué avec Orelsan. Okay. Il y avait aussi Gringe, Clément Cotentin, Kian Kojandi et Bruno Muschio. Alias Navo, et c'était une expérience incroyable, et on a gardé contact avec tous les gens de l'équipe. Et du coup, des fois avec Aurel, on s'envoie des textos, et là cet été en fait il faisait des vidéos avec des copains qu'il invitait sur sa tournée, et pour filmer des petites conneries quoi. Donc il y a eu Tom and Gijol qui est sorti, il y en a d'autres de prévues, dont une avec moi. Et en fait c'était complètement à l'arrache, je me dis non mais on trouvera, et on a trouvé un truc, mais ça a été un pur fiasco. En fait on voulait faire comme Jack Black dans Tenacious D, il prend un jouet et il fait de la musique avec un jouet et tout le monde le suit. Ah, le saxophone. C'est ça, le saxophone. Et nous on a trouvé une guitare à Jouer Club, et en fait je filme tout ça, donc on va au Jouer Club avec Aurel. D'abord on va à Jiffy, on trouve rien, donc on va à Jouer Club et tout. Est-ce qu'il dit ah ouais c'est marrant? Alors ça faut tout arrêter d'imiter. Mais non, non, parce que tout le monde l'imite comme ça, c'est justement fou. Mais ça c'est le nouveau. Apparemment il dit ça tout le temps et dans toutes les phrases. Et apparemment tout le monde sait imiter Orelsan. Moi j'ai pas essayé. Non, je sais. Non mais c'est comme Gollum. À une époque tout le monde imitait Gollum. Bonjour c'est Orelsan. J'aurais expliqué que tu dises bonjour c'est Gollum. Avec cette voix là. La vanne était la même. Pardon. Non mais bon bref. Et en fait on jouait genre moi et mon groupe Orelsan. Orelsan jouait après Prophet of Rage, qui était le groupe du Rage, en fait c'est Rage Against the Machine avec Cypress Hill et Public Enemy. Et donc l'idée c'était que moi j'arrivais dans une espèce de déguisement pseudo Tom Morello avec une guitare jouet, ouais. Et je faisais un petit beat avec la guitare et ça partait. Moi je voulais faire basique simple les premières notes, genre tu tu tu tu tu tu avec le jouet. Et voilà, sauf qu'en fait le jouet ne faisait pas du tout ces notes là et faisait complètement autre chose. Donc on n'a jamais réussi à le faire, on a essayé d'inventer une chanson, on n'a pas réussi. Donc bref, c'était un peu un fiasco. Du coup c'est juste un live report qu'on va faire, mais qui est assez rigolo quand même, parce que Aurel est quelqu'un d'extrêmement marrant. Et voilà. Attends, est-ce qu'il est marrant avec une voix c'est marrant. Voilà, c'est marrant. Ouais. Et du coup on a filmé, et surtout j'ai pu filmer du coup sur scène, et ça c'est assez fou parce que Aurel c'est vraiment une bête de scène. Et c'est génial parce que tu vois vraiment 5 minutes avant déconner, monter sur scène, et d'un coup il enflamme, je sais pas combien de milliers de personnes il y avait à Landerneau, mais c'était assez ouf quoi. Toute la Bretagne. Des Bretons un peu coquins d'ailleurs, hein, parce qu'il a quand même arrêté de au moment de son concert pour empêcher une baston, parce que des gens se battaient dans le public. Carrément. Bah, il est passé à minuit. J'ai jamais dit que c'était pas des cons, les Bretons. Non, mais disons qu'il est passé à minuit. Tout le monde était bourré. De Landerneau, passé 22h, passé 16h même, c'est vraiment. Ils sont un peu bourrés. Donc voilà, c'était trop bien. Et puis j'ai vécu pendant 48 heures la vie de groupe. De tournée. J'étais dans un grand bus. Dans le bus tour, dans le tourbus. J'étais dans le backliner. J'ai dormi dans une couchette et tout. J'étais comme un ouf, quoi. Donc trop c'était bien. Une trop bonne expérience. Et puis voilà, lui, c'est un ange. Donc c'était chambé. Et il y a de très belles images. Je suis trop content parce que j'étais sur scène. C'est super de pouvoir filmer un chanteur et d'avoir beaucoup, des milliers de personnes devant toi. C'est trop bien de faire des belles images comme ça. Ça m'avait manqué. Donc j'ai trop kiffé. Donc voilà, je sais pas quand est-ce que ce sera monté, parce que c'est moi qui dois le monter. Et à la manière de Faflarage, j'ai pas le temps, mon esprit mis ailleurs. Donc du coup, je sais pas quand ça sortira, mais ça sortira, j'espère, très vite. J'ai vu Comment c'est loin avant-hier. C'est bien. C'est bien. Hein. Comment c'est bien. Oh. Bah vous êtes journaliste de Télérama en plus du Roi des Maths. Non, là c'est plus Libération, tu sais les titres jeux de mots. Là. Comment c'est bien. Non, franchement c'est cool. Hein. Lucien, j'ai une question pour toi. Je sais que Lucien Mène aime bien les jeux de rôle. Que dirais-tu à des gens qui n'en ont jamais joué pour leur donner envie, en quelques mots? Qu'est-ce que je pourrais leur dire? Lancez-vous avec des amis que vous aimez bien fréquenter, testez et vraiment chacun y va à son rythme, mais en fait tout le monde peut s'amuser en faisant du jeu de rôle à partir du moment où t'as envie de... Bah, tu te fous de sa gueule. Qu'est-ce qui se passe, Roxane? Il y a un jugement. Sauf Roxane, pas. Il y a vraiment un jugement. Non, parce attends, tu fait, parles du truc de Mongolien où on jette des dés là. En fait, j'avais pas entendu la question. Et alors, je savais pas de quoi tu parlais. Et on aurait dit que tu bah, bref, tu parlais d'autre chose. Et donc, mais donc, attends, jeu de rôle un peu, genre, on se déguise et on dit. Et je suis l'infirmier. Non, je savais pas de quoi tu parlais. Pardon. D'accord. Mais par défaut, tu as décidé de te moquer. Ça, c'est cool. C'est vraiment cool. Et bah, du coup, 5 minutes de bruit de bouche maintenant. Voilà. Non, non, on déconne. Elle a vraiment elle a littéralement enlevé le casque en une seconde. Elle a vraiment cru qu'on était des enflures. Non, mais je sais pas quoi dire pour motiver les gens à faire du jeu de rôle. C'est, si ça vous intéresse, allez dans une boutique pas loin. Le jeu de rôle, tu vois ce que c'est ou pas? Donjons et Dragons, par exemple. Elle est ken de rire. Elle se surfout de ma gueule. Mais maintenant, tiens, je l'assume, donc c'est, ça va mieux. Pourquoi c'est pas ça du tout en plus. Qu'est-ce qui te fait rire? Je sais pas. Là. D'accord. Il est 7h là. Il est déjà 7h là. Ouais. Juste une consonance il un peu 80, marrant. Il fait 90 degrés. C'est ça. Hein. Je sais pas. Donc oui, jetez des dés, soyez contents. On a fait une. Non, vraiment, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, je sais pas. Moi, ça me fait rire de l'avoir rire. Pourquoi? Je sais pas. Pardon. On a fait une vidéo. On a fait une vidéo, effectivement, Valentin, avec Pi. Un mec qui s'appelle Olivier Tales of Pi. Sur c'est pas son vrai nom, foutez pas de ma gueule. Non, c'est vrai, voilà. Il est bah, passionné c'est de internet. Aussi. C'est ça. C'est internet, donc okay. les avec un pseudo. Les gens ont des pseudos. Ouais, c'est vrai. Et on avait fait un jeu de rôle Power Rangers. Power Rangers. Donc c'est drôle, c'est jeu de rôle. Drôle. C'est jeu de rôle qui te fait marrer. Parce qu'à chaque fois que je prononce jeu de rôle, elle rigole. Jeu de rôle, si je dis le E, ça va? Pardon, non, mais je sais pas. Elle est au bout du rouleau. Ouais, elle a les larmes aux yeux. Elle vient se dire, on a parlé de merde pendant 2h30, il a fait le perforas. Qu'est-ce qui se passe dans cette émission? Pardon. Non, mais t'inquiète pas. Donc les Tortues Ninja. Non, les Power Rangers. Les Power Rangers. En fait, j'ai l'impression que vraiment t'es une prof de biolo dans le corps d'une jeune femme, mais qui nous juge de ouf. Quoi, de... Et donc vous jouez, oui, vous faites des jeux, oui. Mmh. Pardon. Et vous vous amusez de bien. Ça va les puceaux. Ouais. Alors on n'a jamais vu un nichon. On fait ses premières cartes de France. Ouais. Voilà. Vous êtes adorables. Vous me faites vraiment, vraiment. On beaucoup bande mal. Le matin. On ah bande oui. dans le lent. C'est on a bien, le bien dans le caleçon. On s'est lavé ses slips tout seul. Bah non, mais parce non, que non. moi, dans ma tête, c'est très long un jeu de rôle. C'est pour ça que j'ai jamais c'est lancé. Très long. Ouais, oui, oui. Ça a l'air chiant comme la pluie des fois. Allez. De l'extérieur. Ça peut aussi. Ouais. C'est, parfois, la mayonnaise ne prend pas. Est-ce ouais, que c'est marrant? Ok. J'essaye de me calmer. D'accord. Non, non, mais parfois ça échoue, mais c'est comme n'importe quel. Tu vas au bowling et parfois bah, c'est chiant. C'est vrai. C'est souvent chiant d'ailleurs le bowling. Le bowling. Ça oh, arrête, j'ai vu tes stories avec Fishback et tout. Vous êtes fendu la gueule. C'est vrai, mais on était sous. Ouais, mais c'est pas la condition à s'amuser. Hein. Ça rend le bowling peut-être plus. D'accord. Non, bon, t'inquiète pas. Non, pas t'inquiète pas. Non, tout va bien. Et bientôt, je devrais lancer une chaîne Twitch de. Oh bah l'annonce d'Actual là. Play. Bah Roxane, première abonnée, je crois. Bah ouais. Ah bah oui, elle adore. C'est sûr. Tu seras invitée, tu seras la première invitée. Mais non, mais en réalité, je me moquais pas du tout de toi. Est-ce que tu as compris ce que tu faisais là? En fait, non. Mes nerfs ont lâché là, parce que ça fait 2 heures qu'on enregistre. Oui, non, mais c'est vrai. Moi, c'est j'ai vrai. Un j'en système nerveux très. Bien sûr. Voilà. D'accord. Okay. Il y a pas de galère. Mais moi, je l'ai senti. C'est pour ça que j'étais pas. Je sentais que c'était juste les nerfs. Non, on a bientôt terminé, Roxane. J'ai que quelques questions pour toi. Roxane, par exemple, tu as commencé sur le cinéma et la télé avant d'aller sur YouTube. Oui. Est-ce que tu y as vu une certaine liberté comme les gens la fantasment ou en vrai c'est quand même plus ou moins le même métier Ah non, bah non, c'est pas. Maintenant ça devient un peu la même chose puisqu'avec Le Monde à l'envers et Les Parasites, on a des moyens et là on fait une série pour Canal+ avec Les Parasites d'ailleurs. On aura l'occasion d'y revenir vite fait à la fin ah ou oui de la promotion. Ah oui. On va faire un petit coup. Ah oui. Tu disais que t'avais aucune promo à l'enregistrement, il y a ça quand même. Ah oui, c'est vrai. Et alors, et en fait, quoi? Oui. Est-ce que. Oui. Du coup, j'ai la bouche pleine, j'ose pas te reparler. C'est, est-ce que c'est les mêmes conditions entre le cinéma? Ah non, c'est pas du tout les mêmes le... conditions. Ouais. Et avec Les Parasites, on a commencé par faire des 48 heures. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Oui, et, ouais, c'est vrai. Et en fait, c'est comme ça qu'on a. Moi, je le dis aux gens juste, c'est du coup, tu as voilà un thème et tu as 48 heures pour faire un court-métrage. Voilà. Et donc, on a commencé comme ça à l'arrache, à 5-6 à partir en voiture, à faire le tour de France. En 48 heures en non, pour les festivals, pour présenter pour les faire, courts-métrages. Pour faire participer à tous les 48 heures de France. Ah, pardon. On s'est fait un gros délire. La première année, on est devenus copains, on a trouvé ça tellement cool. Et après, on les a mis sur YouTube pour se les envoyer entre nous. Et après, c'est devenu une chaîne YouTube. Mmh. Attends, voilà. Attends. Moi, j'ai une question à cette période-là. Ouais. Vous êtes tous restés copains ? Parce que si vous avez vécu genre un peu en vase clos comme ça pendant une longue période, il y a forcément des gens où... sur quoi tu parles. Non mais il y a eu des embrouilles, c'est ce que ça je veux dire. C'est pas il y a des gens vous les détestez, c'est il y a eu des moments où vous êtes embrouillés, c'est sûr. C'est quand même une famille, tu vois. Ouais voilà. Oui, ça, donc okay, t'as répondu. Il y a des moments les cousins t'as un peu envie de leur latter la gueule. Tu vois. Si en fait à la fin tu te retrouves et tu te rends compte que tu t'aimes ben tous ouais. ensemble. Aussi. Oui, ça, mais évidemment. Les cendres de ton pote. Enfin pour moi c'est la fin des petits mouchoirs. Ah oui. Ils sont en train d'expliquer. Et tu reviens dans le visage quand il y a un peu de vent. D'accord, mais donc est-ce que ça te propose une, est-ce que ça a une, t'as une liberté sur le nombre de prises ou sur les conditions est-ce que sur le nombre de prises, non, parce qu'avec justement les 48 heures ouais. et avec les Parasites, on a tendance à tourner ultra rapidement et du coup à faire une ou deux prises, paf paf. Bon, on attend que ça soit bon, mais oui, oui, non, mais bien sûr, on bosse très vite et du coup, je pense que en télé, je suis plutôt efficace puisque ça a été une bonne école aussi de faire des 48 heures. Oui, t'as pas besoin de 17 prises pour te chauffer, quoi. Ouais, voilà. Une question pour les réalisateurs et un peu pour tu réalises d'ailleurs Roxane ou pas du tout Moi j'ai réalisé des petits docus, j'avais envie de monter une chaîne qui s'appelle Superbe Zéroïne que j'avais lancée mais que j'ai pas des masses continuées dernièrement, mais oui. D'accord. Je fais des petits docus sur des femmes géniales. D'accord, j'en mets. Dont Pauline Clément des Yes Vous Aime. Ah mais bien sûr. Si mais... vous voulez en savoir plus sur elle, elle est tellement chambée. Et ma grand-mère, accessoirement aussi. Ah, mais attends, mais tu parles. C'est pas une interview où vous parlez de la dyslexie et tout ça ? Ouais, c'est ça. Ah, mais j'ai vu ça. Des extraits de ça. Ah, tu bah c'est ça. Tu l'as diffusé déjà ? Ouais, ouais, ouais. Ah, oui, bah la chaîne existe, c'est ah, Superbe Zéro. Bah, pas aller voir. C'est effectivement très cool. Bah écoute, en tout cas, Pauline, on compte l'inviter un jour dans l'émission. On aimerait bien qu'elle vienne à l'occasion. Elle est trop cool. Je la connais pas du tout, moi, tu sais. Je suis. Tu vas l'adorer. Mais j'en suis sûr. Non, mais en fait, il y a ce truc où je me rends compte que ça y est. Alors, je vais pas faire le vieux con, mais. Il y a des petits nouveaux. Ouais, il y a une nouvelle génération, en fait. C'est vraiment vrai, quoi. C'est, alors que Pauline, elle est plus âgée que moi, je crois. Mais, ou elle a mon âge. Ouais, t'as quel âge ? J'ai 28. Non, elle a mon âge, elle est plus jeune. Tout petit peu plus jeune. Tout petit peu plus jeune, mais tu vois, non, en gros, on est la même génération. Non, mais même Yes, ça fait quelques années que ça existe. C'est vrai. Non, mais c'est vrai qu'ils explosent maintenant, tu vois. C'est oui, ça que je veux dire, ouais, c'est oui. que. C'est que. Mine de rien, il y a ce truc où vraiment, en à peine deux ans, d'un coup, c'est vrai que tout le YouTube change très vite, quoi. Donc, c'est pour ça, moi, je. Mais, et ce qui est fou, c'est que je trouve que là. On entend. C'est là où je suis moins un vieux con, c'est que je trouve qu'il y a de la qualité toujours au rendez-vous, tu vois. Que ce d'accord. soit Parasite, Monde à l'envers ou Yes, vous aime, je trouve ça, tout ça chambé, quoi. Donc, c'est. Trop bien. Après, il y a des de... trucs tout pourris aussi. Aussi, hein, mais comme il y avait des trucs tout pourris à notre époque, ouais, et voilà. parfois même des choses qu'on a pu faire. Alors, donc, ouais, la question au réalisateur, et donc aussi à toi, mais c'est plus pour de la direction d'acteur, en fait, c'est pour ça, mais du aïe. Coup, tu vas pouvoir répondre de l'autre côté. Aïe, aïe, aïe. Quand vous réalisez, comment vous travaillez avec les comédiens pour que vous dirigez ? Est-ce que vous les laissez faire à 100%, même si tu n'imaginais pas ce style de jeu dans ta tête ? En fait, j'ai transformé en vous une question qui était à moi, mais qui marche avec tout le monde. Ou est-ce que vous êtes très précis sur ce que vous voulez ? Alors, je me permets de répondre, c'est que moi, à titre personnel, ça dépend vraiment des moments. Le bon côté de Golden Moustache ou des trucs comme ça, c'est qu'on pouvait répéter en amont et qu'il y a quand même, tu pouvais quand même, tu trouvais pas tout sur le tournage. Enfin, en tout cas, moi, je sais qu'on faisait des lectures d'auteurs et trucs, donc en fait, au fil du temps, tu trouvais, vu que les gens écrivaient, jouaient, réalisaient, tu trouvais un petit peu les styles, les trucs. Moi, je laisse beaucoup de place à l'impro, c'est vrai que j'aime beaucoup, mais j'adore improviser avec les comédiens. C'est-à-dire que moi, je suis un peu de la team. Qui gueule pendant les prises, qui peut dire genre ah ouais ou tu fais la prise et après je vais venir, fais quand t'as dit ça c'est trop marrant, refais-le. Et même des fois je dis refais ça, dis ça, tu vois, ça j'aime bien faire ça. Y a des acteurs qui détestent complètement et quand tu aimes bien c'est assez rigolo parce que du coup là j'ai vraiment l'impression de m'amuser avec les comédiens et on trouve ensemble des trucs et c'est assez cool. Je sais que Simon Astier il adore ça par exemple, et sur ouais. Flashback Museum on faisait que ça, c'est-à-dire qu'il faisait des impros que j'adorais et je le suivais en impro en disant putain tu pourrais dire ça aussi. Et ça, par exemple, c'était génial, quoi. Moi, je suis pas. Il y a certaines musicalités où je suis vraiment très relou. Où je dis non, là, faut vraiment que ça sonne comme ça. Ou alors certaines émotions, où je dis non, là, faut vraiment que ce soit comme ça. Mais je vois toujours les dialogues comme un. Il y a des blagues qui sonnent d'une certaine manière, mais en règle générale, c'est plus un tracé. Et j'aime bien que les comédiens le reprennent quand même un peu à leur sauce dans ce qu'ils imaginent du personnage et tout, parce que c'est eux qui les incarnent et donc c'est eux les véhicules premiers. En fait, je suis pas. Je pense que le scénariste, certains disent que c'est eux qui créent les personnages, mais en fait pour moi en vrai de vrai ça reste le comédien que les gens vont voir, entendre et ressentir. Donc en fait, c'est lui qui tu vas dans son sens, quoi, pour moi. Si les Américains, par exemple, il est souvent dit qu'ils dirigent très peu, c'est parce qu'en fait, le travail se fait beaucoup en amont. Et quand ils te choisissent dans un film, bah, ils partent du principe qu'ils n'ont même pas à te diriger, puisqu'ils viennent de te prendre pour un film. Et c'est une, je trouve que c'est une mécanique qui marche vraiment bien, tu vois. C'est vrai qu'en France, parfois sur des tournages, j'ai dit, ouais, tu crois pas, pendant le tournage, je dis, est-ce que tu crois pas qu'il ferait plus ça le personnage et tout, et c'est vrai que tu peux perdre vite du temps comme ça, quoi. Mais je parle pour moi, je veux pas parler pour vous, peut-être que vous avez des sensations. Moi je pense, je veux pas répéter, je suis d'accord avec tout ce que tu dis, mon cher Florent. Non, mais non, mais ça dépend, il y a aussi, comme on écrit, on réalise, ça dépend aussi. Je sais que si je réalise quelque chose que j'ai écrit, c'est différent parce que je vais avoir, comme tu disais, une certaine musicalité dans les dialogues. En plus, j'aime bien la façon dont. J'aime bien faire dialoguer les personnages. Ça dépend aussi si le comédien tu l'as eu en tête et du coup ça correspond bien à ce que tu avais, etc. Ouais, il y a un peu un entre-deux de situation, quoi. C'est que je peux parfois être pointilleux quand j'ai vraiment. C'est plus une phase. C'est plus notamment sur de la. Enfin, sur de la comédie, mais ça peut marcher sur le drame, mais oui, sur des ruptures à certains moments ou des. Ou une façon de dire une phrase où c'est l'inflexion. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça marche si elle est dite comme ça et pas autrement. Enfin, quand j'ai cette impression là, où là je peux être un peu plus genre non, plus mais déjà des fois c'est pas le comédien la voit pas du tout comme ça et tu sens bien aussi que tu vas pas, ça sert à rien d'imposer un rythme ou de la dire à sa place. C'est, je pense que c'est le pire truc de faire. Non, dis-le comme je te le dis là parce que sinon ouais. C'est un vrai truc de comédien, souvent c'est qu'il déteste que le réalisateur joue j'avais du mal parce qu'au tout début quand j'ai commencé à réaliser, j'avais vraiment genre la réplique en tête et je disais non, c'est, tu vois, je voulais que, donc ça je me suis vraiment détendu là-dessus et quand on commence, quand tu commences la réal, t'es obligé un peu, je pense. Et au contraire, maintenant j'ai déjà j'aime beaucoup répéter. Moi je répète beaucoup avant de tourner pour justement trouver le truc, me dire ah ok, il le joue comme ça, quitte à réécrire, à me dire bah du coup si c'est comme ça que tu la joues, on va réécrire pour que ça, que qu'on garde le sens que comme j'avais Scorsese, en tête. Mon pote. Non mais c'est vrai, c'est ça. Non mais et du coup et c'était l'avantage sur Anthony Ente aussi. Je reparle des emmerdeurs, mais c'était l'avantage, c'est qu'on était deux réalisateurs et que du coup Morgan Dalibert s'occupait plus de l'aspect technique, parlait aux techniciens, mettait en place la prise, le plan, et que moi je répétais avec les comédiens. Et c'était du coup l'avantage qu'on avait, c'est que quand on arrivait et qu'on tournait, on avait j'avais pu voir avec les comédiens, est-ce que cette réplique vous arrivez à la, enfin vous l'avez bien, vous arrivez à la dire, ou est-ce qu'il faut la changer, est-ce que ça vous correspond. Après il y a aussi les textes que j'ai pas du tout écrits, que juste en tant que réalisateur, donc j'essaie de me les approprier, de comprendre ce qu'a voulu dire l'auteur, de la quelle manière il a voulu les faire. Au final, sache qu'il ne sera pas content. C'est quand même le principe d'être auteur. Et du coup, en gros, pour répondre plus, j'aime bien répéter avant pour que quand on tourne, je sois sûr que on tourne, tout le monde est d'accord, que le comédien est d'accord avec ce qu'il est en train de faire et que je suis aussi d'accord. Et puis ça dépend les acteurs aussi que tu vas chercher. Enfin, c'est vrai que par exemple, moi, quand je vais chercher Simon Astier ou Jonathan Cohen, tu viens chercher un peu des improvisateurs aussi. Ouais. Alors que quand je prends par exemple Justine, tu vois, Justine, en fait, j'ai l'impression qu'elle réinvente les dialogues à chaque fois parce qu'elle les joue pas exactement comme j'ai en tête, mais c'est au mot près. Et ça dépend ce que tu vas chercher chez les acteurs, en fait, tu vois. Ça c'est vraiment cool. Et toi, Roxane, toi, tu as tendance à improviser ou pas trop Moi, ce que, bien quand ce que tu dis, c'est marrant, mais moi, c'est plutôt je m'adapte en fonction du réel. S'il veut de l'impro, on fait de l'impro, et s'il veut du texte par cœur, on fait du texte par cœur. Non, mais j'aime bien, moi, j'aime bien justement. Que ça soit jamais la même chose, ce boulot, et que en fonction des équipes ça change, et même des scènes, enfin parfois et des scènes super, et des trucs parce que toi en plus t'as joué un truc super dur, je regardais un peu, alors j'ai fait des recherches qui se limitent à Wikipédia t'as joué l'écume des jours par exemple, ouais, au théâtre. Ça serait quand même un sacré boulot pour le coup t'es un peu obligé de faire du mot près, quoi. Ouais, c'était chouette. Tu faisais quel personnage? Alors en fait on était trois sur scène et on jouait tous les personnages et on sortait jamais de scène. D'accord. Et on jouait aussi de la musique en même temps. Putain. C'était vraiment sympathique. L'accent québécois qui revient. Et je suis désolée, j'espère que ne vexez aucun québécois. Non, et t'inquiète. Je vous aime juste fort. En plus, c'est un accent québécois de français. Oui, voilà, clairement. C'est ça, ça va, c'est pas méchant. Je crois. Oui. Et toi, Lucien? Tout ce que vous avez dit. x4. Mais en pourpre. Non, ah, j'avais pensé à un truc à ajouter, mais je crois que j'ai oublié. Je pars en crooner. Chanteur de jazz. Je suis chanteur de jazz. Non, je sais plus ce que je voulais dire. Non, continue, continue, s'il te plaît. Je fais l'amour avec ma voix. Un peu doré, un peu Julien Doré, ouais, je l'avais aussi. Ma voix, Lolita. Ah putain, moi je fais super bien Cœur de Pirate, on pourrait faire la chanson. Un duo. Okay. Bah, pardon, mais vas-y, je t'en supplie. Ah, je sais pas si je vais réussir. Fais Cœur de Pirate, je peux pas t'accompagner parce que je connais pas leur chanson. Ah, tu vois comme tout se mêle, mais du cœur à tes lèvres, je deviens un casse-tête. Ton rire me crie de te lâcher avant de perdre prise et t'abandonner. Tu l'as fait très très bien. Ouais, bravo. Oh, oh, c'est génial. Attends, il y avait un truc que tu faisais en story aussi, une imitation qui était assez incroyable, je sais plus. C'était Angèle, mais je vais pas y arriver. Angèle, laissez-moi tranquille. C'était sur une phrase où tu l'as géré de ouf. Ouais, ouais. Bon, bref. Cœur de Pirate. Mais Cœur de Pirate, bravo quoi. Qui s'est retrouvé à mon anniversaire. Mais non. Ah oui, c'est vrai. J'ai pas su pourquoi. Ouais. C'est drôle. Bah, ouais. Je crois qu'elle accompagnait quelqu'un. Elle accompagnait, mais du coup, c'était assez rigolo. Mais j'étais trop content. Cœur de Pirate, t'as donné. Et pas toi, Valentin. Comme quoi, tu vois, je reconnais mes vrais amis. Grosse merde. Dernière question je d'ailleurs pour toi. La cornemuse en ce moment. C'est vrai. Je peux pas tout faire. Dernière question Valentin, puisque quand même on a un petit peu parlé dans cette émission, donc j'ai envie de finir là-dessus. Un vrai auditeur qui écoute l'émission depuis le début et qui a écouté la première émission dans laquelle tu es venu a dit que tu avais une bonne anecdote de caca, mais tu étais trop timide pour la partager. Est-ce qu'avec les années, tu te sens de la dire ou est-ce que tu l'as parfaitement oublié? Alors, je sais pas. Soit il parle de ce qui s'est passé à Avignon et je l'ai raconté plein de fois. Notamment. Pas ici, je crois. Non, mais ça va être très rapide. C'est que. Non, prends ton temps. Mais ça vous est. Comme dans les films. J'étais donc au Frames. Je pense que c'est ça. Ouais. Parce que je vois pas. Mais ça me fait bizarre. Bah attends, mais non, ça, c'était pas. Bah non, puisque c'était première saison de podcast, c'était avant le Frames. Bah alors, je ne sais pas de quoi il parle. Mais parle de celle-là. Mais non, mais j'ai failli me chier dessus avec. Est-ce que, c'est court comme anecdote. C'est très court. Non, mais, mais en gros, j'étais au Frames Festival à Avignon. J'accompagnais Julien et Raphaël des cracks. On était, bon, je les accompagnais. Ils allaient faire un truc, je sais plus ce qu'ils avaient, une conférence, un machin. Ils allaient refaire sur les 400 mois. Ah, c'est mon moment préféré. Et ils allaient improviser une conférence. Ça sera bipé. Et donc j'étais avec eux et d'un coup, comme dans les films, le truc de genre le ventre, ah, le nœud au ventre, mais même le bruit de grrr, je pensais que c'était que dans les films que c'est ça existait. C'est de la peur. Ah non, ça, pour existe, moi hein. Et vraiment ça m'était jamais arrivé. Et cette sensation de genre bah là, il faut que absolument que je vais exploser, ouais, c'est ça. Littéralement. Donc je leur ai fait genre je vous rejoins, un truc un peu comme ça. En jouant comme un sitcom des années 80. Ouais, j'allais dire comme Antoine de Caunes quand il fait des persos à nulle part ailleurs. Eh hey, Pine d'huître, tu viens, on va faire un feu. Et j'ai couru dans Avignon en me disant ok, il y a des toilettes au Pandora, qui est un des cinémas et où on connaît, c'est ceux qui organisent le Frames. Avec Gilles. Avec, voilà, et je me suis dit je vais courir là-bas. Mais dans le doute, si je trouve un café d'ouvert avant, ça vaut mieux. Et donc j'ai fait un détour. Ça vaut mieux. Ce qui était une erreur de faire un détour. Parce qu'il n'y en avait pas d'ouvert. Parce que dans les virages, c'est plus dur de. Alors j'avais deux peurs. C'est que je suis pas très. Déjà les chauves-souris. Non, mais je suis pas. On me reconnaît pas trop, mais au Frames un petit peu, parce que les gens étaient là pour ça, quoi. Il t'appelait Lucien, non? Ouais, c'est ça. Donc que quelqu'un me fasse Lucien et que je sursaute. Quand il chie dessus, il fait non, mais je suis Lucien Ben. Oui. C'est Lucien qui chie dans la rue. C'est pas moi. Et j'avais cette peur-là qu'on m'arrête à ce moment-là. Et surtout, j'ai eu ce vrai truc de genre, mais quand t'es malade et que tu vomis dans la rue, les gens font juste soit il est bourré, soit oh merde, il va pas bien, le pauvre. Quand tu peux pas chier dans la rue, quoi. Et vraiment, j'avais ce problème de dire là, oui, Valentin, ça, non, mais là c'était horrible. Tu peux pas chier dans la rue, oui, non, c'est vrai, mais tu devrais pouvoir. Et bref, ça se termine très bien. J'ai réussi à aller au Pandora. Et le petit bonus de fin, c'est que j'ai envoyé un texto alors à Julien Méniel. Parce que, c'est ton seul docteur dans ton entourage. Adore, hein. Parce que, non, mais je suis ce mec-là, déjà. Il adore la merde. Nos jugements. Et je lui ai dit, t'as du smecta, point d'interrogation, c'est tout. Et il a eu le texto quand il était en interview avec un journaliste avec le téléphone. Ah, il m'en parle encore avec le téléphone comme ça, avec juste le message, t'as du smecta, Valentin. Et il a dit, le journaliste a vu, parce qu'il y a vraiment eu un blanc, un regard, et genre j'ai éteint mon téléphone et j'ai continué l'interview. Et il m'en parle encore. Mais je sais pas si c'était ça, mais voilà, j'ai fait une chute à Avignon. Qu'est-ce que tu veux que je dise de plus ? La moralité, c'est que tout le monde peut être malade à n'importe quel moment, faut pas se moquer. Comme les gens dans le, aux États-Unis qui se sont moqués de cette pauvre dame qui avait du chocolat. Voilà. Et en fait, qui s'est sûrement chié dessus. Enfin, on s'est attaqué par mon chat. Qui a eu la peur de sa vie. Non, mais il faut terminer maintenant. Même mon chat nous dit d'arrêter. Donc je fais un dernier tour de table, les amis, pour dire au revoir à tout le monde. Donc Valentin Vincent, oui. Tu as une série qui sort bientôt, est-ce que tu as le droit d'en parler? Oui oui, je pense. C'est un truc sur les mignons. J'ai réalisé et écrit avec Stéphane Carlo une mini-série de 4 épisodes de 10 minutes. Je ne sais pas quand ça sort et je vous avoue que ça sort sur un service où vous allez sans doute pas l'avoir. Mais j'ai fait ça et c'est un service. Non mais c'est pas une critique, c'est un service pour Orange et voilà, je doute qu'il y ait énormément. Sauf ceux qui sont chez Orange. Mais si vous êtes abonné Orange, c'est sur Pickle TV, c'est voilà. Une série qui s'appelle Radioactive et je ne sais pas quand ça sort, j'espère que j'ai le droit de le dire, mais je pense. T'as 4 jours pour me le dire. Et donc on a tourné ça, on est très contents. C'est quasiment une série. C'est un huis clos avec un personnage dans un bunker et qui est en contact avec une personne à l'extérieur. Et donc c'est quasiment une série audio. Enfin, à l'image, il n'y a qu'une comédienne. Qui s'intitule Marine Berthieu. Voilà. Et qui fait beaucoup de doublage. Et c'est Antoine Chomsky qui fait l'homme à l'extérieur. Trop bien. Et puis sinon, voilà, rien de nouveau. J'écris une série avec Julien. On a le droit de le dire, mais on ne sait pas quand ce sera fait non plus. Et on espère. Et une BD aussi. Et une BD, mais j'en parle plus parce que là, ça fait 3 ans que j'y ai. On a signé une BD. Et non, je peux le redire, c'est signé, ça va se faire, mais c'est dur de. Mais ça prend du temps la BD. Hein, ça prend du temps, et en fait, le dessinateur est beaucoup occupé. Nous, du coup, on a. Bah, c'est Uderzo. Hein, ouais, non, mais du coup, on n'arrive jamais à trouver un moment. Mais tu peux le dire, la moitié est dessinée. Ah, bah voilà, c'est déjà pas mal. Voilà. C'est déjà pas mal. Et bon, en 3 ans, c'est ancré ou pas? Non, c'est trop. J'ai voulu juste poser une question de. De mec qui connaît un peu un vif interne. Et, en fait, et Twitch, pardon, l'actu. Un skip. Oui, une chaîne. J'ai essayé d'être jeune et je suis allé sur Twitch. Et on s'amuse bien. Non, on fait tous les. Alors jusqu'ici, c'était tous les lundis, avant l'été. Tous les lundis en direct sur Twitch à 21h, on fait une émission qui s'appelle Askip, qu'on co-présente avec Julien Josselin. On a un invité, c'est en direct, on fait des jeux avec lui. Flaubert est passé nous voir. Je suis passé. Évidemment que Lucien, tu passeras. On va inviter tous les copains de toute façon parce qu'il faut bien trouver des gens. Parce qu'on reprend. Bah, moi, ça non, fait... non, c'est pas ce que je voulais dire. C'est cool. C'est vraiment fait genre, ouais, Lucien, bah, faut bien trouver des gens. Oh, non, ouais, je suis dispo. Ouais, ça tombe pas hyper bien. Ce que je voulais dire, mon amour propre, ça tombe bof. Tu vas comprendre. Mais je suis dispo. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'on reprend en septembre. Pas la date, mais on reprend en septembre et on veut faire ça toute l'année, donc c'est toutes les semaines toute l'année, donc il y aura plein de semaines. Gens qui vont passer aux 52 potes et au contraire j'espère en fait il va avoir le réel des mignons puis j'ai compromis un petit peu après cette émission, mais voilà, donc Askip ça repart pour une saison. Roxane, à la rentrée sur Canal+. Oui, normalement, si tout va bien, la série devrait sortir, la série des Parasites, de 8 fois 20 minutes, des plans séquences sur l'effondrement de la société. Je sais pas si j'ai le droit d'en parler. Je sais le droit, non? Bah, moi, je ne fais pas partie des Parasites, donc je ne saurais pas te dire. Écoute, de toute façon, il y a 4 jours derrière. Oui, un message. On va leur un texto et tu dis. Normalement, je crois chaud. Que c'est bon. Mais en tout cas, ils diffusent. Ah oui. Frames, ah, mais oui, je suis bête. Bien sûr, le teaser est sorti. Oui. Donc, il y a cette série avec les Parasites et la saison 4 de Sam pour ceux qui suivent sur TF1. Bien sûr. Non, pardon. Donc, ouais, la saison 4 de Sam. Les Parasites. C'est les sorties de la rentrée. De la il y a rentrée. De la musique, non? Je crois qu'il y a de la musique, je vois c'est pas mon téléphone. Ah non, c'est dehors. Attends. Mais c'est long, ça fait longtemps qu'il y a de la musique. Il y a un truc dans ton bureau, non? Ah, c'est le réveil, c'est mon réveil matin. C'est mon réveil matin parce que. Parce qu'il est. Parce qu'il est 8h du matin. Il est 9h35. Il est 8h du matin, excusez-moi. Écoute, de bien belles nouvelles. Oui, tout à fait. T'es contente? Tout va bien? Tu seras pas à Frames, toi? Non, tu seras pas. Mais en tout cas, si vous allez à Frames, vous pourrez voir en avant-première les épisodes. Enfin, je crois qu'il y a deux. Ah, il y a une projection. Je te jure, il y a une projection à Frames. Je l'ai vu dans le sommaire. Je tiens à dire aussi, si vous allez à Frames, il y a des toilettes au Pandora. Si jamais, n'hésitez mais pas. Mais ils sont en travaux depuis. Ils sont fermés. Et Lucien, donc ta chaîne qui revient très bientôt. Oui, mais vous attendez pas forcément à une grosse actu en septembre sur cette chaîne, parce que soyons réalistes, il y aura pas de vidéo en septembre. Ok. Mais ça vient, c'est écrit, c'est en train de se préparer. Et en tant qu'acteur, j'ai joué dans une vidéo assez fat pour Amy. D'accord. LTR. Amy LTR. Ouais. Qu'il faudrait qu'elle vienne d'ailleurs, elle aussi. Bah oui, oui. Trop cool. Ouais, ouais. Je précise pas quelle vidéo, quand est-ce qu'elle sort, ni rien, parce que mon rôle est un peu surprise. D'accord, ok. Voilà. Oh, oh. Mais c'est un super rôle, je tiens à le dire. Je me caresse un peu le bouc en me disant plein de surprises. Voilà. Bah, c'est ma nouveauté, moi aussi, de la rentrée. Ah oui, il a un bouc. Je me suis pas rasé. Oui, t'as un bouc maintenant. C'est pas un bouc, je me suis juste pas rasé, mais c'est une nouveauté. Pour moi, t'es un homme. Ça y est, j'ai des poils. Et toi, Flo, t'as une actu? Eh bah, ben, moi, oui, bah, Pitch qui continue, là, qui va avec Baptiste Le Caplin. Ouais. Baptiste Le Caplin sur Canal Pelu, moi également. Alors ça y est, je peux le dire aussi. Moi, j'ai une bande dessinée qui est en train d'être dessinée, qui sortira chez Delcourt. T'étais dans un manège pour moi. Tu étais dans le Eagle Fly. voilà. Bah oui, ça fait 2h30, donc on fait des blagues nazies. Donc oui, une bande dessinée chez Delcourt. Alors je vous en parle pas plus, mais en tout cas, elle est finie d'écrire et elle est en train d'être dessinée. Cool. Et je suis trop content des premières planches. Donc voilà, mais ça sortira dans très longtemps. Je crois que j'en ai parlé à Delcourt. Je crois que la date, c'est genre juin 2020 minimum. Donc on est vraiment. Ah oui. Ouais. Quasi ça un an. Ça prend beaucoup quoi. De temps. Puisqu'en fait, le dessinateur va aussi les colorier, les ancrer, comme tu dis. Non, c'est pas ça. On s'en fout. Pas bon, bref, le dessinateur fait tout. Donc voilà, donc ça prend du temps et on peut pas avancer sur deux trucs en même temps. Et en même temps, le dessinateur est un génie. Enfin, je trouve, j'adore son style, on s'entend trop bien. Et, c'est Boulet, c'est Franquin. Non. Un indice, il a fait Tintin. Voilà. C'est Uderzo. Non, mais bon, bref, en tout cas, je suis trop content. Donc ça se passe très très bien. Et je suis en train de réfléchir. Il y a une série sur laquelle j'écris qui va rentrer en tournage en octobre. Et voilà, et tous c'est les autres. C'est celle qu'on bip d'habituellement. Ah oui, aussi, il y a deux séries sur lesquelles j'ai qui sortent en octobre. Et non, s'il te plaît. Enfin voilà, en tout cas, il y a des projets qui arrivent. Mais moi, comme je le dis à chaque émission, 2019, c'est surtout le projet de l'écriture. Et en 2020, il y aura des trucs à regarder. Donc j'espère que vous serez là. Mais la vraie grosse actu très récente, surtout, c'est qu'on va faire un live à Paris avec le Floodcast dans une grosse salle parisienne. Une plutôt grosse salle parisienne. Oh, une salle mythique. En tout cas, la billetterie, la billetterie va être bientôt en ligne. Et voilà, j'ai fait l'événement Facebook et je suis content. Il y a plusieurs personnes. Mais j'ai vu qu'il y avait du monde. Hein. Pour le moment, après, ça veut pas dire qu'ils vont payer. Pour une émission comme ça, c'est quand même inespéré. Non, ça veut pas dire qu'ils vont acheter leurs billets, mais en tout cas, j'espère que ça va se vendre comme des petits pains. Ça va être c'est deux menus McDo, tu disais. C'est les places les plus chères c'est sont le prix McDo. De deux menus McDo. Voilà, franchement, tranquille. Et il y aura évidemment Adrien, il y aura évidemment plein d'invités qui sont déjà venus. On a prévu plein de petites surprises trop cool. Et je vois Antoine qui produit la soirée, que vous connaissez, qui est sur 2 heures de perdu, très bientôt, avec qui on va discuter, là, bientôt, on va commencer à parler conducteurs. Voilà, on a déjà une petite liste d'invités, on a 2-3 oui, déjà, de personnes qui ont dit on viendra, des noms qui vous feront plaisir, en tout cas, si vous venez, je garde encore un petit peu la surprise des invités. Il y aura Kali, le chanteur. Il y aura le chanteur Kali. Y aura-t-il Attends, j'ai envie de le tenter, du coup, parce qu'on a eu Cœur de Pirate. Alors... Pas mal. Sur un mot. En fait, à la base, je l'avais sur un mot. J'avais Zemmour parce qu'il s'était énervé contre Eric Zemmour dans le plateau. C'était c'est moins Zemmour. Voilà. C'est moins bon, en tout cas, je vous souhaite. On n'a pas fait leur convention encore une fois, mais ça fait 2h44. Oui, bon, écoutez, regardez ce qu'on fait. C'est déjà très moi, bien. Je recommande Community, la série. Vraiment, c'est chambé. Voilà, c'est sur Amazon Prime. Ouais, pas. Ouais, non, c'est pour ça que. Les mignons, de Pierre Coffin. Merci beaucoup, Roxane, d'être venue pour cette première fois. Est-ce que tu as kiffé? Ça va? Mais c'était super. J'espère que ça va. C'était super, Roxane. Super. Ne t'inquiète pas, on a eu des invités bien plus à chier que toi. Ça veut pas dire que t'étais bien, ça, cette phrase. C'est horrible. T'étais pas la pire. T'étais super, mais t'inquiète pas. Tu étais une invitée médiocre, mais il y avait pire. Il y avait vraiment bien pire. Oh, tu étais accusé. C'est pas pire qu'on a besoin de gens, donc on vous aura peut-être dans l'émission. En termes de maladresse, on est très bien. En tout cas, je vous embrasse et à la semaine prochaine. Au revoir tout le monde. Ciao. Bye. J'adore, j'ai dit. Moi, je vous aurais bien vu dans le monde de... Je ne sais pas. je dirais un phare breton. Perdu. C'est ma bite. Forever. Ever.